IKEA. C'est terminé. Eh oui, quelle défaite. Bah, tu vas où? Bah, faire un gratin. Voilà, j'en ai besoin. À 16h? Cuisiner, ça détend. Surtout quand IKEA vous offre jusqu'à 400 euros de réduction immédiate sur votre électroménager pour l'achat d'une cuisine méthode d'une valeur minimum de 2000 euros hors électroménager et luminaire. Offre valable jusqu'au 9 septembre avec la carte gratuite IKEA Family. Conditions sur IKEA.fr. J'ai senti un truc. Je me suis demandé ce que c'était. Je viens de vivre un truc absolument dingue. Oyez, tas de bâtards! Je vais chier sur la moquette. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère! Si vous aviez l'un, vous aviez l'autre, le vagin et le pénis. Flaubert, Adrien Méniel. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Bonjour, bonjour oui. Et bienvenue bonjour. Dans bonjour. Ce nouvel épisode de Floodcast. Le 14e. Le 14e. Des fois on oublie de dire mais les oui, numéros. Ouais, un, sur hein. le dernier j'avais zappé. Et Robin des Bois, tu t'es chié dessus, tu l'as pas dit. Hein. Ah ouais, bah, j'étais extrêmement impressionné. Bah, ouais, tu l'as pas dit parce que j'avais pas de micro. Voilà, ouais, c'est exactement ça. Comme à l'accoutumée, quatre invités qui m'accompagnent. Je commence par Manon Bril. Bonsoir. Ouais, bravo. Bon. C'est Manon Bril. Manon, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Eh bien, je m'appelle Manon Bril, mais j'espère que tout le monde me connaît déjà. Oui, il y a de grandes chances, il y a de grandes chances. Voilà, j'ai une chaîne qui s'appelle C'est une autre histoire, qui vulgarise l'histoire de manière autre. Et j'essaie d'être un peu divertissante par ailleurs. Non, mais l'idée c'est de dire, oh, l'histoire c'est pas si chiant que ça, tu vas voir, je vais te dépoussiérer tout ça. Et voilà. Voilà. Parce qu'en règle générale, c'est quand même grave chiant. C'est chiant. Ben, c'est, eh ben, on est bien d'accord, c'est pour ça que j'essaye d'y remédier. Tout parfait. À fait. Nous sommes également avec le capitaine. Bonsoir. Bonsoir, citoyen et citoyen. Capitaine d'où? De. Du Nexus 6. Exactement. Peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Alors, Nexus 6, c'est une chaîne YouTube qui parle de science-fiction dans tous les arts, littérature, jeux vidéo, cinéma. Ou que sais-je, tant que c'est de l'ASF, on va en parler. Mais en même temps, on fait pas que des reviews et des chroniques, enfin voilà, des critiques d'œuvres ou de thématiques de ce genre. Ça va être aussi une web-série, puisque vous allez suivre nos aventures dans la galaxie. Donc moi, je suis le capitaine du vaisseau, le Nexus 6. J'ai un équipage, j'ai des ennemis. Il y a des aliens, du gunfight, du dogfight. Voilà, c'est là. Beaucoup de fights. En fait, je vais résumer ça avec le meilleur commentaire que j'ai jamais eu, c'est Firefly saison 2. Voilà. Wow, oui, c'est un peu ça. La volonté. Ouais, c'est un peu la volonté. Voilà, bon. Faire le Star Wars. Oui, parce qu'il y a de la vanne aussi. Il y a de la vanne. Il y a de la vanne, il y a de l'humour, il y a de. Des chevaux, de des cowboys. Alors là, si on parle de Westworld. En tout cas, il n'y a exactement. Pas de la modestie. Alors, ça commence. On voit qu'on aïe, aïe, aïe. Se connaît très très on bien. On se connaît plutôt bien. J'ai des dossiers aussi. Il y a un autre sniper autour de la table, j'ai l'impression. Attention. On m'a pris mon fusil. Non, mais je te le rends. J'ai des dossiers aussi, je tiens à le préciser. Enfin, nous sommes également avec Jean-Baptiste de Cinéma. Avec un S devant. Avec un S avant le C, ça marche pas à l'oral. Mais tu t'en es rendu compte trop tard ou... Oui. Là, on a juste dit que tu étais un art, tout simplement. Oui, voilà. Julien, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Oui, vous m'avez peut-être vu dans une vidéo de Cyprien. Ouais. Exact, c'est oui, tout. C'est vrai. Non, j'ai une chaîne. J'ai une chaîne donc cinéma qui parle de science et de cinéma en avec même temps. Un S, avec un S. Avant. Ouais. Et voilà où je fais de la vulgarisation scientifique avec le cinéma. Bon bah les amis, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Mais merci. Bah non, mais ça me fait très plaisir comme à l'accoutumée. Genre alors qu'il y a eu une émission avant, mais bon, on le tente quand même. Là, oui, on ouvre avec sûr. Les news un petit peu insolites. Donc c'est un petit jeu. Je vous lance un peu sur des trucs et vous essayez de deviner de quoi on parle. C'est un jeu maintenant, du coup. Ça a changé depuis. En fait, ça va être bientôt une émission que je vais animer avec que des jeux. Enfin, okay. Voilà, des podcasts en tout cas que je comptais faire. Ouais. Avec des jeux. Ouais, grave. D'accord, grave, c'est que marrant, parce que ça ressemble vraiment à l'émission que je voulais faire. J'en ai jamais entendu parler. Ah, okay, donc je peux pas te dire. Moi, je le fais avec le gars de Dans ton corps, donc ça n'a rien à voir. D'accord, moi, je fais vraiment ça de mon côté. Donc, en janvier 2019, il était possible. Très récemment. C'était il y a. Il y a quoi? Il y a deux mois. Deux mois, à tout péter. Exactement. Il était possible d'apprendre une activité à Versailles. Laquelle était-elle selon vous? Chier derrière les portes. Non. Parce qu'il paraît qu'il ouais, tout les ça... rideaux, tout ça. C'est un truc. Comme aussi l'histoire, c'est pas un peu légende urbaine, mais j'ai pas vérifié. Ouais, c'est vrai. Ça chier derrière les rideaux à Versailles? Il paraît que c'était dégueulasse dit, et qu'il chiait partout. Parce qu'à Porte de Versailles, pendant le salon de l'auto, ça chie derrière les rideaux, ça je peux vous le dire. Porte de la Chapelle, ça chie dans la rue. Ça, je peux vous dire, j'y ai vécu, ça chie sur la voie ferrée. Ça chie devant ta porte, même. Ça chie devant ta porte. Total, vraiment. Oui, je sais, c'est pour ça que je me permets de lancer cette info. Est-ce qu'on a droit à un indice? Attends, calmos. que... Moi, je suis pas du tout joueur. Ça me casse les couilles. Attends, Versailles, cultiver des oranges. Non, peut-être autour de la royauté. Alors, sachez que je vous ai dit Versailles. Évidemment, des abysses. Attends, c'est le château de Versailles ou. Non, je vous ai dit à Versailles, mais en fait, ça aurait pu être dans n'importe quelle autre ville de France. À devenir leader mondial de musique électronique. Quoi? Bah, Daft Punk. Non, attends, un truc. Jouer au Quidditch. Non. Non, non, non, mais c'est une activité un peu, effectivement. Insolite. Qui relève. En tout cas, oui, qui relève. Comment? De PNQ, j'ai dit. Ouais, pardon. Non, qui... On salue les Potterheads. Les PNQ Potterheads. Non, mais par contre, t'étais pas très loin. C'est une activité qui est liée à un peu de la fiction, du monde un peu imaginaire, tout simplement. Alors, Lié à une œuvre de pop culture aussi? Pas précisément une, mais effectivement. Concours de mantra de Naruto. Pas de la sorcellerie, pas du Naruto. La musique, la magie noire. Non, musique. Pas de la magie. C'est... Vous êtes pas loin, mais c'est un truc un peu mystique, un peu magique. L'astrologie. Non. Non, un truc qui existe. L'astrologie. C'est une religieuse alors dans ce cas-là. Non. Bah, alors, plus, c'est pas un truc qui existe, j'ai vraiment dit n'importe quoi. D'accord. Non, mais c'est. Donc c'est un truc qu'on peut voir au cinéma. Au cinéma, peut-être même dans un Disney. Aïe aïe aïe. Dans un Disney. Est-ce que c'est. Genre un tapis volant, tu veux dire? Non, pas de tapis volant. Se libérer, se délivrer. Non, de quelque chose. Peut-être un Disney dans les années 90 en tout cas. Manger des pommes, empoisonner des pommes. Non, soulever des lions sur une pierre. Non. Aïe aïe aïe, il y en a beaucoup des Disney. Patriarcal, le symbole de la princesse. Okay, attends, c'est avoir des nains chez soi, c'est animé par Franck Gastambide. Non, pas du tout. Beaucoup de. C'est très glauque, mais c'est une super idée. Tu refais Blanche-Neige avec Gastambide. Bah, oh la vache. Allez, ça serait parfait. Bon, je vais vous dire la réponse. Je suis sûr que vous serez super sur les prochains. Il était possible d'apprendre d'être une sirène. Mais pourquoi? T'es une image. J'ai envie de. Oui. Alors en fait, c'est l'association Paradis Sirène, qui est une école basée à Val d'Europe. Il y a même pas la mer déjà, c'est raté déjà. Tu peux éviter de gerber sur les gens qui potentiellement nous écoutent. Faites ça à la boule. Je pense que t'es pris par les courants, alors que là, t'es dans une piscine. Évidemment, ça se passe dans une piscine. Toute la journée, c'était une journée en janvier. Il était possible d'avoir des baptêmes de nage sirène, appelé aussi. Mermaiding. Mais j'ai trop envie de voir ça. Quel enfer. C'est un vrai sport venu des États-Unis qui trouve de plus en plus. C'est pas un vrai sport. Non. C'est un vrai sport. Ça doit être super physique de nager. Oui, c'est comme l'homme de l'Atlantide un peu quoi. Il nageait avec les. Personne n'a cette rêve. D'accord. Je retourne dans ma vieillesse. Dans le Grand Bleu, il nage comme ça, voilà. En sirène comme ça. Monsieur Poulpe en avait parlé dans une émission de Decaune, mais je crois qu'il était plus sur la côte atlantique ou un truc comme ça. Bah écoute, là en tout cas, je te dis, c'est à Versailles. On oublie les paillettes et le côté bisounours de la sirène, car effectivement le mermaiding fait travailler énormément de muscles, insiste cet adepte qui s'intitule Océane. Mais c'est pas son vrai prénom. Est-ce que du coup tu chantes pour choper les hommes et les bouffer? Et non, c'est ce qu'ils disent. Apparemment pas du tout de chant, et apparemment ce n'est pas sexy du tout. Il faut ensuite glisser ses jambes dans la queue, équipé d'une palme. Une fois dans l'eau, on a envie de marcher, mais impossible. Les deux pieds sont collés. Enfin bref, vous voyez ce qu'est une sirène, quoi, de toute façon. Pas mal de noyades, certainement. Qu'est-ce que c'est, cocasse au bord de la piscine quand ils sautent tous? Ouais, je pense que c'est vraiment ridicule, en tout cas, de descendre dans l'eau, de remonter. D'ailleurs, t'as dit qu'en janvier, on pouvait faire ça. Donc on ne peut plus le faire, donc ça a été un bide. A priori, c'est fini, quoi. En tout cas, en janvier, c'était possible. Mais après, je te dis, c'est une vraie association qui s'intitule, comme je vous l'ai dit, Paradis Sirène. Donc j'imagine qu'ils font souvent ce genre d'activité un peu partout. Apparemment, il y a des clubs. Il y a des clubs maintenant. Je pense qu'il y a des clubs. Il y a un musée qui a ouvert ses portes aux États-Unis. C'est pas possible. Ils ont de la culture. Bim, comment ça? Bim, les hamburgers. Alors, hein, on est français. Il y a une exposition itinérante qui a traversé les States. Son concept est extrêmement original. Lequel est-ce, à votre avis? Visiter les fast-food. Écoute, c'est pas ça, mais tu es sur de la nourriture et t'es pas très loin. Musée du hot dog. Non, c'est insolite un peu quand même. C'est à manger ou à boire? C'est un peu ça, c'est un peu les deux. En fait, c'est en rapport avec des marques. C'est ce que j'allais dire. C'est pas genre. Tu sais, des fois on dit les burgers McDo, tu les laisses un an et ils bougent pas, ils moisissent pas et tout, c'est pas ça? Non, pas du tout, mais c'est une excellente idée. Oui, mais un musée des légendes urbaines du McDo, genre il y a de l'anti-vomitif, tu vois, tu peux le. Le coca, genre, il y a un truc de si tu mets une pièce dans du, une pièce dans du coca, elle rouille au bout d'un mois. Tout non, elle dérouille, justement. Elle dérouille, ça décalamine. Exactement. T'as dit que c'était un truc avec les marques, du coup, c'est genre comparer les mêmes produits de marque ou. Non, mais c'est des marques particulières. Des marques. Qui n'existent plus. Il y a de la bouffe, il y a d'autres marques. Ça n'existe plus. C'est pas les marques qui. Pas exactement loin. C'est pas les marques qui ont raté. qui ont... Exactement. Wow. Très bonne réponse du capitaine. Mais je suis vraiment désolé. Il vient du futur, il le savait. Évidemment. Il l'a cherché les infos. Je suis désolé. Une exposition consacrée aux plus grands flops commerciaux. Voilà. Est-ce qu'il y a la vache sérieuse? Non. Alors, il n'y a pas la vache sérieuse, qui est un vrai truc qui existe en France. C'est un vrai truc. Il n'y a pas non plus les Web Comedy Awards. Le musée de l'échec parcourt les États-Unis. C'est une exposition suédoise à la base qui présente les plus grands échecs commerciaux. Par exemple, il y a eu les lasagnes de bœuf de la marque Colgate. Il y a le film Le Manoir. Oh, oh, le sniper est de retour. Je l'ai bien vendu son fusil. Le Pepsi Crystal, un casque audio pour les chiens. Les Google Glass, évidemment. Le Power Glove. Ouais. Voilà, ah, tous ces trucs-là. Ah ouais, mais quand même. J'aime le Power Glove. Attends, mais c'est des bides stylés quand même. Le Power Glove, c'était un gant que tu pouvais brancher en tant que périphérique sur la Nintendo Entertainment System. Mmh. Et la tu pouvais NES. Contrôler les trucs et faire des machins. Et il y a eu aussi, il y a tout un mur dédié à Donald Trump, parce qu'apparemment, il a lancé plein de marques qui ont bidé, comme un jeu de société ou même sa propre son eau. Université aussi. Son université, sa propre eau. Les et steaks. À la sortie, il y a un truc un peu marrant où tu laisses tes propres échecs personnels sur un post-it. Et voilà. Mais donc. C'est vachement à la mode ça, les gens qui font des conférences sur les échecs, l'espèce de contre TEDx où les gens ils bah, parlent en fait, de ça. Oui, c'est très, bah, c'est très en c'est fait. Décomplexant et pas exactement. Mal. Puis maintenant il y a un truc de la réussite, la réussite, la réussite. En échouant qu'on apprend. Oui. Oh, mais on est un philosophe. On... on pense à YouTube Premium. Ouais. Voilà, c'est ça. Bientôt dans l'expo. Qui a changé son business model en échouant. Échouant lamentablement. Bien sûr. On va pouvoir voir les séries. Gratuitement avec de la publicité maintenant. C'est annoncé ça ? Ou oui. Faut que je bip ? Oui, oui, il y a eu un article. Ah, okay, d'accord, cool, très sauf bien. Les séries sorties avant 2019. Ah oui. Ah, c'est vrai. Donc vous ne pourrez jamais voir Groom. Alors, on sait pas. On sait pas. Il y a quelqu'un qui a sorti sans une chanson oui. Récemment, cette semaine. Je vous VG en fais Dream. Écouter les premières notes. Ah oui, alors j'ai pas précisé, c'est une pure merde. Hein. On l'avait. Rouge de colère, le troupeau se meurt. La rage au cœur des frères et des sœurs. Tremblement de terre, un aveu. Ça pique. Merde, terrible. C'est Fly Rider. Montre-moi. Bon, allez, ça suffit. Il faut qu'on devine qui c'est. Voilà, alors il faut savoir que c'est un duo avec Doc Gynéco. Il y a Doc Gynéco qui vient poser un petit freestyle au milieu. Oh là là. Et c'est une chanson sur les gilets jaunes qui s'appelle En couleur. Wow. Et c'est quelqu'un qui l'a interprété. J'aimerais que vous me trouviez son nom. Alors. Sachant qu'il ne s'agit pas d'un chanteur. Est-ce que c'est quelqu'un qui a fait de la télé-réalité? Non. C'est un politique. Oui. Oh merde. C'est un. Ah, ok. Joli. Alors jeune, il est assez jeune là quand même. Il est assez jeune. C'est un politique de droite. Est-ce que c'est le mec de la République en marche là? Ah non, oui, je sais. C'est le chinois. Oui. Ouais. Ah, il est coréen. Il est coréen. C'est le coréen. Hyper raciste, coréen. Mais oui. C'est lui que je pensais. C'est lui. C'est lui. Ah, le mec qui était déguisé en Donald Trump à TPMP là. Il s'agit de Joachim Sonforger. Voilà. Pété un câble, lui. Excusez-moi, qui a complètement vrillé. Donc l'asiatique. L'asiatique. Il n'est pas chinois. Non, c'est pas complètement français, non. Non, c'est bien, JB. Bravo. Oui. Non, bravo. Non. Ça a commencé à marcher. Il y avait Cyprien qui avait fait une petite vidéo. Et puis il y a des bandades. Racisme-néma. S'il vous plaît. Donc voilà, il a fait une petite chanson dégueulasse. Ah la vache. Pour, donc anti-gilet jaune plutôt. Non. Bah. Justement, lui, il est plutôt anti-Macron. Tu sais, il s'est fait un peu. Genre. Ah oui, il s'est fait jarter des trucs. Il a été banni du paradis. Il était en marche. Il était en marche. Ah, mais comme Satan, c'était un ange, il a été banni du paradis et c'est devenu. Mais vous avez vu son Twitter et tout, il a complètement pété un boulon sur les. Oui, il est fou. En fait, il a lancé son parti et en fait, quand il avait fait une soirée dans un bar parisien, etc., et en fait, il y avait plus de journalistes que de gens venus voir. Et apparemment, c'était très gênant. Il y a des gens qui avaient live tweeté le truc, notamment la chaîne Acropolis qui parle de politique. Oui, mais Jean, il est allé à son meeting. Et c'est très très drôle. Je vous conseille d'aller lire son thread là-dessus. Oui, il est complètement cinglé. Et du coup, voilà, il avait rencontré Doc Gynéco sur le plateau de Balance ton poste. Oh non. Et donc du coup ils ont fait cette petite chanson ensemble. Doc Gynéco continue d'être de droite. Parce qu'il a quand même soutenu Sarko. Continue quoi. Ouais. Sachant que Sarko c'était pour être dans la pub Virgin Mobile. Donc c'était pas du tout politique. C'était vraiment pour ça. Aux États-Unis, il y a deux enfants ont voulu faire une petite blague pour l'anniversaire de leur père de 62 ans. Laquelle était-ce? Ils ont fait semblant d'être morts. Ouais, c'était un prank. Non. C'est pas un prank. C'est un peu un prank, mais c'est pas un prank de on essaie de te rouler dans la farine. C'était genre, y a pas un cadeau physique offert, un truc comme ça? Non, pas du tout. blague. C'est un truc. Donc, c'est un. Ils ont piégé leur père. Ils ont foutu leur père un peu dans la merde en faisant une mauvaise blague. Ils lui ont. Un truc qui implique de l'argent. Avec son boulot. Non. Non. Non. Pas avec son boulot. Avec. Avec sa. Avec la mère. Ouais. Non, pas avec la mère. Un rapport avec Internet. Pas avec Internet, mais avec un autre moyen de communication. Téléphone. Ouais, ouais. Ils ont fait un prank téléphonique. Non, non, non. Ils non. ont appelé. Non, mais t'es pas loin. Enfin, vous êtes pas loin. Il y a, en fait, en gros, ils ont acheté un panneau publicitaire sur lequel ils ont inscrit le numéro de téléphone de leur père en disant non, souhaitez-lui un bon anniversaire. Souhaitez-lui un bon anniversaire. Oh, non, oh, non, c'est stupide, mais mignon. Voilà. 15 000 appels pour le papa qui, a, qui était déprimé et qui a vraiment détesté Attends, ce cadeau. Il était déprimé avant ou après? Non, non, après, c'est genre, il a vraiment. Ils avaient quel âge, les enfants? Bah, je sais pas, parce qu'ils ont quand même payé un tableau publicitaire de 2000 balles. Donc je pense, et puis le père a 62, donc je pense que oui, il doit avoir la vingtaine minimum. Ouais, d'accord. Je pense. Ah oui, donc. Donc il ne maîtrise pas les codes d'internet. Non, non, c'est-à-dire, enfin, il. Enfin, de la vie, là, de en l'occurrence. Oui, en l'occurrence. Mais je pense qu'on peut dire qu'il s'agit de deux purs débiles. Oui, oui. Parce qu'à la limite, tu lui achètes une carte SIM valable un mois et tu dis appeler sur ce numéro. Enfin, tu vois, tu lui donnes son putain de numéro. Comment tu lui fous la carte SIM dans son téléphone? Non, tu t'achètes un téléphone de merde à 10 balles. Mon père, je pense, je lui change son téléphone, il s'en rend même pas content. En vrai, donc tu peux arnaquer. Mais après ça, ça va pas forcément être des messages de joyeux anniversaire à chaque fois, on est d'accord. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Après, tout dépend où ils ont acheté le panneau. S'ils l'ont mis sur l'autoroute, ouais, ok. Ils l'ont mis dans une prison. Ouais, c'est vraiment très étrange. Ah, non, j'avais vu ça une fois aux fêtes de Bayonne où il y a énormément de monde, n'est-ce pas? Et des gens par la fenêtre. Enfin, il y a vraiment. Énormément de bouffe aussi. Non. Oh, mais ça va. Voilà. Le mépris de classe sociale. Non, mais. Tous les gars d'école de commerce, ils vont. Eh bien, moi, j'adore les fêtes de Bayonne. Attention, les gars d'école de commerce, ils t'emmerdent. Je suis free rider. Comment, capitaine, vous êtes allé en école? Non, pardon. Et bref, il y avait quelqu'un qui tendait un panneau avec un numéro par la fenêtre au-dessus de la foule en délire. Ouais. Et évidemment, tout le monde appelait. Et donc j'avais appelé parce que je suis un beauf bourré. Visiblement. Bah oui, voilà, c'est l'ambiance. Hein. Et j'avais eu droit à ouais, salope, je vais te retrouver, je vais là. Parce que le mec, je pense que c'était son 100 000e appel de la journée. Et c'était ses potes qui avaient dû marquer son numéro sur un truc. Voilà. Il a bien pris la blague, voilà, on peut dire. Oui, c'est agaçant aussi. Le père, il finit en dépression. McFly et Carlito sont obligés de changer de numéro. Oui, voilà, c'est vrai. Voilà, bon, c'est agaçant. Je retire ce que j'ai dit, du coup. Il n'y a vraiment pas de beauf. Visiblement, c'est. Assume. Il s'est passé autre chose le 6 mars aux États-Unis. Donc il n'y a pas longtemps, en Floride, une femme a assassiné son conjoint. Yes. Quelle en était la cause de cet assassinat? La télé, ça. Il voulait regarder un truc à la télé. Non. Le web. Il voulait regarder Mesmer. C'est pas un accident. Non, pas du tout. Ah non, elle l'a tué. Elle l'a vraiment assassiné. Une dispute qui a mal tourné, quoi. Est-ce que ça concerne des alligators? Non, aucun alligator. J'y pensais aussi. Ouais, non, non. Mais il a cru que c'était un alligator, elle l'a tiré dessus. Boum. C'était prémédité ou c'était sur le coup? Pas du tout, c'est un coup de sang. Bon, alors, il lui a dit. Tromperie? Non. C'est un accident? Non. Il lui a spoilé un truc. Non. Il lui a dit que le meilleur Harry Potter c'était l'avant-dernier. Elle l'a tué. Est-ce que c'est des sujets qui te prennent au cœur? Non, vraiment. Il fait des blagues sur Harry Potter, alors je pense qu'il a rien. Non, tu t'en bats les couilles. Je les ai tous vus. Ah ouais? Ouais. Les films? Ouais, ouais. Même le dernier? Potterhead. Ouais, ouais, je les ai tous vus. Bah, t'es un gros Potterhead à mes yeux. Voilà, après, je comprends pas le. Voilà, mais je les ai tous vus. Je comprends pas là. Après, j'ai pas grandi avec. Oui, on est d'accord. J'ai pas grandi avec Tom Sawyer. Je suis pas un débile non plus, c'était pour ça. Je plaisante, bien sûr. Vous avez beaucoup d'amis, c'est ça. C'est l'émission où tout le monde se désabonne, techniquement. Non, pas du tout. Bon, qu'est-ce qui a pu pousser cet assassinat de sang-froid? Truc de cuisine? Non. D'argent? Non plus. D'amour, de passion? Un truc de couple, hein, qui arrive à beaucoup de couples. Amour, il baissait pas la lunette des WC. Non. Ah, mais pas mal. Oh, non, pas mal. Non. Un truc de sexe? Non. De sexe? C'est chaud. Les gros cochons. Allez, baiser ensemble. Non, je sais pas. Ça concerne les courses, enfin des tâches. Non. C'est arrivé le soir. Je peux pas vous dire. Il ronflait. Exactement. Ah. Alors oui, je dis oui. Assassiné. Ah, c'est dur quand même. Les forces de l'ordre n'ont pas pris ses explications pour argent comptant. Et oui. Lorsqu'elle a voulu leur dire, lorsqu'elle a d'abord tenté d'expliquer aux agents qu'il s'agissait d'un accident. En effet, l'homme gisait à terre dans une mare de sang. Elle lui avait tiré à l'aide d'un fusil une balle dans la zone de l'aisselle côté droit. C'est efficace. L'accident. Oh non. Est-ce que du coup elle pensait peut-être juste le calmer un peu? Genre non. pas le tuer, mais lui mettre dans le menacer. Moi j'aurais dit ça. Mais moi je comprends. Menacer pour lui faire peur pour qu'il arrête de ronfler. Moi je comprends. Hein. J'ai horreur de ça. Je crois que c'était le hockey, mais. Moi je pourrais tuer les gens, je vous jure. Bah là, en l'occurrence, c'est parce qu'il y avait un petit peu d'alcool aussi en jeu. Évidemment, comme régulièrement quand il y a des histoires de flingues aux États-Unis. Moi je me souviens d'une histoire où c'était un mec qui avait tué des gens au cinéma. Parce qu'il parlait pendant le film. Oh là là, et je m'étais dit, et ça, je peux comprendre. Je me rends compte que je vous dis de la merde, il est pas décédé. Il est même dans un état stable, autant pour moi. En revanche, effectivement, il va divorcer. Ouais. Oui, le couple n'est pas dans un état stable. Ils sont allés voir justement un médecin du sommeil. parce que là, visiblement, faut discuter. Il lui a simplement dit. Retourne-moi, mets-moi sur le côté. Il a siffle, comme dans la grande vadrouille. Tu vois, il a acheté des petits dilatateurs nasaux pour pas ronfler. Bon, effectivement, la demoiselle sera jugée le 9 avril prochain. Bon, il y a quand même peu de chances que ça se termine bien pour elle. En Angleterre, une vieille dame a réclamé quelque chose pour une association. C'est une association qui va dans les maisons de retraite et qui essaye d'assouvir les rêves des personnes âgées. Ah oui, Make-A-Wish, quoi. Masturbation. Directement. Oh, j'en suis plus. La misère sexuelle dans les maisons de retraite. C'est important. Alors c'est important, mais en l'occurrence, ça n'a rien à voir. C'est un peu plus insolite. Harry Potter. C'était pas assez insolite. Qui n'a pas branlé un vieux? J'ai branlé 6 vieux juste sur le chemin là. Mais c'est un vrai métier. J'habite un quartier un peu mondain. Il y a beaucoup de vieux à branler. Juste question, gratuitement. Sympa pour dépanner. Bon, d'accord. C'est comme, tu sais, comme quand t'éternues, tu dis à tes souhaits. Bon, bah, mais ça existe pour les personnes en situation de handicap. Oui, bien sûr. Non, bien sûr, bien sûr. Mais là, en l'occurrence, c'est un truc un petit peu plus fou. Alors, est-ce que c'est un rapport avec Harry Potter, mettons? Débarrassons-nous de ça directement. Oui ou non? C'est pas le coup de. T'as une fixette avec Harry Potter. Ouais, mais c'est en Angleterre là, je me dis. Bon. Non. Tu sais que le Floodcast spécial Harry Potter est un des plus écoutés. Forcément, c'est des calme-toi, les fans, c'est des milléniaux. Ils sont fous les fans. Et je vous invite, si les propos d'Adrien vous agacent, à écouter cet épisode puisque c'est avec 4 très grands fans. Sans Adrien. Et ça dure 6 heures. Pas dedans, ouais. Ah non, bah on s'en est épargné ça, JB. Et donc du coup, je vous invite à l'écouter. On revient à notre vieille qui a quand même 104 ans. Je fais de la provoque, c'est très bien. Bah, t'es baffie. Qu'est-ce qu'elle pourrait réclamer? Elle a demandé un truc avec la télé. Non, mais c'est un truc qui normalement n'est plus de son âge. Sauter en parachute. Ouais, un truc sportif. Le code Wi-Fi. Non, non. Et elle a 104 ans, du coup, juste le temps de le rentrer, elle est morte. Elle s'est fait tatouer Squeezie First. Allez. Non. Surtout pas. Un truc pas sur les jeux vidéo. Voilà, monsieur choisit ses camps. Voilà, on soutient papa. Des jeux vidéo? Non. Un truc vraiment que normalement tu ne demandes pas. Un truc sexuel ou pas? Non, rien à voir avec physique que tu demandes pas. Enfin, qui tue quelqu'un? Non, mais t'es pas si loin. C'est pas de son âge. De tabasser quelqu'un. De déterrer un mort? Non. De la tuer elle? Son mari? Non. Mais non, mais si elle souffre, tu vois. Drôle. Mais il y avait un critère de c'est plus de son âge. Voilà. C'est vrai. À 104 ans, c'est plus. Bon, il y a plus grand chose de ton âge. C'est plutôt ton âge. De faire une fête d'anniv. Non. Trop mignon. Un clown. Un truc. La fête foraine, elle est. Non, c'est nul. Pas très marrant. Est-ce que vous voulez que je vous le dise? Le DVD. Un indice. Un indice. Elle a voulu ouvrir sa chaîne YouTube. Non. Qu'est-ce qu'elle a? C'est un rapport avec la technologie? Pas du tout. C'est à part un endroit où elle est jamais allée, elle rêvait d'y aller. Disneyland. Ah, l'espace. Voyage. Non. Désolé. Un voyage donc. Dans un autre pays ou pas? Non, dans son pays. Un strip club. Non. Un match de foot. Les Chip and Dale. Non plus. Et ça a rapport avec un peu des mecs qui se mettent à poil ou pas? Pas du non. Mais il a dit pas de cul. Non, pas de cul. Il a dit pas de cul. Un truc qui est plutôt enfantin normalement. Non, loin de là. Oui, donc il y a un peu coquin quand même, non? Des cours de conduite. Non, je vais c'est vous un peu dire, coquin ou pas? Pas coquin du tout. Pas coquin du tout. Il y a des gens qui écoutent, Adrien, donc je suis obligé un peu coquin. Non, pas coquin du tout. Non, mais attends. Bon, vas-y. Bon, c'est la torture. Je suis désolé. La dame a demandé De l'UFC. Non. Dans l'octogone. À l'occasion d'une opération de vœux mise en place par une association caritative, la centenaire a pu révéler ce rêve plutôt insolite. Lors de cette opération, les personnes âgées sont sollicitées à écrire un rêve qu'elles souhaitent voir exaucé sur un bout de papier. Les papiers de vœux sont ensuite exposés dans un magasin se trouvant non loin de la résidence. Les clients du magasin qui liront les rêves des personnes âgées lisibles sur les bouts de papier pourront ensuite se proposer pour les réaliser. Donc ça, c'est comment marche l'association. C'est trop bien ça. Le papier de madame Brokenbrow était Je souhaite être arrêté car je n'ai jamais été une hors la loi. Trop bien. Et donc des agents de la police locale qui ont appris le rêve de la centenaire ont déclaré qu'ils pouvoir l'exaucer. La Britannique va donc être arrêtée et incarcérée prochainement. Ok, c'est super insolite. Par contre, ça peut totalement être de son âge. Ouais. Bah, moi, ça m'a aiguillé en erreur. Je suis désolé. Elle sera aussi tabassée. Ouais. Ah, tu sais, quand elle arrive, ça devient glauque. Tabassez-moi. Comment? Laissez-moi dans les douches. C'est peut-être sexuel. Ouais, laissez-moi tranquille. Ah, des promesses, toujours des promesses. Là où ils ont été un peu zélés, c'est qu'ils l'ont condamnée à mort. Elle va passer la chaise électrique et tout. Enfin, c'est assez... Peut-être qu'elle est heureuse. Ouais. Bah écoute, en tout cas, c'est ce qu'elle a demandé. Au Mans, ils ont battu un record du monde. Rillettes. Un truc avec des bagnoles. C'est un truc avec des rillettes. Ils ont battu un record du monde qui n'avait jamais. Le plus gros pot de rillettes. Non. Mais ils ont même créé ce record en vérité. Ah oui. Oui. Ils ont inventé un record qui n'intéresse personne d'autre. Putain, la vache. Une piscine de rillettes. Donc c'est un truc avec les rillettes. Voilà. Une tartine. Une statue en rillettes. La plus grosse tartine de. La plus grosse. Vous êtes vraiment très proche. La plus grande surface tartinée. Si ça faisait 10 minutes qu'on parlait, je vous l'aurais accordé, mais vous êtes. C'est pas le bon, c'est pas une tartine. Un sandwich. Exactement. Le plus grand sandwich de rillettes. Ils ont créé le plus grand, le plus long sandwich de rillettes au monde. Il aurait fallu 70 bénévoles pour le réaliser. Des bouchers, des charcutiers, des boulangers de la Sarthe ont fabriqué le plus grand sandwich de rillettes du monde pour le lancement du printemps des rillettes. Ça me dégoûte. À votre avis, il fait quelle taille? 20 plus 30 mètres, 50 plus mètres, 70 plus mètres, 200 mètres, 16 bornes. Il fait 72 mètres. Wow. Putain, pour vous donner un ordre d'idée, Notre-Dame de Paris fait 69 mètres. Donc c'est vraiment un très gros sandwich. Mais sincèrement, je suis pas si impressionné que ça. Non, mais moi, là où je suis pas impressionné, c'est qu'à chaque fois, moi je me rappelle dans le livre des records et tout ça, où il disait le plus gros sandwich du monde et tout. Tu peux pas faire une baguette c'est de 70 mètres. Donc en fait, il c'est juste un four, ils mettent bout à bout des trucs. Ouais. C'est nul. C'est genre. Tout à fait d'accord. J'allais dire ça, c'est le four est immense. Mais ils sont contents. Et c'est en ça où je suis pas impressionné. C'est le plus grand assemblage de morceaux de pain. Enfin, c'est nul. C'est une mascarade. C'est politique. Remboursé. Non, mais en fait, moi, le truc qui me surprend toujours, c'est pour quand tu t'arrêtes, en fait. Une fois que t'as fait 72 mètres, va à 100. Oui, c'est vrai. C'est ce que je te dis. C'est ça. Pourquoi on fait pas une borne. Ouais. J'espère qu'ils l'ont bouffé en plus. Oui, c'est ce que j'allais dire. Alors, sinon, c'est gâché de la bouffe comme Norman. Sois rassuré. Ah. Dis donc, mais tu tires à l'arrêt. Non, là, c'est pour dire que ça m'a fait rire. Que maintenant Norman, dès qu'il sort une vidéo, les gens ont quelque chose à redire. Et là, c'était tu gâches de la nourriture. Ouais, là, maintenant, ils ont vu ça, plus sur quoi attaquer. Ouais. Donc là, il a fallu 150 baguettes, 40 kilos de rillettes, 140 pots. Mais soyez rassurés, tout a été mangé en seulement une demi-heure. Oh. Ah, il y avait aussi un record de dégustation de rillettes alors. Oui, du coup, fatalement. C'est une démarche très égoïste, hein, puisqu'ils ont tout bouffé rapidement. Les records d'intoxication alimentaire aussi. De bonne chiasse, près de 14 kilos de chiasse. C'était. J'ai besoin du mot chiasse. Et on embrasse Pierre Lapin d'ailleurs en chiassade. Passant. Qui déteste la. Biscatophobe. Ah, le mot chiasse, ça le gêne. Tout ce qui touche à la. Ce qui sort du. Je croyais que c'était des rillettes de lapin, un truc. Non, de Pierre Lapin, scatophobe. Donc si on lui dit par exemple, si on lui dit Pierre, imagine-toi baigné dans une piscine pleine de chiasse jusqu'au niveau du nez. Ah non. Ça peut être très compliqué pour lui. Après, je vous avoue, je suis pas fan non plus. Pas plus tard que tout à l'heure, Patrick Beau m'a envoyé une vidéo d'un nouveau jouet pour enfants qui propulse des cacas en plastique qu'il faut attraper au vol. Mais on l'a fait. Vous l'avez déjà. Non, pas celui-ci, mais on parlait de. Qui sont des chiottes là, c'est ça? Je crois que c'est un petit pot. C'est un jouet pour enfants, mais c'est des cacas en plastique que tu dois attraper au vol. D'accord, parce que moi j'ai vu un jeu où c'était des fausses chiottes en plastique qui jetaient des merdes comme ça. C'est ça. Un truc allemand. Mais je vois qu'on s'adresse à l'intelligence des gosses. Dédicace à Patrick. On adore les Allemands. Mais c'est pour faire le deuil du caca. C'est beau le 21ème siècle. C'est que je félicite. C'est la fin de notre civilisation, a dit Patrick. Juste petite remarque, je m'entends un peu bas. Je ne sais pas si c'est normal. Je t'entends bien. Alors attends, d'accord. Vas-y. Est-ce que ça monte pour qui là? On est bien, c'est bon. Oui. C'est pour toi. Je sais pas. Oui, ça m'a l'air bien. Oui, c'est t'as bon, l'air bien. Oui, ça m'a l'air bien. Ok, très bien. N'hésite pas à me dire. Les amis, on va passer à la suite de cette émission. Quand je vous ai invité, je vous ai parlé d'un thème. Le thème de cette émission, le voici. Je voulais parler des œuvres qui nous ont marqués dans notre vie durablement. Donc, j'ai pas voulu préciser plus. Ça peut être juste un truc qu'on a adoré. Ça peut être quelque chose qui nous a même changé au fond de nous. Profondément, même dans notre façon de voir le monde, d'appréhender les relations humaines. J'ai envie de commencer par Manon, parce que voilà. Alors, ouais. Manon, voilà, elle s'est étouffée, elle a gerbé directement. Manon, quand je t'ai donné ce sujet, qu'est-ce qui a popé dans ton cerveau? Alors j'ai cherché un truc qui m'est vraiment, enfin tu vois, un truc dont tu te souviens. Il y a plein de films que tu as vu mille fois et tout, qui sont d'ailleurs souvent ceux que tu as vu quand tu étais gamin et tout. Mais j'ai l'impression que les trucs qui m'ont vraiment marqué et dont je me souviendrai probablement toujours, c'est plutôt des performances scéniques. D'accord. Des trucs comme ça. Et alors, je suis un peu désolée parce que du coup, je vais juste pouvoir vous le raconter, mais je me souviens plus du titre du spectacle. Ça peut être un peu nul, mais je vais mais vous après, raconter. Après, peut-être que les auditeurs, genre les gars, ouais, les gens un peu calés en scénographie, ouais, peut-être qu'ils vont savoir de quoi tu parles et te pourront éclairer ta lanterne. Je sais pas si c'était pas un très très gros truc, mais bref, c'était quand j'habitais à Toulouse et ça devait être il y a 10 ans, un truc comme ça. Et à Toulouse, il y a un gros pôle cirque, n'est-ce pas? Donc il y a le cirque du Lido, tout ça. Et une pote me dit, en fait, j'aime beaucoup les trucs où tu crois que tu vas voir quelque chose et en fait c'est totalement pas ça, mais enfin là je vais raconter t'aimes le spectacle. Être surprise quoi, voilà. Un prank. Oui, t'aimes les pranks, j'aime bien être surprise. Et du coup je peux totalement le raconter et spoiler parce que c'était il y a 10 ans, je suis quasiment oui, non, n'hésite, ça, n'hésite voilà, pas. Bref, et donc je croyais qu'on allait voir un spectacle, tu te présentais comme sur le flyer un spectacle de cirque danse contemporaine, voilà, un truc bon, ok, on va voir sous le chapiteau du Lido, et on arrive, et on attend devant, puis c'est l'heure, puis on attend encore, puis c'est en retard, puis 20 bonnes minutes c'est cool et tout, et puis ils finissent par nous faire rentrer, puis il y a un gars de la technique qui arrive et qui dit bon, on est vraiment désolé, on a un souci avec une ampoule qui a grillé ou je sais pas quoi. Bon, il était un peu gêné, il fait des blagues et tout. Pour on des dirait un guet-apens pour l'instant. Ouais. Adrien fait une crise d'angoisse. Les soldats armés sont arrivés. Je n'ai jamais revu ma famille. Et voilà, et donc ça m'a marqué. Je comprends. Et donc, bref, et alors il commence à faire. Mais alors dit comme ça va peut-être pas faire très naturel, mais il commence à dire des trucs un peu pour détendre l'atmosphère. Et il dit ah, si vous voulez, vous pouvez passer des petites annonces entre vous. Ouais. Et les gens commencent à se prêter au jeu parce que c'était un peu gênant et ça faisait une demi-heure qu'on attendait. Et ils font oui, moi je cherche une colocation, moi je vends ma deux chevaux. Là, là. Et puis il y a un gars au bout d'un moment qui dit ah, ben moi je fais des cours de hip-hop et tout, mais c'était un peu gênant parce qu'il en faisait trop quoi. Il dit ah, si vous voulez, je peux vous faire une démo et tout. Est-ce qu'il représentait le vrai hip-hop? C'est moi, c'est ma question. Tu veux dire s'il était de la street? Ouais, s'il voilà, avait une cred ou... C'est ça, exactement. Bah écoute, dans mon souvenir, il avait un Marcel et un jogging. Adrien ouais. Ça va. Ça va. Non, j'ai une expertise, pardon. Bref, et donc le gars il fait vraiment ouais, j'ai mon CD et tout, je peux le mettre à la régie pour faire une démo. Tout le monde est un peu gêné. C'est gênant. Et le gars ouais. Le technicien fait ok, bon, alors du coup, le gars il descend et puis il commence à faire sa danse de hip-hop, mais un peu ridicule en effet, à fond. Et il dit ah, je vais vous faire vraiment un cours pour que vous voyez ce que vos enfants y vivent quand ils font un peu parce que lui c'était des activités périscolaires et tout, donc il prend ouais. des gens dans le public. Enfin, il dit qui a des enfants qui font de la danse? Alors les gens sont maso ouais. Moi je fais style et... non ouais, moi je vais rentrer chez moi. Moi ouais. En vrai, c'est ça. En vrai, c'était plutôt bon enfant. Il était un peu ouais. gênant, mais c'était plutôt pour bon moi, enfant. Moi tu décris pas... place Saint-Michel, les endroits où je fuis tout le temps. Je fais, alors bon. Qui veut danser? Eh, bah, ouais, non, un peu ça. Ouais, voilà, bien sûr. Bref, donc il y a des gens qui se retrouvent. Genre trois personnes qui se retrouvent sur scène à danser. Et là, il se transforme en prof de danse insupportable, hyper dur et tout, genre. Et un, deux, trois, non, c'est pas comme ça, là, là. Et hyper dur. Et il y avait un des mecs du public qui avait été appelé, qui était vraiment le gars, mais avec une chemise boutonnée jusqu'en haut du cou et tout coincé et hyper mal dans ses baskets et qui osait pas danser, qui faisait que essayer d'aller se rasseoir. Et le prof de hip-hop, il l'empêchait d'aller s'asseoir. Et là, mais vraiment, ça devenait hyper malaisant. Et toute la salle était là, on était en train de regarder un mec se faire super humilié, mais okay. très très fort. Et personne mais disait rien, personne ne pouvait bouger. Voilà. Et vraiment, c'était il très était dur. Il était de mèche. Voilà, exactement, oui. Parce que d'un coup, la musique a switché et le gars s'est mis à danser comme un dieu. Le d'accord. mec était. Et là, on a fait. C'était un complice, ah. mais on avait tous assisté à une méga humiliation qui a dû durer bien 5 minutes sans rien faire. Ok. Et donc après le spectacle a repris, donc là on s'est fait ah d'accord, en fait depuis le début c'est le spectacle, le retard machin, etc. Ok. Et en fait tout le spectacle c'était des trucs comme ça en permanence, mais sauf que tu te disais bon bah maintenant qu'on a compris qu'ils vont jouer là-dessus, on se fera plus avoir. Ouais. Mais en fait il y en avait d'autres moments où à chaque fois ils revenaient, ils disaient bon on a encore un truc qui a déconné. Puis il attendait vraiment 20 minutes en faisant bon, on est vraiment 20 désolé. Minutes vraiment. Mais, non, mais vraiment pour très longtemps. C'est Monsieur Fraise pour moi. Mais, ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Mais du coup, bah, vraiment, au bout d'un moment, tu finissais par dire putain, mais il y a vraiment. Cette fois, il y a un souci, c'est fou. Et bref, et à la fin, oui, il y a une femme aussi à un moment qui s'est énervée en disant mais c'est n'importe quoi ton spectacle de hip-hop là, casse-toi. Et on était là, meuf, en fait, c'est le spectacle, on a compris maintenant que c'était le spectacle. Ouais. Enfin bref, ça commence à s'engueuler et tout. Et après, il y a eu un vrai spectacle de danse contemporaine cirque avec plein de trucs super intéressants. Et à la fin, un débat avec tous les intervenants qui étaient à la fois des circassiens, des danseurs et des gens du théâtre. Que des gens avec une hygiène bof, quoi. Voilà, avec des dreadlocks. Et en fait, on a vachement débriefé de tout ce qu'on avait vécu et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et du coup, ils disaient, bon ben voilà, on vous a mis exprès. Bon, c'est un peu violent, certes, c'est la prise d'otage, mais ouais. Dans une situation où vous voyez quelqu'un qui vit un truc dur et en fait, personne n'a rien fait. Vous êtes des merdes. Voilà. Bah, en fait, mais c'est pour ça que je dis que ça m'a vraiment marqué parce que je me suis dit ouais c'est vrai, j'ai rien fait et je me suis juré de plus jamais ne rien faire parce qu'il y a un truc qui est sociologiquement prouvé, un truc le syndrome du spectateur, un truc comme ça. Plus on est nombreux surtout et moins on agit parce qu'on se repose vachement. C'est ça. Parce que tu dis quelqu'un d'autre va le faire. Voilà, exactement. Alors en vrai, quand il y en a un qui le fait, des fois ça crée le groupe. En général, il faut casser. Et si t'es tout seul et face à une situation d'urgence, tu réagis en général parce que tu te sens beaucoup plus responsable. Impliqué, bien sûr. Apparemment. Donc on a parlé de ça. La nana qui s'était énervée en criant contre eux et qu'on se disait mais elle est trop con, elle a pas compris. Elle était de mèche. Alors c'était une meuf du public. Ah. Mais qu'ils avaient briefé avant. Ah d'accord. Non, qu'ils avaient briefé. Enfin, c'était enchâssé de trucs où tu pouvais pas anticiper tout le temps à chaque fois. Enfin, t'étais sur. Enfin, bref, voilà. Donc je suis trop désolée parce que j'ai pas retenu le nom du spectacle. Une vraie expérience sociale pour vraiment. Contrairement aux youtubeurs qui font des pranks et des expériences. Voilà. Là, c'était un vrai truc, quoi. J'ai trouvé ça assez fou et je pense que je m'en souviendrai toute ma life. Et puis là, pour le coup, c'est une vraie modification dans ta vie. Oui, ça fait penser à une pièce qui s'appelle Comedians de Trevor Griffiths. C'est une pièce anglaise où, en gros, c'est le contexte, c'est un prof de stand-up qui doit apprendre le stand-up à plein de mecs. Ouais. Et donc, tout le début de la pièce, il discute d'humour et de ce que c'est l'humour et de ce que ça doit être. Ensuite, il y a tout le passage de chaque mec. Et notamment un qui commence à faire des blagues ultra racistes et ultra vénères. Et ensuite, retour dans la pièce. Et en gros, il débrief son passage du gars. Ils disent « Putain, t'as complètement déconné. » Et le gars dit « Mais en fait, ils ont tous ri. » D'accord. Et en fait, le public aussi se sent comme une merde. Ouais, parce qu'il se sent complètement... Enfin, fait partie du spectacle. Ouais, parce que s'il rigole... Ça change complètement le sens du texte et ça change. C'est forcément pas français ce que tu dis parce que sinon ils ont fait bah quoi, on peut plus rien dire. Qu'est-ce que on peut rire de tout en fait. On est le pays de des proches. Voilà. Et c'est une vieille pièce anglaise des années 60. Oui. Ah ouais. Ouais, c'est une vieille pièce. Comme c'est quoi, les vieux sont pas tous racistes. Et un sur cinq. Mais n'empêche, le truc que tu décrivais, Manon, je me suis dit, c'est vraiment le truc idéal pour faire un attentat en fait, parce que vraiment, t'arrives avec un gun et tout le monde fait ah, il est con avec ce spectacle. Et si, tout le monde est mort. Personne ne l'a vu venir. C'est vrai que c'était assez fou. Et en fait, tu peux vraiment pas dire à tes potes. Pourquoi il faut aller à tout prix voir ce spectacle parce que sinon je passais mon temps à dire faut vraiment que t'ailles voir ce spectacle de danse contemporaine, je te jure il est génial, et les gens n'étaient pas trop convaincus, mais c'est clair. Voilà. Bon bah écoute, super. Capitaine, non mais c'est génial, Manon a fait une anecdote qui vraiment l'a changé profondément avec un truc un petit peu artistique. Toi tu vas dire artistique. Star Wars. Alors non, mais bon, c'est pas hyper classe, c'est pas hyper original non plus. Non mais t'inquiète, y a pas de jugement. Non, en tant qu'œuvre, bon, très clairement, c'est Blade Runner. Bon, ça, malheureusement. Il n'y a pas de secret. Je l'ai jamais vu. Eh ben, je t'envie. Eh ben, écoute. Parce que tu vas pouvoir le découvrir. Oh là non, il le fera jamais. Non, mais d'ailleurs. Si, ça fait partie des films que je vais voir. Mais je t'interromps de juste. Mais il y a Damien Maric qui organise là bientôt. L'équivalent projection. Français de Secret Cinéma, j'ai l'impression. Je sais pas. Je pense que c'est un truc un peu comme ça. Mm-hmm. Non, parce que Secret Cinéma, c'est genre tu vis le truc. Oui, bah là, c'est, là pas... c'est une salle de cinéma. Ouais. Et par exemple, quand il pleut dans le film, il y a de la flotte qui tombe vraiment. Ah, tu parles du truc au Grand Rex. C'est ça. C'est au Grand Rex dans quelques. Mais il a et quand c'est même. Une projection de Blade Runner. Mais je crois qu'il est en bisbee avec le bar d'à côté qui va du coup être décoré comme les restos de Blade Runner, donc avec des néons. Il fait pas les choses à moitié, là, bien marqué. Non, je crois qu'en fait, il recrée un peu tu vas voir le film dans l'univers du film en fait, c'est ça. C'est chouette. C'est moi j'ai vu Pattaya comme ça et c'était. En l'occurrence Pattaya, la moitié des séances c'était des gens qui se battaient et rappelons une meuf enceinte qui s'est pris un coup de casse de vélo de moto. Voilà. Oui, c'est vrai. Ça faisait partie des histoires de Pattaya. Donc Blade Runner que t'as découvert à quel âge d'ailleurs? En fait, je l'ai vu la première fois à 5 ans. D'accord. Peut-être un peu jeune. Tu n'as pas compris. Mais en fait, chez moi, c'est un peu comme ça. J'ai tout vu. 5, 6, 7 ans, mais bon. Je l'ai vu en noir et blanc et sans son. D'accord. Parce qu'on me l'avait enregistré en sécable. Pareil avec alors que le magnétoscope était en pâle. Aïe, aïe, aïe. Ah, la fameuse erreur de l'époque. Ouais. En fait, les trois premières fois où je l'ai vu, c'était comme ça. Mais j'étais fasciné, je trouvais ce film merveilleux. Et puis ensuite, bon, je l'ai regardé en bonne condition. Et t'as fait nul. Vous faites nul les dialogues, nul. C'est bien pour ça que j'ai appelé mon vaisseau Nexus 6, bien sûr, qui est un hommage. Et t'as vu quelle version d'abord? Alors, moi, j'ai vu celle que j'appelle la bonne, c'est-à-dire la Director's Cut 92. J'avais. Non, je dis 5 ans, j'exagère. Plutôt 7, du coup. Ouais. Voilà. Ah oui, c'est pas pareil quand même. Et du coup. Non, mais en fait, fondamentalement, je peux pas changer le truc. Moi, c'est vraiment la science-fiction au sens large qui m'a vraiment marqué dans ma vie parce qu'en fait, ça a déterminé ma vision du monde. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours été à une époque, alors qu'aujourd'hui, je suis complètement pessimiste et fataliste par rapport au monde. C'est-à-dire, à une époque, moi, quand j'étais gosse, je pensais vraiment qu'on allait évoluer vers un idéal. Oui. Et ce malgré les visions que t'offrait Terminator ou Blade Runner, etc. Mais moi je me disais en tout cas technologiquement on va s'améliorer, socialement les idées, parce que c'est ça la science-fiction aussi. Ouais, c'est pas sûr. Que la technologie, c'est aussi les idées, c'est aussi les formes sociétales, les organisations sociétales, les règles de vie, etc. Et j'espérais un mieux en fait. Bien et sûr. Aujourd'hui je me compte que c'est foutu. Ouais. Mais tu en fait les voitures qui volent, t'as les gilets jaunes. Ouais. C'est ça. Même les Autolib ils les ont virés, qui était un ouais, début. Mais, hein, oui, mais un c'est, début, on est dans une forme de démarche. Il y a les trottes, Mais en fait, fondamentalement, la science-fiction m'a complètement déterminé dans ma vision, parce qu'en plus, je suis aussi, moi, je pense vraiment au niveau global humain. Je suis là, il faut que vous alliez coloniser l'espace. Enfin, il faut qu'on accomplisse quelque chose. J'ai vraiment cette vision d'aller vers autre chose, quoi. Donc, c'est fondamental. À tel point que j'ai retrouvé récemment le premier bouquin porno que j'ai volé. Oh, wow. Je l'ai pas vu venir là. Le premier que t'as volé. Volé. Alors, c'est l'équivalent du twist de Manon. Parce qu'il y a plein d'infos. C'est un livre, c'est porno et c'est le premier que t'as volé. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est comme souvent, je raconte une anecdote. C'est la première fois où j'ai failli tuer quelqu'un. Donc, c'est là que je la garde pour une autre émission. Oui, je te raviterai à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Ouais. Changer les verrous. En fait, j'avais un petit business du CM2. À la troisième. Un petit business. Le je volais des bouquins porno dans les bureaux de tabac. Je suis désolé, on va te couper mille fois, ça va être insupportable. Mais où est-ce qu'on vole des bouquins porno en vrai? Dans des bureaux de tabac. Ah, donc oui, c'était des magazines porno. Oui. Pardon, bouquins. Excusez-moi. Oui, magazines. C'était dans quelle ville, si on peut. Non, ça je. Non, mais c'était. Ou la région. C'était pas à Paris, quoi. C'était pas à Paris. Je vois pas pourquoi ce soit. Moi, c'est juste pour situer l'action. Alors, est-ce que t'étais en short, Bermuda, au soleil? Nous étions en Alsace-Moselle. Ok, très bien. Et c'était bon, en Allemagne ça, ou ça explique non. Un peu en Alsace-Moselle française. Et du coup j'en ai volé pendant du coup 5-6 ans. Mais à qui tu et je vendais ça aux jeunes, si moi je vois aux jeunes dans la je vois le public. Attends, à quel âge t'as dit? Du CM2 à l'apparition de la DSL en fait. Ah bah bien sûr, tu parce que ça a été en marché. C'était en l'an moins 3 avant la DSL. Non, donc jusqu'en CM2 ça me choque pas moi, hein. CM2 je pense que c'est CM2, là où ça commence. Bah, j'ai été prof des écoles, je peux te dire que si j'avais chopé un CM2 avec un magazine porno, mais ça dépend des villes, tu vois, j'ai constaté que les gens des campagnes étaient moins développés là-dessus, on avait des correspondants d'un village près d'Angers, ils avaient jamais vu un Playboy alors qu'on était au même niveau, Playboy New Look, les gars. Je dis bon les gars, j'ai un entrevue pour vous mais c'est moins que je peux. Vous voyez Marjolaine? Mais je l'ai volé celui-là. Je vois exactement duquel tu parles. Je sais que tu vois. Bien sûr. Il est dans la bibliothèque. Les œuvres qui ont marqué votre jeunesse. Non, mais tout ça pour dire que sur 6 ans de vol de bouquins, et puis donc mon marché s'est écroulé quand la DSL est apparue. Et c'est génial. Et ça ne pas les attaquer d'ailleurs. Un peu. Mais je rappelle aux auditeurs que je suis pirate de l'espace. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de fumée sans feu. En fait, le premier que j'ai volé, c'était le Playboy de juin 97. Ou 80. T'avais dit. Bah oui, j'étais en CM2, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Juin 97, ou mai 97, avec Drew Barrymore en couverture. Je crois que c'est 95. J'allais dire Drew Barrymore. Ouais, je sais plus si c'est 95 ou 97, c'est l'un ou l'autre. En tout cas, c'était le Playboy pour la sortie de Charlie Angel. Mars Attack. Ah oui, Mars Attack. Où elle faisait la couverture. En fait, c'était un spécial science-fiction. D'accord. Parce qu'il y a aussi des articles dans Playboy. Bien il sûr. Ne faut pas oublier que les articles sont de qualité. Voilà. Et en fait, je me souviens que j'ai vu ça. Et je me suis... En fait, le premier truc qui m'a fait avoir envie de le voler, c'est vraiment l'aspect science-fiction. J'ai vu spécial science-fiction. Oui, oui. Non, mais c'est vrai. Non, mais je trouve ça super que t'aies commencé par Blade Runner en noir et blanc pour finir. Et puis bon, bah il y avait Drew Barrymore à poil. Les pages collées, c'était pas science-fiction, capitaine. Et du coup, récemment, j'ai vidé le vaisseau de toutes mes vieilles affaires. Ah putain, j'ai cru que c'était une métaphore. Ah, j'ai vidé le vaisseau, je peux te dire. Ah, la soute, elle était. Elle est passée en vitesse lumière, hein, je veux dire, les gars. Abonnez-vous. Et, non, et du coup, en fait, il me restait un carton de 40 kilos de bouquins porno, quoi. Bien sûr. Et, ah ouais. Et du coup, bah, j'ai tout jeté. Bah, voilà. J'ai tout jeté, sauf l'original, je l'ai gardé. Ah, tu l'as encadré. Mais bah, tu plaisantes. Là, non, ouais. Mais tu plaisantes, mais moi, j'aimerais beaucoup retomber sur des entrevues, ouais, des trucs. C'est... Ah, ouais, moi, je me souviens de magazines comme ça qui m'ont marqué aussi. Complètement. Et moi, que vous avez marqué. Oh, ouais. Tu veux dire rapport à notre gros sperme. Oui, ouais, bien sûr, évidemment. Donc, science-fiction, Blade Runner et porno. Et porno, c'est ça. Non, mais moi, je comprends. Moi, les magazines, alors moi, je les volais pas parce que j'étais pas un voleur, en fait, par rapport à toi. Mais bien un branleur. Voilà, c'était un entrepreneur. Oui, voilà, c'est ça. Il a connu son premier échec d'entrepreneur à 14 ans, quoi. Excusez-moi, messieurs, dames, vous vivez dans la France d'Emmanuel Macron. Ouais, ouais, ne jugez pas trop. Ouais. Non, mais en l'occurrence, moi, c'était, je l'ai piqué à mon père, qui lui, les cachait en haut de. C'est un peu gênant. Non, mais parce qu'en fait. C'est normal, Manon, c'est normal. Non, mais bon. Mais non, papa, il a pas de sexualité. Oh, que si. Et ce qu'il faisait rire, c'est que vraiment, en plus, il les planquait pas du tout. C'est-à-dire que quand on allait à la maison de la presse, il apprenait un magazine pour mon frère, un magazine pour moi, le télécassette. Oh donc le magazine, le programme télé, donc, et un entrevue, un new book. Ouais. Mais encore, FHM, ça reste correct. Non, non, on n'est pas sur des trucs trop vénères. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez de Guts? Oui. Ah, Guts, c'était je sais pas ce que c'est. No. Écoute, c'est un magazine, ça, alors ceux qui s'en souviennent, c'est un magazine qui s'était dit qu'est-ce qui marche chez les hommes. Et donc c'était un magazine avec des meufs à poil. Bien sûr. Du foot. Yes. Mm-hmm. Des bagnoles. Ah, yes. Et qui était le rédacteur en chef de ce fabuleux magazine? Un mec de la Ligue du LOL. Sébastien Coé. Et putain. Je ne sais pas non plus qui c'est. Coé. Coé. Non, sérieux. Tu connais pas Coé? Sébastien Coé. Ah, non, mais Coé, c'est Coé. C'est la voix de Garfield. Ah, oui. On connaît. Bien vu. Et ce qui était extraordinaire de merchandising, c'est que tu te dis le premier numéro, je me souviendrai toujours du premier numéro, parce qu'il y avait Carmen Electra. Moi, c'est très. Il n'y avait pas sa gueule, il n'y avait pas sa grosse gueule. C'est ça, t'avais Carmen Electra et Victoria Sylvester Stedstedt, c'est qui a fait la roue de la fortune. Et bah, elle était dans le premier Playboy que j'ai volé. C'est ça, donc elles étaient côte à côte, et entre les deux, il y avait Coé qui dit laquelle va y passer, ou un truc comme ça. Et t'as ce bon vieux Coé au milieu. Est-ce que la réponse est dans le magazine? Je me souviens plus des articles. Oui. Non, par contre, je me suis trompé, c'était pas dans le premier, c'était dans le deuxième. Oui, en tout cas, c'était le pire magazine. Voilà. JB. Oui. Mais t'inquiète pas parce que tu disais oui, c'est moins glorieux que l'histoire de Manon. Moi, t'inquiète, c'est vraiment tout pourri, hein, ce qui a forgé ma jeunesse. JB. Bah moi, c'est compliqué. Il y a beaucoup de trucs qui auraient pu faire. Pardon, désolé, c'est juste que j'ai retrouvé la couverture. Alors attends, est-ce que tu peux juste me montrer? Il a mis l'article, c'est ah oui, c'est ça. Pouf pouf, laquelle va-t-il choisir? Ce qui est pire que ce que j'avais dit. Pouf pouf, laquelle va-t-il choisir? Alors, mais t'imagines, parce que c'est Carmen Electra qui est quand même une rosta aux États-Unis à ce moment-là, et le gars se permet de faire pouf pouf, alors laquelle je vais ken? Je suis Sébastien Coé. Surtout moi, j'ai dit pouf pouf, moi. Ouais. Dans le coin, on a la petite tête de Grégory Coupet qui dit si je gagne tout cette année, j'arrête. On adore. Pas besoin de gagner. Du coup, j'ai retrouvé juste la couverture du Playboy en question. Ah oui, d'accord. Ah oui, il y a vraiment Mars Attack avec Drew Barrymore. On peut voir que l'alien prend quand même beaucoup de place. Donc, qu'est-ce qui m'a excité le plus? Oui, c'est ça. Il faut mettre le pouce au bon endroit. Voilà. Je vous invite à aller voir sur internet. JB. Bah, je sais. Enfin, c'est une question compliquée quand même que t'as posée. Donc, je dirais, il y a plus compliqué. Il y a plus compliqué. Genre 2000 fois 34. Ouais. Tout de suite. Bah, c'est rien pour lui. Bah, attention, il fait des maths. Et peut-être. 2000 fois 34, ça va. Tu peux le faire. Oui. Oh, non. Bon, allez. Non, mais... la question, peu importe. j'ai pas la tête à ça là. Peu importe. Ça serait, je pense, bah en fait ma mère était comédienne. D'accord. Et donc quand j'étais enfant, quand je la voyais sur scène en spectacle, ça m'a quand même pas mal marqué. Bien sûr. Elle a su faire des pièces avec mon père. Donc c'était surtout des Fédos ou des Labiches. des trucs genre le plus heureux des trois, un fil à la patte, ouais voilà. Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. T'as pas eu d'enfance, quoi? Non. Non, aucune. Tu vas parler des scouts et tout ou... Non, non. Ah. Non, c'est Manon, pour savoir. Manon, on se le réserve. Non, mais s'il te plaît. J'en ai trop deux dossiers, deux dossiers que tu... Manon, non, mais le scout aussi. Ouais. Le mais scout like, s'il vous plaît. Ouais, hein, les gauchos. Bah ouais, eh bah ouais, mon gars. Eh bah ouais, on avait pas d'uniforme, pardon. Les éclairs de scout, je m'attendais pas du tout à ça. C'est la première fois. Et donc, non, mais le théâtre, tout ce qui est Molière, Fédot, ça m'a beaucoup fasciné très vite parce que c'était l'idée que Molière, il a écrit ça dans les années 1600, ouais. Et genre je rigole à ses blagues 400 ans plus tard, quoi. Et il y avait un espèce de truc, ça donne le vertige, moi je trouve, ouais, c'est complètement dingue. Et sinon en film, il y a un film qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est Babe. Ah, ah, le cochon devenu berger. Bah, bien sûr. Scénario de George Miller. Bien sûr. Et oui, et film totalement extraordinaire. Ouais. George Miller, c'est le mec qui a fait Mad Max. Fury Road. Ouais. Et les gens oublient Babe. Les gens oublient Babe, mais ça a été un gros truc dans sa carrière. Ouais. Babe, hein. Babe 1, ensuite il a réalisé Babe 2. Moi j'ai préféré le 2, je crois. Mais thématiquement, on est dans ce qu'il fait toujours. On est vraiment dans son œuvre. C'est dans lequel où il y a, je crois que c'est un canard. C'est Ferdinand, le canard qui veut. C'est dans lequel il y a des voitures. C'est Mad Max. C'est Mad Max. C'est Mad Max. T'as prévu un épisode sur Babe? J'aurais pu parce qu'il a gagné l'Oscar des effets visuels. Ah ouais? Ouais. Ouais. Et c'est Les animaux parlent. Les animaux parlent. Et en fait, c'est une combinaison d'animatronique et de 3D. Pour animer la bouche. Putain, oui, c'est quoi l'animatronique? L'animatronique, c'est des l'animatronique, c'est des marionnettes électroniques. C'est des robots. Ah bah, c'est ça des robots, des petits robots. Ouais. Et non, film extraordinaire, mais sur lequel je pleure de rire quand je le vois. Et puis il y a des moments hyper touchants. Enfin, oui, c'est les films qui sont un peu sombres, quoi, qui te donnent un peu toutes les émotions. C'est des films qui te font rire, qui te font pleurer. C'est des films complets, quoi. Bien sûr. Et Babe, c'est un film que j'ai beaucoup beaucoup vu étant enfant. Et quand je le revois aujourd'hui, je me dis, ah ouais, en fait, ça marche toujours. Ouais, ça vient de là. Ça, quand je pense à ça, je pense à ça, en fait. Ouais. Tac, tac, et tout. Bah, voilà. Moi, je comprends complètement. Après, en plus, tu sais, il y a toujours ce truc où, vu qu'il y a beaucoup, un peu le culte de la nostalgie en ce moment, c'est un truc. Et donc, du coup, l'extrême inverse aussi, à savoir les gens qui disent que c'est de la merde et qu'il faut quand même s'ouvrir et machin et tout. Je trouve que il y a un vrai travail, je trouve, qu'on fait un peu tous maintenant sur les œuvres qui nous ont marqués en disant, alors attends, lesquelles étaient vraiment importantes et lesquelles étaient effectivement, j'étais petit, et donc vraiment du coup. Bien, ou pas, et voilà, moi c'est vrai que j'ai ça maintenant sur plein des Disney par exemple. C'est vrai que les Disney, il y en a plusieurs que je regarde en me disant, bon, en fait, ils étaient pas si ouf que ça. Voilà, ils étaient super pour l'époque. Le Roi Lion. Genre lesquels? Ouais. Non, le Roi Lion, moi, cite, ça va. Cite lesquels? Bah, Aladdin. Moi, c'est ma unpopulaire opinion, moi, le Roi Lion. Ouais, il aime pas trop le Roi Lion. Moi, je l'ai vu adulte uniquement. Ah, bah ouais. Moi, je sens que je vais détester le remake qui va arriver. Ah, bah, moi, je suis pas sûr, tu vois. Moi, parce qu'au moins il y a des acteurs, il y a Glover, des quoi. il y a Keegan, tout le monde, il y a Beyoncé, il y a John Oliver, pourquoi pas. Mais surtout qu'en plus moi j'aime bien parce que du coup c'est du full, c'est pas comme Les Livres de la Jungle ou La Belle et la Bête où c'est un mélange d'acteurs et de machin. Mais justement je pense que ça va être hyper bizarre parce que tu vas devoir, enfin, les hyènes, Hakuna Matata en 3D ultra réaliste. Et ça m'intéresse. Ah, je me dis, faut voir. Moi, faut voir. Alors que Aladdin, le film, pour le coup. Oula, voilà, pas ouf. Voilà. Ah, ben oui, avec Will Smith. Alors, moi, je suis un grand défenseur de Will Smith, là, c'est un petit peu compliqué. Avec Kevin Adams, tu veux dire. Oui, voilà, exactement. Réalisé par Guy Ritchie. Guy Ritchie, c'est ça. Ah ouais? Le roi Arthur, enchaîne un peu. Mais par exemple, voilà, Aladdin, quand je l'ai rematé, je me suis dit, bon, ça me fait toujours rire. Ouais. Mais en vrai, le film, il met v'là le temps à démarrer. Et ensuite, après, justement, tout le truc un peu kiffant de, bah, ça y est, il est prince. En fait, c'est 20 minutes de film. Enfin, il y a beaucoup de trucs, en fait, qui me fatiguent. La petite sirène, je trouve ça pas si. Enfin, voilà, il y a plein de films que j'avais adoré, gamin, qu'aujourd'hui je revois. Et à contrario, dès qu'il m'avait saoulé parce que j'étais à l'âge où je quittais l'enfance et je devenais un peu ado, donc du coup, ouais, Disney, c'est trop de la merde. Alors qu'en fait, quand je lis un mat, les Atlantides ou les trucs comme ça, qui en fait sont pas si mal. Quoi. Ouais, ils ont de la gueule. Mais en fait, il y a des trucs de rythmique qu'on voyait pas quand on était gosse. Exactement. Ouais, on sent pas. Mais tu vois, tu disais les films qui t'ont marqué. Moi, c'est vrai que c'est pas du théâtre, c'est vraiment le cinéma. C'était le seul truc que je partageais un peu avec mon père, donc du coup, je pense que c'est ça qui a vraiment forgé le truc. En fait, mon père, il est. Et les magazines porno. Et les magazines porno, qui nous ont collés, si je puis dire. En fait, en gros, il y a mon père avait donc télécassette et mon père il m'a eu assez jeune qui est un rasta blanc, je rappelle. Qui, je le rappelle, qui est Fly Rider, qui est le chanteur de cornes. Mon père, en fait, a 24 ans de plus que moi, et donc du coup, c'est vraiment un enfant de la vidéo. C'est dans les années 80, il était jeune et tout, donc vraiment, il a télécassette. C'était vraiment, en fait, il enregistrait absolument tous les films. Ce qui fait que, au-dessus de la télé, on avait, je pense, vraiment 200, 300 cassettes vidéo de tout ce qui existe, puisqu'il enregistrait absolument tout. Donc du coup, j'ai pu me forger une espèce de cinéphilie tout seul presque, où j'avais juste à me servir et mettre les cassettes et les trucs. Mais moi, les vrais films qui m'ont forgé petit, et en fait je me suis forgé contre ces films-là en vieillissant, c'est les films d'Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal et Chuck Norris, c'est-à-dire tous les films d'action américains, les Yakayo, les films de la Canon, tous ces trucs-là. Les Portées disparues 3, les Cobra, Commando, et qui sont des films que je revois sans déplaisir, parce qu'il y a ce truc un peu fun, qui sont toujours très cool, mais c'est vrai que dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils se véhiculent, et dans, même dans, mais je parle même pas d'idéaux politiques, où il y en a qui sont, bon, ils sont 80% de droite, mais il y a un truc un peu de culte, de la masculinité et tout, qui en fait, j'ai grandi, je pense, alors c'est un psy de le dire, pas de moi, mais presque avec un complexe de ce truc-là, de grands gars musclés, baraques, sur deux de ouf et qui pécho des meufs très facilement. Et en fait, je pense que je me suis construit à l'adolescence complètement en opposition avec tout ce que j'avais bouffé de ça quand j'étais petit. J'aime bien que tu fasses genre c'était un choix. Et du coup, j'ai refusé de me taper des meufs. J'ai dit non. Elles étaient là, tout à poil. J'ai fait, oh, je suis sensible, ok. Je suis pas choisi, moi. Ouais. Ah, vous en rêveriez, mais non. Et donc voilà, je pense que c'est un truc que j'analyse moi, ça se trouve pas du tout, mais je trouve que ça a du sens en tout cas. Et même si encore une fois, il y avait plein de films géniaux. Enfin moi, ces films de bourrin m'ont amené à Bruce Willis, et Bruce Willis m'a amené à Pulp Fiction. Ouais. Et ensuite, pour le coup, l'adolescence, moi j'étais vraiment le cliché de l'ado blanc parce que j'étais fan de Tarantino. Et et du coup voilà, et tout ce pan de cinéma là, c'était trop bien, quoi. Donc, c'est intéressant juste que tu dis sur Bruce Willis, parce qu'au final lui il rentrait pas forcément dans ces carcans là, tu vois, parce qu'il était bon, en forme et tout, mais il était pas sur l'ultra musculature, etc. Et il commençait pas encore, mais il commençait à se dégarnir, etc. Et aujourd'hui c'est des profils d'acteurs qu'on mettrait absolument pas à cette place là c'est à dire aujourd'hui il y a une standardisation du héros badass, etc. On prendrait jamais un Bruce Willis pour faire ça. Du coup c'est hyper intéressant, parce que moi je trouve qu'il était c'est un exemple que je prends toujours pour dire on peut faire du badass sans être dans ce cliché masculiniste dans l'absolu, quoi. Ouais, enfin, il transpire un peu la virilité quand même. Ouais, mais une virilité qui est moins facile, quoi, tu vois. Moi, je vais te défoncer la gueule, ça, il faisait des petites blagues, des petits trucs. On disait que c'était un peu le premier anti-héros, un peu. Ouais, c'est ça. Il était un peu plus light. Ça prend plein la gueule aussi, quoi. Voilà. Mais en l'occurrence, Bruce Willis, moi, les premiers Bruce Willis que j'ai vus, c'était pas ceux-là. C'était Piège de cristal. Non, pas Piège de cristal. Non, celui-là, il était très cool. Non, c'est pas Piège en haute mer, puisque ça, c'est Steven Seagal. Oui, où il est dans un bateau. Et il a fait plein de films d'action comme ça qui étaient vraiment pas ouf, où c'était des gros films d'action un peu débilos, quoi. Mais je te signe. Non, mais voilà, mais c'est tout. Donc c'était pour dire que mine de rien, je pense qu'il y a aussi ce truc où parfois tu te construis un peu en opposition avec des trucs, surtout quand c'est tes parents et que t'arrives à la fin de l'enfance, début de l'adolescence. Il y a un peu ce truc où je pense qu'il y a un petit rejet aussi. Oui, justement, je rebondis sur ça parce que moi, le truc sur lequel, enfin, j'y ai réfléchi beaucoup plus tard, c'est pas tellement que je me suis construit contre à l'adolescence, mais c'est plus le truc des princesses Disney et tout. En dehors de tu dois être la princesse, gna gna gna et tout. Sachant que si tu veux être Ariel, il y a un cours à Versailles. Ah, voilà. J'ai plus qu'à m'inscrire. Voilà, je ne peux pas râler. Mais c'est pas pour la beauté. Pardon. C'est juste pour le sport. Non, mais c'est juste que les gamines. Alors, je trouve que ça change, mais quand même, les gamines de ma génération, en tout cas, on n'avait que des modèles féminins qui étaient liés à des histoires d'amour. Ouais. Et du coup. Donc ça pouvait être des femmes fortes quand même, tu vois, genre Pocahontas et tout, machin, c'est pas Mulan, forcément, ouais. Voilà, exactement, Mulan, c'est pas forcément des Cendrillon, mais leur histoire, elle se construisait toujours par rapport à l'homme, tu vois, parce que évidemment, il y a pas encore d'homosexualité. Tu regardais pas Disney. Alien, on est d'accord. Non, mais je te parle des Disney. Ah d'accord, uniquement. Bah moi, je regardais pas des films comme ça. Ouais, j'ai bien compris. Non, mais mes parents me laissaient pas faire ça. Et bah c'est dommage. Et bien, je ne sais pas. Bref, et donc, enfin, en tout cas, je dis les pas des magazines porno, donc ils ont peut-être moins raté mon éducation. J'assume pleinement. Et bref, et du coup, c'est vrai que les modèles féminins, enfin, c'est toujours en fait, elles s'inscrivent soit les plus vieux Disney, évidemment 100% dans les schémas traditionnels, soit contre le truc en mode elle rejette et tout. Même assez récemment, tu vois, Réponse, pas réponse, merde, rebelle. Ouais. C'est une nana qui veut pas d'amour, mais du coup, elle se positionne par rapport à ça, tu vois. Mmh. Il y a toujours un rapport de la femme, elle doit dealer avec ça. Ouais. Et en fait, j'ai beaucoup apprécié pour ça Moana, Vaiana. Bien sûr. Parce que c'est un personnage féminin et il y a zéro histoire d'amour. Alors qu'il y a un autre personnage masculin, tu vois, et il n'y a pas ce rapport-là entre eux. Enfin, sauf si mes souvenirs sont erronés, mais il me semble pas. Non, non, non, pas du tout. Il y a déjà une différence d'âge. Hein. Puis c'est un, ouais, c'est un dieu, oui, je crois, qui est à moitié un dieu. Donc. Et oui, c'est plus son mentor que. Oui, voilà. Voilà, exactement. Et encore, c'est un mentor qu'elle lui dit qu'il est con et qu'il est. C'est assez. C'est, ouais, c'est un mentor un peu chiant. C'est assez, ouais, c'est un mentor. Enfin, c'est plutôt drôle. C'est ça qui est chouette. Et j'aime bien que t'as un personnage féminin qui soit pas subordonné à une histoire d'amour, que ce soit pour s'inscrire contre ou trouver l'amour et finalement s'épanouir avec. Et ça, ça, c'est pas encore si courant, tu vois. Et en fait, bah, il se trouve que ce personnage-là, il est totalement. Bah, il se trouve que c'est une meuf, mais il est totalement interchangeable avec un mec, si on avait voulu mettre un mec, tu vois. Et ça, bah, moi, dans ma vie aujourd'hui d'adulte, clairement, la relation amoureuse, c'est trop important, tu vois. Ouais. Et je suis malheureuse quand je suis pas en couple, et, etc. Alors que je peux me tromper, vous me direz, les gars, mais j'ai l'impression que les mecs, il y a moins ce truc de ses constituants dans ta vie et tout. Bon, c'est peut-être une grosse généralité, hein. Il y a plein de mecs qui vont pas se reconnaître là-dedans, mais Mais après, bon, je pense qu'il y a un peu de ça, mais nous surtout, enfin moi je sais qu'il y a eu aussi un truc de quand t'es ado, moi j'avais plein de films de potes et plein de films de FOBZ, et c'est vrai que ça a pris de place que les trucs romantiques, mais c'est vrai. Et je pense qu'en fait c'était quand même au fond de moi, puisque par contre quand est arrivée la fin de l'adolescence, là moi j'étais un déchet, mais avant les années collège, je pense que la question de d'être amoureux ou d'être dans un couple et des trucs comme ça se posait moins, effectivement. Effectivement. Mais oui, mais du coup, bah t'es petit, tu regardes des Disney comme ça où tous les personnages féminins quasiment il doit y avoir quelques contre-exemples, mais c'est tout le temps À cette époque-là, non, je pense pas trop. J'en ai pas en tête, en tout cas. Mais très récemment, Disney, alors, on va pas vanter les mérites de Disney, ça reste quand même une boîte. Voilà, je pense pas qu'ils fassent ça par pure ouverture d'esprit. Non, jamais. Mais mine de rien, tous les derniers Disney que j'ai vus, moi, en l'occurrence, le personnage féminin n'a pas vraiment d'histoire d'amour. C'est-à-dire que le monde de Ralph 1 et 2, il n'y a pas d'histoire d'amour pour la nana. Ah oui, exact. Zootopia, il n'y a pas d'histoire d'amour pour la nana. Il y a rien avec le renard. C'est très bizarre. Il y a des vidéos sur internet où elle fait des trucs avec le renard, mais sinon voilà. La Reine des Neiges, il y en a une. Il y en a une, mais pas Anna. Mais sur l'autre, oui. Mais bon, la Reine des Neiges. Et là encore, ils ont fait des trucs bizarres. Ils ont dit que la Reine des Neiges, enfin son nom, Elsa. Me regarde Elsa. Pas, je l'ai pas vu. Elsa, ouais. J'ai vu aucun. Pourquoi je regardais Anna est en couple, mais Elsa, non, c'est ça, je crois. Ouais, Elsa serait lesbienne. Potentiellement, ouais. Oui, mais ça, c'est pas d'après Disney. Ah, ils ont fait une J.K. Rowling, quoi. Non, Disney, c'est d'après Disney. Ouais, et puis potentiellement, si vous en faites des livres, elle est noire aussi. Surtout, elle est blanche dans le dessin animé. Mais alors, en vrai, s'ils font un personnage qui est homosexuel, c'est quand même cool. Là, pour l'instant, c'est pas trop montré. Ils le feront jamais. Bah, ça serait déjà. Bah, ça arrivera peut-être. Du coup, tu traites le sujet, tu dis pas juste. Au fait, il est gay. Traite-le parce que sinon c'est facile. C'est leur remake, la version live de La Belle et la Bête, où c'était devenu du coup trop un sujet, quoi. Il y a fou, il sera homo, mais vraiment dans le film il fait et puis vraiment il trouve le gars musclé et puis enfin tu vois, donc il fait Non, mais ou bien tu dis rien, mais du coup tu laisses la liberté de en fait, si tu donnes aucun indice, c'est le gay de Schrödinger. Il est tout aussi gay qu'il n'est pas gay, tu vois. Tu ne sais pas, tu vois. Pas. Et en fait, c'est ça la normalisation d'une sexualité tout à fait classique, en fait. Tu vois, mais c'est vrai que c'est bien de montrer. Oui, ça serait bien. C'est possible. Ça serait bien d'en montrer. Bien sûr. C'est possible. En fait. Bien sûr. Pour qu'ils aient vraiment la possibilité. En fait, je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire. Ça sert à rien a posteriori de le dire. Alors qu'il y a aucun propos dans le truc. Soit il y a un propos, soit tu dis rien. C'est ce que les gens c'est ce que les gens reprochent beaucoup à J.K. Rowling, c'est de dire mais en fait c'est pas si voyant que ça dans ton œuvre, donc c'est trop bizarre de le dire tout le temps en interview. Si tu veux le dire, fais-le en fait. Ton métier, justement, est d'écrire. Donc, tu peux elle a vraiment... dit que Croutard était non-binaire aussi. Elle est allée un peu loin. Alors, tu vois, c'est qui Croutard ? Tu plaisantes, c'est Laura, mais... C'est Laura. Tu plaisantes, mais les gars de Star Wars, on parle en sur Lando, je crois qu'il était pareil. Pansexuel ? Pansexuel, parce qu'il est en couple, enfin, il est amoureux du robot dans Solo. Ouais, voilà. Et donc, du coup, en fait, c'était pas juste une blague, en fait, alors que vraiment, dans le film, c'est juste une blague. Il se tape des aliens aussi. Enfin, moi, je me tape des aliens. Oui, bien sûr. Bien sûr, évidemment, et voilà. Mais moi aussi, hein, tu sais, en 2019, ça m'arrive. Ah bon? Adrien Méniel. Bonsoir. Bonsoir. Il était là depuis le début. Ouais, j'écoutais. Putain, je t'ai pas présenté en début d'émission. Non, je suis mais merde. Bon, en même temps, ça va. Ouais. Écoute, je préfère finalement. Je suis là à chaque fois. C'est pas la peine. En plus, à chaque fois, il faut que je trouve une blague. J'en ai marre de me présenter. Juste, c'est le Laurent Baffy de. Non. Terrible. Non. C'est Laurent Weasley. Pire appellation. En plus, je me dis que. Si je suis Laurent Baffy, t'es hardisson, mon gars. Donc, tu ferais mieux de te battre pour qu'on m'appelle pas comme ça, quoi. C'est vrai. Non, parce qu'il bah, les kebabs, ça me dégoûte un peu. Je trouve que. je vais vous le dire. Je fais pas de. Ouais. Pardon, j'ai découpé. Vas-y. Non, y a pas de problème. Non, mais en fait, moi, je pense pouvoir résumer mes trois influences principales. Bah, le rap. La street. Oxmo Puccino. Non mais en fait c'est trois œuvres, mais œuvres dans le sens intégralité de ensemble de l'œuvre et pas juste un film. Je peux pas dire, je pense pas pouvoir dire ce film il m'a. Non mais c'est défini comme moi, tout toi, ça. Je te dis les Schwarzenegger. Et... Mais je pense que c'est le Splendid. Les films du Splendid, etc. Alors je suis vieux, hein, voilà. Non bah les Splendid, bon, on est. À part peut-être JB, mais on est tous grosso modo. JB, il est tout jeune. Je pense que je suis vu ce que t'as dit, l'âge que t'avais en 95, je suis plus vieux que toi. Non, et il y a Le Splendide, Les Nuls et Les Simpsons. Et je pense que c'est pour moi le triangle d'or. C'est voilà, ton triangle des Bermudes. Tu es un Illuminati. C'est ta triforce. Merci. Ouais, voilà, mais c'est ça. Mais en fait, c'est vraiment un Geek. Truc. C'est vraiment le truc que je sens l'influence, mais même des fois, c'est abusé. C'est-à-dire que je me souviens de fois où je montais des sketchs dans lesquels je jouais. Et vraiment, je disais, ok, donc là, c'est Alain Chabat, dans ma façon de jouer, là, c'est Michel Blanc, mais vraiment dans des intonations. Mais ça m'a vraiment imprégné. C'est des trucs, moi, je me souviens de. Enfin, à des degrés et à des époques différentes, parce que mine de rien, c'est plutôt dans l'ordre Le Splendid, Les Nuls et Les Simpsons après. Ouais. Et ça m'a vraiment. Enfin, tu vois, genre, Le Splendid, il y a un côté. Enfin, moi je trouve que c'était assez, presque avant-gardiste dans l'humour, quoi. C'est-à-dire que c'était un truc complètement. C'est pas ringard en fait. Même maintenant, tu regardes les Bronzés font du ski. Bon, c'est vieillot et tout, mais il y a des vannes, il y a des répliques, il y a un rythme et tout qui est vachement moderne. Les Bronzés font du ski, c'est fascinant quand tu écris un peu des scénarios parce que le film n'est pas du tout structuré. Y a rien. Et n'a aucun temps mort. C'est assez fascinant en fait, parce qu'il fait tout ce que tu dois normalement pas faire, à savoir c'est un enchaînement de blagues avec pas vraiment d'histoire, avec deux running, enfin ils ont chacun un running gag, genre lui il essaie de baiser, lui il se prend la tête avec sa femme, et tu vois, et pourtant c'est de la magie en fait, c'est vraiment incroyable ce film. Mais parce que c'est genre, parce que maintenant toute la comédie c'est genre on dit le plus important c'est les personnages en comédie, parce que après ça vient tout seul, et c'était vraiment ça quoi, ils avaient des personnages, et après c'est la comédie qui découlait de ça quoi. Évidemment, j'avais pas analysé ça quand j'étais gamin, mais du coup, ça m'a vraiment. Enfin, j'ai grandi avec ça, ça m'a imprégné. Les Nuls, bon là, c'est un. Enfin, c'est surtout Alain Chabat en fait. Oui. Vraiment, j'ai dit bon bah, je vois qui je veux être. Dans il la vient vie, la semaine en fait. Prochaine, alors je t'ai pas dit. Ah mais je suis pas là. Merde. non, mais. C'est pas vrai, hein, j'en rêve, mais c'est. Oui. Bah, on a eu les Robins, c'est un premier pas. C'est un premier pas. Ça arrivera. C'est un premier pas. Ça arrivera. On aura Chabat un jour. On aura Chabat. Non, mais vraiment. C'est marrant parce que tu t'excuses quoi. De quoi ? Tu t'excuses un peu, genre ouais, vraiment, je m'entends pas. Quand je me vois faire ça, c'est Non, mais c'est parce que vraiment, je Mais quand même tu au quotidien, je trouve, moi. Je trouve que les influences, c'est pas vraiment dans le jeu. C'est dans le jeu parce que. Mais c'est dans son quotidien. Tu es nul et splendide. Non, mais c'est normal de se construire comme ça. C'est normal. Non, mais je m'excuse pas du tout parce que je sais bien que c'est des trucs que je vois moi, mais c'est pas. Genre les commentaires c'est pas genre c'est plagié de Michel Blanc. C'est plagié de Cadet Olivier toi. Ouais. Alors que vraiment pour le coup pas du tout quoi. Et il est en train de boire une petite lichette. Voilà. Non mais moi je me souviens de vraiment Les Nuls l'émission où je regardais ça chez mon père parce que c'était peu de temps après le divorce de mes parents et tout. Donc période pas forcément la meilleure de ma vie. Et il y avait vraiment un côté genre. La comédie, ça peut un peu te sauver, tu vois, de te sortir un peu de. Ouais, et de. T'es vraiment dans le HLM de ton rep en train de regarder ça et t'as un peu une bulle de. Ah, trop bien, c'est trop cool, quoi. Et. Enfin, c'est ce qui est un peu genre. La comédie, enfin, c'est un peu le. ce que t'as envie d'offrir quand tu fais de la comédie après, quoi, de dire aux gens, bon bah voilà, je sais que je suis pas, bulle d'air. Je suis ouais. pas chirurgien, je vais pas faire une transplantation de cœur, mais je peux peut-être offrir genre 5 minutes de une chaîne YouTube ouais, sur voilà. la santé. et ouais, les Simpsons pour le côté bah un humour pour le coup là qu'on connaissait pas trop en fait, un humour qui venait vraiment des États-Unis, absurde. Enfin, qui ressemblait à rien. Tellement de... rythmé. Ouais, qui ressemblait à rien de ce qu'on avait vu avant en comédie. Et qui. Enfin, c'est fou, quoi. C'était fou à l'époque. Et avec le recul, un truc que moi j'admire vraiment, un peu. Aussi bien les Simpsons que Futurama, c'est le côté. C'est grand public, mais vraiment. Enfin, les Simpsons, tout le monde regarde les Simpsons. Et c'est aussi trop bien, quoi. Parce que, bon. Du grand public merdique, on en voit beaucoup, quoi. Mais du grand public, moi je me souviens d'un truc qui m'avait marqué une fois, c'était que j'avais vu un tweet d'un gars, mais qui était horrible, genre, je sais plus, c'était ultra homophobe, un truc, mais le truc. C'était subversif. non, mais c'était un gars, j'allais dire un cassos, mais pas. Non, mais un gars lambda, je sais même pas comment c'est tombé. Ouais. Si je me souviens, c'était le compte Twitter Tweet de Gogol. Qui avait retweeté ce gars, donc c'était un truc ultra homophobe, horrible et tout. Et par curiosité malsaine, j'étais allé voir le profil. Et donc je voyais que des tweets, le mec, c'était horrible. Je me disais, je peux pas être plus différent que de quelqu'un que de ce gars, quoi. Et parmi des tweets ignobles, le mec, il écrit ah, Futurama, c'est trop marrant. Et je me dis, c'est fou que tout le monde peut aime Futurama, en fait, quoi. Ouais. Et c'est trop bien, quoi. Et c'est-à-dire qu'ils arrivent à faire un truc qui est à la fois hyper pointu dans l'humour, dans les références, etc. Enfin, genre Futurama, en plus, ça va vraiment loin. Genre, ils ont fait une... tu sais, ils ont... Il y a une théorie scientifique qui a été élaborée juste pour un épisode, je crois, un truc comme ça. C'est vrai ? Il y a beaucoup de vulga dans Futurama, voilà. Qui est vraiment pas mal, d'ailleurs. Et à la fois des gags... Enfin, tu vois, il y a un côté, genre, tu peux faire du grand public et pas faire de la merde. Et il y a un truc hyper généreux là-dedans, en fait, qui devrait être la base de la comédie, en fait, d'être généreux et pas forcément de faire une blague pour tes potes et tout, enfin de dire regardez comment je suis marrant, mais de dire tout le monde rigole, quoi. Moi, c'était ça, tout le monde rigolait, mais de moi, parce que je me faisais tabasser. Ouais, bon. Mais ça faisait rire, quoi, après. Voilà. Non, bah oui, attends. Je suis humoriste, hein. Ouais, je suis humoriste. J'ai commencé comme ça. Ça fait un peu penser à Kaamelott sur certains points. Je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, je sais pas moi, si ça vous me fait penser au film Y a-t-il un pilote ? Ah oui, les frères Zaz, The Naked Gun. Pas des frères Zaz, mais des Zaz, quoi. Police Squad. Ouais. Mais je vois ce que tu veux dire avec Kaamelott. Kaamelott, c'est un truc quand même méga grand public, mais avec d'autres vannes qui plaisent à d'autres gens et tout. Et c'était à 20h35 sur M6. Il y a un truc, je trouve, de. Bon, il y a des gens qui n'aiment pas Kaamelott aussi, bien sûr, mais. Tu reconnais un peu le tu n'aimes pas, d'accord. Non, okay, non, mais bon, c'est pas aussi simple que ça. Non, mais c'est juste que du coup c'est marrant parce que quand tu croises des gens qui aiment Kaamelott, ils aiment pas forcément, enfin il y a un truc de, ils citent pas les mêmes répliques cultes pour eux. Tu sais que moi ça m'énerve un peu par contre. Non, mais parce que je tu vois, il y a ceux qui kiffent la couillère du Burgonde, et il y a ceux qui vont aimer à la molette, et il y a ceux qui vont. Juste que ça brasse plein d'humour différents, mais chacun va avoir son truc culte. Non, c'est un peu là-dessus. Complètement. Mais surtout qu'en plus, c'est ce qui est très fort avec Kaamelott, et c'est le cas même de. Je trouve que Bref est un peu construit comme ça. C'est des séries qui évoluent un peu avec le. C'est-à-dire que tu peux prendre le train en marche parce que c'est vraiment facile d'accès au début, et ensuite le truc t'amène à. Ah ok, on va là. Ah putain, j'aime bien qu'on va là. Et clairement la 5 et la 6, tu fais ok. Moi je me demandais si Asti était pas complètement déprimé à ce moment-là. Tu vois, Moi j'étais déprimé en regardant. Mais il y a aussi un côté didactique parce que mine de rien, ça aborde des questions de médiéval, enfin de historique, des points historiques assez pointus, l'adoubement, enfin des choses que les gens, et c'était des termes que les gens n'avaient pas forcément. Ah, les historiens qui font ouh. Non mais ou sur le mythe du Graal, etc. Oui, les gens ils connaissent pas. Ils ont pas de prétention historique, vraiment. Ils sont. Enfin, tu vois, ils ont. Bah, déjà, Alexandre Astier, pas de prétention déjà. Moi, je pense que justement, la série avait un peu cet aspect-là. J'ai aussi envie d'apprendre. Bah, c'est pas hyper rigolo historiquement parlant, mais. Non, c'est pas. Mais non, mais sur plus pas comme plus ça, sur des habitus, quoi, tu vois, l'adoubement, oui. Même sur la musique, puisqu'il est passionné musique, il y a vraiment des aspects sur la musique. Non, puis même la quête du Graal, je connais rien. Il y a des gens qui connaissent pas. Non, mais apparemment, c'est assez. L'intrigue de Kaamelott est plus ou moins parallèle avec. Perceval est un peu moins con dans. En vrai, tu vois, Chrétien 3 et tout, il y a des gens qui connaissent pas. Non, mais enfin, c'était juste pour ce truc de. C'est marrant, comme. J'ai l'impression que ça peut rassembler pour des raisons totalement différentes. Bien sûr, bah moi vraiment pour le coup, j'étais pas au début, je pense j'étais comme je te dis là, je un peu rebelle nul, donc je peux pas regarder un truc qui passe sur M6 à 20h30, mais j'avais un côté j'aime pas trop Kaamelott, et effectivement c'est quand c'est devenu visiblement déprimant où moi là j'ai commencé vraiment à trouver ça chambé, parce que bizarrement je trouve que c'était là où c'était devenu extrêmement drôle aussi. Moi ma saison préférée de Kaamelott c'est l'avant-dernière, c'est celle où il y a Shabak, Clavier, où il y a je suis pas forcément fan de quand il va à Rome, mais la saison d'avant, alors qu'elle est assez sombre parce que c'est là où il fait tout le truc de avoir une descendance et tout, donc qui est quand même des trucs un peu C'est pas celle où il est dans son lit, non, ou sa fille dans sa baignoire là, il suicide, il essaye de suicider en fin de saison 4, puis dans la 5 c'est après avoir survécu. C'est ça, donc c'est la 4, pardon, c'est la 4. Enfin, en tout cas, bref, c'est Louis Achaba, entre autres. Et non, mais c'est la 5. Ça, c'est la 5, pardon. En duc d'Aquitaine. Voilà, c'est ça. Et il y a dedans des moments de d'humour qui sont extraordinaires, mais qui sont pour moi des trucs qui ont été les meilleurs. Je le mets au niveau du Splendid, moi, en termes de qualité, de rythme et de, tu vois, toutes les phases, les meilleures phases de Roland dans Kaamelott sont dans cette saison pour moi. Moi, perso, j'adore. Je trouve ça extrêmement fort, et même tous, je trouve qu'ils ont la meilleure partition, le meilleur ton. Mais après, le ton, c'est dans un ton qui est d'ailleurs assez populaire en ce moment, le ton un peu triste mais drôle en même temps. Il y a pas mal de séries qui l'exploitent. Mais même nous, enfin Golden Moustache, j'ai commencé à vouloir mettre Golden quand j'ai voulu mettre du triste un peu c'était dans une des chaîne il y a quelques années quand j'ai voulu mettre du triste dans des blagues, c'était enfin cette saison là de Kaamelott était une rêve de ouf, parce que encore une fois, pas juste parce que c'était triste, parce que je trouvais que ça, que l'humour et le drame se nourrissaient extrêmement bien. Et je trouve que quand tu rigoles avec des personnages, tu les aimes plus, donc quand il leur arrive des merdes, t'es vraiment triste, et inversement, quand t'es vraiment déprimé et que d'un coup il y a une blague, tu rigoles trois fois plus. Donc voilà. J'ai vu d'ailleurs une série qui m'a marqué, du coup, en restant dans le thème, c'est Fleabag. Donc je la conseille à tous. Ah, j'ai regardé le premier épisode. J'ai pas poursuivi, mais ça avait l'air bien. Je ne connais pas. Eh bien, Fleabag, c'est compliqué à expliquer. C'est sur Amazon Prime. C'est sur Amazon Prime. Il y a plusieurs versions, je crois. Et c'est. Non ? Non, ils vont faire une version française, c'est ça, avec Camille Cotin. Ah oui, ils vont faire une version française avec Camille Cotin. Et la saison 2 anglaise va sortir, mais sur HBO, je crois. D'accord. Ah non. Non, pas ah du la tout. Vache, c'est quoi cool. C'est... Non, la... Pardon, ça parle de quoi ? Bref, c'est juste une. En gros, il n'y a pas vraiment de pitch, c'est juste une meuf, tu la suis. Oui, voilà, c'est ce genre de truc. Tu peux pas le pitcher. C'est invendable en tranche de vie, et tu comprends qu'il y a un truc qui s'est passé avec sa meilleure pote, tu sais pas trop quoi. Elle est juste complètement déprimée, complètement névrosée, et il y a un peu ce truc de, elle brise le quatrième mur constamment, et elle parle directement. C'est Arthur Lalou. Pour moi, c'est Arthur Lalou. Les deux. Et c'est très très drôle, mais plus ça va, plus ça te fait bader, et c'est vraiment très très bien. Mais d'ailleurs, est-ce que vous avez des œuvres, quand je dis qui vous ont marqué, mais parce qu'ils équivaut à ce que tu dis un peu avec les souvenirs de regarder un truc très rigolo dans le HLM avec ton père? Des trucs qui vous font écho avec des moments de votre vie. Je vous donne un exemple très vite. Moi, par exemple, j'ai ça avec Scrubs. C'est-à-dire que Scrubs, c'était ma première meuf avec qui c'était un peu sérieux à la fac, qui était méga fan, qui m'a dit toi, tu vas forcément aimer. Et on a binge-watché, mais alors vraiment, pour le coup, binge-watché, puisqu'on regardait ça de 9h à 7h du mat. Et après, on s'endormait. C'est quand j'étais étudiant, donc on dormait par terre dans un 17 mètres carrés à Marne-la-Vallée. Et c'est des merveilleux moments de vie. Et je pense que je suis très fan de Scrubs et que ça a eu une grande importance de ma vie. À 50-50, c'est chambé, et à 50-50, c'est une période de ma vie qui était assez émotionnellement, qui m'a vraiment secoué, parce que ça faisait vraiment scène de film dans un film de Cédric Clapiche. Est-ce que vous avez des trucs un peu comme ça, des... Moi j'en ai un, c'est Whiplash, mais c'est glauque. C'est Whiplash parce que j'aime être fouetté. Parce que j'avais une prof de théâtre en 6e qui me hurlait dessus pendant toute l'année, et qui effectivement un jour m'a lancé une chaise à la gueule. La base de la pédagogie. C'était dans un collège, un collège à Paris qui s'appelle le collège Stanislas. Allez, boum. Et ça devient sans aucun doute cette émission. Mais on va la retrouver. Cette prof était, mais c'était Madame. Ah putain. C'est domicilié. J'espère qu'elle est morte. avec une chaise dans la gueule. Et donc une connasse hein, qui qui m'a vraiment bah j'ai parlé du théâtre au début et elle m'a vraiment traumatisé. Elle t'a dégoûté du théâtre ou j'ai pu reprendre uniquement en seconde, tu vois. Ah ouais. Ah oui, tremblé. Oui, au collège, j'ai pas pu. C'est les pires années. C'est les années où t'es tellement vulnérable. Ouais, c'est horrible. Ça, et mais vraiment, elle me hurlait dessus. Et une fois, ma mère est venue à une répète pour aider. Et elle était trop sympa. Non. Elle ma mère en rentrant, ma mère. Quand je suis rentré chez moi, ma mère m'a dit est-ce que tu veux qu'on te change d'école, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'était un peu vénère. Ah d'accord. Ouais. Je croyais que la meuf avait fait genre je suis sympa quand il y a quelqu'un. Et donc Whiplash, quand je l'ai vu, je me suis dit. Ah ouais, c'est effectivement. Mais est-ce que c'est pas pour ça qu'aujourd'hui t'as une chaîne YouTube? Effectivement, rien à voir. Rien à voir. Mais en plus, ouais, je trouve que Whiplash capture bien cette espèce de prof un peu taré, mais qui en même temps te fait vachement progresser parce que t'as cette idée là aussi que. Oui, c'est le rapport fascination et en même temps c'est très dur. C'est très dur. Ça t'a réveillé des trucs, c'est ça que tu veux dire quand t'as vu Whiplash? Ça m'a fait penser à pas mal de trucs, quoi. Quoi? C'est pas un truc que t'as vu à ce moment-là, du coup? Non, pas du tout, je l'ai vu bien plus tard. Il est pas si jeune, ça va. 2015, c'est 2015. Exact. Il y a 4 ans, j'avais 20 ans. Ah, bon. Moi, la dernière série que j'ai vue avec mon ex, ça a été Community. Ouais. Donc en fait, ça a été un petit peu le moment de bonheur avant qu'on se sépare, tu vois. Donc il y a des trucs comme ça. Ah, ouais. Les ex, c'est terrible. Ma télé série avec des copains, finalement. Arrêtez de regarder des séries en couple, sinon après, vous allez vous séparer. C'est vrai, c'est une couleur particulière. En plus, on s'est séparé avant qu'on s'aimait encore, c'est juste nos schémas séparés. Mais ouais, on a regardé un mois avant de séparer, on a regardé ça, on a binge-watché Community, on se marrait, c'était cool. Et c'est aussi un peu triste en plus. Je pense que c'est aussi ça, en plus, c'est des séries qui ne sont pas que drôles, c'est des séries où tu peux pleurer un peu, enfin pleurer. T'as une variété totale. Ouais, tu vis, t'as les mêmes émotions que la personne que t'aimes, et donc du coup, c'est sûr qu'après, ça marque un peu au fer rouge, quoi. Et elle m'avait fait découvrir New Girl, il y a maintenant au moins, c'était en 2013 peut-être. Et j'avais vachement accroché, et c'est un moment où dans ma vie professionnelle j'ai eu le pire du pire, enfin harcèlement moral la totale. Et en fait, quand je rentrais du boulot le soir et que j'étais lessivé, je me matais New Girl, et en fait la bulle dont vous parlez là, j'oubliais tout à ce moment là mais vraiment New Girl, ça m'a fait un j'explosais de rire, j'étais heureux, tu vois, vraiment. Et puis après j'ai me couché et je me disais je vais retourner au boulot. Et c'était dur. Là c'est les deux exemples comme ça. Non mais c'est vachement bien. Manon, toi t'as un truc comme ça? Moi j'ai ça aussi, genre avec Kimi Schmidt, il y a à peu près genre un an et demi, un truc comme ça, très grosse rupture, très douloureuse. Il me fallait une série catchy pour C'est parfait Kimi Schmidt, ça. Voilà. En fait il y a ce côté c'est très dark. C'est une meuf qui a été séquestrée. Il leur arrive que des trucs horribles, ils font des blagues. Mais alors, c'est un espèce de bonbon acidulé, ce truc. Ouais. Et du coup, vraiment, je crois que j'ai maté que la première saison. Mais je crois que tu résumes un petit peu l'humour presque c'est de Tina Fey, qui est vraiment comme ça, où c'est tous ces persos, il leur arrive des trucs horribles, mais à chaque fois, ils font des blagues autour de ça. Il y a un épisode où elle est morte de rire parce que son père prend du crack ou je sais pas. Enfin, c'est hyper trash. Ouais. Et en fait, c'est. Bref, et du coup, j'ai regardé ça à ce moment-là et. Et en fait, maintenant, j'avoue, je peux pas entendre le générique sans pleurer parce que c'est associé à un moment de rupture. Ah oui, bien sûr. Donc j'ai pas maté la saison 2. Eh bien, on se le passe. D'accord. Moi, il y a une série comme ça qui, en fait, m'a un peu accompagné à deux périodes. Que des séries, vous avez remarqué. Enfin, toi, t'as Whiplash, mais sinon, c'est quand même beaucoup des séries. En fait, t'as donné un exemple série, du coup. Je pense que ça les a orientés un petit peu. Non, mais qui m'a un peu accompagné à deux périodes différentes, c'est Six Feet Under. Qui est ma série préférée. Bien sûr. Et en fait, moi, la première fois, c'était quand je vivais encore. Moi, j'ai vécu chez ma mère jusqu'à assez tard. Enfin, bon, peu importe. Grosse merde. Mais j'avais j'avais la vingtaine, je pense. Et ma mère, elle, c'était une mère célibataire. Mes frères et sœurs étaient déjà partis de la maison. Et elle était en formation dans une autre ville et tout, donc moi j'étais tout seul en fait, et je me faisais un peu chier, enfin j'ai jamais été quelqu'un qui sort énormément et tout, donc j'étais à la maison, et sans doute un peu en dépression, un peu sans doute, qui s'est soigné très vite après, terminé. et je me souviens que en fait je tombais parfois par hasard, parce que je battais la télé, quand je bouffais j'allumais la télé, et je tombais parfois par hasard sur Six Feet Under, et j'étais trop content, je trouvais ça génial, je savais pas trop en fait. Il y avait une espèce de côté mirage un peu, tu vois, où tu tombes sur ce truc et tu fais putain mais c'est génial. Et je comprends pas. Je sais pas trop ce que c'est, j'en ai jamais entendu parler, je le prends en milieu de saison 2 sûrement, tu vois. Et je me souviens qu'il y avait un truc qui était trop cool, c'était que il passait plusieurs épisodes d'affilée à la télé. Ils en passaient peut-être 3, 4, 5, un truc comme ça. Et y a, à la fin de l'épisode, il y avait toujours ce moment où j'attendais. Je me disais, putain, est-ce qu'il va y en avoir un autre? Oui. Et je réentendais le générique, je me disais, putain, trop bien, et encore, je pense que c'est des épisodes de 50 minutes, je crois, un truc comme ça. Donc je me disais, putain, j'ai encore 50 minutes, genre, à mater un truc trop bien et tout. Donc c'était un peu comme ce que je disais avec les nuls, où c'était genre, il y avait vraiment ce truc, j'étais plus tout seul, parce que, enfin, tu vois, il y avait, même si c'est, en termes de mood, c'est l'inverse des nuls, c'est vraiment le plus badant. Mais en même temps, en même temps, il y a des choses pires que ma vie. Et c'est venu après. C'est venu après. Ah, bien fait pour ta gueule. Moi ça va en fait. Et et donc moi, j'ai vu quelques épisodes. En gros, j'en ai pas dû en voir beaucoup, mais ça m'avait vraiment marqué. Et puis après, je l'ai un peu oublié, machin, etc. Et puis après, je me suis mis avec ma copine, avec qui je suis toujours. Et en fait, on a maté Six Feet Under tous les deux, on a tout maté ensemble. Et c'est tous les deux notre série préférée. Pareil, quoi, c'est tellement marquant, en fait, dans ce côté, tout est juste, en fait, dans la façon de représenter les rapports humains, tout. C'est marquant là-dedans. Et puis, ça, enfin, je sais pas, il y a un côté de partager ça avec quelqu'un avec qui tu partages ta vie. Mais ça, c'est et avec qui tu vas partager des trucs qui seront pas toujours très marrants, comme c'est arrivé. Du coup, ça fait 13 ans qu'on est ensemble, quoi. Donc, sûr, forcément, on n'a pas vécu que des trucs heureux. Ouais. Et il y a un côté fou, il y a un peu un côté mode d'emploi, en fait, où tu mates tout le truc et après, tu vois, ça. Enfin, je sais pas, il y a un côté, bon, bah voilà, vous allez vivre des trucs pas forcément marrants. Voilà peut-être un aperçu de comment ça va se passer et comment tu peux le gérer et comment les gens vont peut-être réagir et comment c'est peut-être pas forcément de leur faute s'ils réagissent. Enfin, tu vois, il y a un. Mais je trouve ça d'ailleurs très vrai, même en couple, mais aussi avec la famille. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai eu une enfance très heureuse, vraiment. Enfin, je fais tout le temps des blagues horribles. Mais en vrai, franchement, mes parents étaient géniaux avec moi. En revanche, c'est vrai que si on devait pointer un défaut, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de communication. C'était plutôt. Des taiseux et donc on. Après, maintenant, la société a beaucoup évolué, donc j'ai l'impression qu'en comparaison, on se disait rien, parce que maintenant, je parle beaucoup et je fais un métier artistique, donc je fais des podcasts où on parle de nos vies. Donc, bon, voilà, forcément, en comparaison, ça me paraît être taiseux sur les sentiments. En revanche, le cinéma est vraiment le truc que moi, j'ai beaucoup partagé, principalement avec mon père. Et en fait, c'est comme ça qu'on s'exprimait, en fait. C'est de rire aux mêmes choses, c'est de. Bon, c'est pas d'être ému, parce que, bon, pleurer, c'est quand même pour les PD, hein, dans l'éducation que j'ai eue. Mais en tout cas, non, mais rire aux mêmes choses, être touché par les mêmes choses, en prendre plein la gueule, sortir d'une salle de cinéma et discuter du film en se disant, ouais, mais putain, quand il fait ça, c'est quand même ouf, quand le T-Rex, il attaque la Jeep, putain, c'était un truc de malade. Et donc c'est très. Enfin, tu parles de quel film? Je vois pas quoi. Blade Runner. Ah, hein, tu l'as pas vu jusqu'à la fin. C'est Iron Sky. Non mais donc du coup il y avait vraiment ce truc de discuter en fait avec des œuvres artistiques. Moi je parle tout le temps de films parce que on n'allait pas au théâtre et machin, mais c'est très vrai aussi avec la musique. Moi mes parents en fait aujourd'hui j'écoute je pense exactement ce qu'écoutaient mes parents parce que encore une fois eux c'était les années 80 la fouine non mais tu vois ils écoutaient Depeche Mode, The Cure qui sont maintenant des artistes que j'écoute, que je vais voir en concert et que j'aime beaucoup et c'est une réflexion d'ailleurs que je me suis fait il y a pas si longtemps. Quand j'étais ado, je pense que j'étais pas du tout un ado à problème, mais je pense que j'avais plein de trucs renfermés de colère. Je me faisais tabasser au collège et j'exprimais pas mes sentiments. Et donc je pense qu'il y avait un truc qui était énervé en moi, mais qui j'étais un petit gros, donc qui allait pas sortir, tu vois, qui allait pas s'exprimer quoi. Mais en vrai, je regardais énormément de films d'horreur. J'étais abonné à Mad Movies et j'écoutais du métal. Donc techniquement, même si j'étais pas un énervé, je pense qu'il y avait un truc qui s'expulsait par ça. Et récemment, je me suis dit, mais putain, en fait, tout ce que j'écoutais en musique, c'était la version énervée de ce qu'écoutaient mes parents. C'est-à-dire que j'écoutais Marilyn Manson, qui est en gros du The Cure énervé, j'écoutais Korn, j'écoutais que des groupes qui ont tous fait une reprise des groupes qu'aimaient mes parents, mais en métal. Donc je me suis dit, ah putain, c'est marrant, c'est vraiment l'adolescence, il y a un peu de ça quand même. T'es énervé, et en plus, t'as un peu du bagage parental qui est là, donc tu veux dire, je suis pas ça, mais bon, je suis un peu ça quand même. Donc voilà, c'est un petit peu un mélange chelou de tout ça. Et t'as pas eu la rupture, genre ton père qui te dit, on va regarder ce film, il est trop marrant, tu vois? Lui il se marre et ça marche pas et toi tu te marres pas du tout. Bah c'est en vieillissant, je te dis, quand j'ai c'est pas la comédie bizarrement, parce que mon père est plutôt bon public, il rigole de bon cœur devant plein de trucs. Et puis surtout il y avait un truc où on n'allait pas voir des comédies au cinéma parce qu'il fait on va pas payer 40 balles pour voir un truc qu'on va voir à la télé dans 4 ans. Donc au cinéma c'était que des explosions, c'était Armageddon, Deep Impact, voilà. On allait voir des gros trucs, mais non, bizarrement non, on arrivait à être, c'est l'adolescence après, où je te dis, moi j'étais vraiment Mais vu que mon père il regardait tout, enfin moi j'ai regardé The Descent avec mon père, on est allé voir on a vu Haute Tension ensemble, oh. On a regardé des films d'horreur vraiment gore parce qu'il y avait c'était vraiment ce truc-là qu'on partageait où ma mère elle en pouvait plus parce qu'elle elle déteste les films d'horreur. Non, c'est l'inverse. Mais, mais du coup on n'a jamais eu ce truc. Moi c'est vraiment quand j'ai commencé à vouloir regarder des trucs peut-être un petit peu plus autorisants, quand je suis parti sur Little Miss Sunshine, Juno, où là je l'ai un peu paumé parce que c'était un peu chiant pour lui. Mmh. Et justement cette fibre émotive entre grosses guillemets de drame de voilà là je l'ai un peu perdu sur ce truc-là quoi. Mais en tout cas non, on a quand même eu longtemps une et on continue, enfin c'est très drôle parce que ce qu'on échange aujourd'hui, on ne parle pas plus, mais on continue de parler de ça, tu vois. Alors qu'on vit très loin. Moi, mon père, quand je suis sorti de Star Wars, lequel? Le dernier qui est sorti, quoi. Enfin, donc pas Solo, le 8. Oui. Le vrai Star Wars. Mon père l'a vu genre 4 jours après et on s'est appelé et on a parlé 40 minutes au téléphone, sachant qu'on ne se parle, on ne le voit qu'à Noël et aux anniversaires, quoi. Ouais. Et il y a toujours cette espèce de truc. Donc c'est pour ça que des fois moi j'en fais un peu des caisses sur le cinéma et tout parce que comme quoi c'est important dans ma vie, mais c'est parce qu'en fait c'est ta seule façon de parler finalement. Oh, avec ma famille en tout cas, maintenant j'ai des podcasts où je peux me plaindre pendant des heures, donc c'est parfait, mais voilà, écoutez les amis, j'ai plein de gens qui ont voulu partager aussi leurs trucs, donc on va leur lire. Mais on les connaît pas, on va pouvoir les juger. Sans faire le geekos, je pense que c'est la série Twin Peaks personnellement, parce que c'est grâce à elle que j'ai découvert David Lynch. Il m'a montré une autre façon de procéder à la création cinématographique proche de ce que moi j'aimerais créer. C'est vrai qu'il y a aussi ce truc là, il y a aussi le truc de voir quelque chose que t'aimerais recréer toi dans ton propre art. Edgar Wright avec la moitié d'internet. Exactement. On peut le dire, hein. Exactement. Vraiment. Mais après Edgar Wright a aussi copié lui sur d'autres trucs, hein, donc. Ah bah de toute façon je citais Tarantino quand on est adolescent. Ouais. Moi c'est avec toi que j'en parlais récemment, je sais plus avec qui j'en parlais, de dire ce que j'adore avec avec le cinéma. C'est que et c'est sûrement vrai en théâtre et en littérature, c'est juste que j'ai pas les connaissances. Un réalisateur, quand il fait un film, l'interview pour la promo, il va te citer tout ce qui l'a influencé. Et en fait, ce qui est génial, c'est que tu peux toujours remonter le fil de la cinéphilie de. Voilà, moi je suis fan d'Apatow. Apatow, il est fan de Mike Nichols. Donc je regarde Mike Nichols. Mike Nichols, je trouve ça charmé. Mike Nichols, il dit bah moi c'est Billy Wilder. J'adore Billy Wilder, donc je remonte et je remonte à Billy Wilder. Et je remonte et je remonte et je remonte jusqu'à Lubitsch, jusqu'à. Et donc ça, je trouve ça fascinant, quoi. Moi perso c'est la série The Leftovers qui m'a profondément marqué. Leftovers. Ouais. Là c'est quelque chose qui a fait vibrer en moi tout ce qui allait pas, mais en même temps m'a appris à en tirer de la beauté et de la sérénité. Elle est dure cette série. Alors, je l'ai pas vu. Je vais regarder avec les 10 premiers épisodes, s'il vous plaît. Faites attention. Ouais. Ah, t'as vu donc saison 1. Ouais. Okay. Ouais. Quand j'étais ado, j'ai découvert Neon Jesus Evangelion, un animé qui passait sur Canal. Pour un ado dépressif, c'est l'équivalent en Japanimation de Linkin Park. J'avais vraiment l'impression de regarder une série qui me parlait, qui m'expliquait que, ouais, les rapports humains c'était difficile, des fois impossible, et que t'avais le droit de te sentir mal, et que c'était même normal des fois. D'habitude un héros de manga c'est un gamin qui déchire tout avec des super pouvoirs et des gonzesses à ses pieds. Là c'était un ado avec un robot géant, mais il avait pas envie de le piloter. C'était un héros qui en chiait, qui était triste, qui avait mal, et ça c'était trop bien. Ouais. Alors, moi j'ai eu ça avec Zach Braff aussi. Ouais. On se fout beaucoup de ma gueule parce que c'est vraiment. Non merci pour la bière. Maintenant on me propose gentiment une bière. Ouais, c'est moi, c'est tous mes films de blanc dépressif de Sundance. C'est vrai. Je sais exactement ce que c'est, mais bon, pour le coup, ça me parle parce que il y a vraiment. Il y a ce truc des films japonais, genre les Ghibli. Moi quand je découvre ça, j'ai 10 ans. C'est sucré salé. Hein. Mais je me prends une baffe parce que j'ai absolument pas les repères culturels pour comprendre comment le mec a écrit ça, quoi. Après la comparaison d'Evangelion avec Linkin Park, je trouve. Evangelion, c'est plutôt. Froncer les sourcils. C'est plutôt Cannibal Corpse mélange. Ouais. Enfin, je ne suis pas métal, j'ai pas les références, mais je veux dire, on n'est pas sur du Linkin Park. On est non, mais je pense que oui, c'était plus le côté un peu on est triste et énervé en même temps. Tu vois. Là, il y a quelqu'un qui nous parle, parce que bon, voilà, de Le Banquet de Platon. Alors, excuse-moi. Désolé. Le Banquet de Platon a bouleversé ma vision des relations entre humains. Manon, viens. C'est faux. Et Manon qui arrive. C'est faux. Tout simplement faux. Voilà. Non, mais on a commencé par le porno, on passe au Banquet de Platon, c'est parfait. Moi, je l'ai lu, j'ai vraiment détesté. Mal écrit. Sur Sens Critique, j'ai mis 2. Ouais, mal rythmé. Merci Manon. J'ai fait une critique vidéo avec des figurines pop derrière moi. J'ai dit que c'était vraiment pas bien. C'était vraiment nul. Le Banquet de Platon a bouleversé ma vision des relations entre humains et notamment au sein du couple. Long short story, Platon évoque l'importance du désir. Bon, on connaît. Non, pas du tout. Pas forcément sexuel dans une relation. Ça m'a fait prendre conscience de la nécessité d'être proactif dans son couple pour maintenir de l'intérêt du désir. D'un point de vue même sexuel, ça m'a appris à ne pas ça m'a appris à ne pas foncer droit au but et de savoir prendre son temps pour une meilleure expérience de Ken. C'est quel livre du banquet de Ken. Il a écrit Le Banquet de Platon. Je n'y connais S'il faut Platon pour ça. Et c'est, alors que nous, un petit bout, un Drew Barrymore, ce n'est pas une relation platonique. J'ai un scotch dans les mains que je tourne. moi, en parlant des œuvres qui ont marqué ma vie, je pense à la bande dessinée Lou de Julien Neal. C'est vrai, ouais. Elle est jolie cette BD. Par contre, elle a pris un tournant un petit peu bizarre, mais bon. En tout cas, de toute façon, les bandes dessinées qui parlent de l'adolescence, oui, ont un truc. Ouais, il y a un truc. Cédric était assez rigolo d'ailleurs aussi sur un enfant amoureux. Il y avait un truc. Ah non, ouais. Cédric, c'était pas mal. Je trouvais ça chiant. Moi, j'étais abonné à Spirou pendant des années et c'était les pages que je sautais. C'est quoi, toi, ce que t'aimais bien sur Spirou ? Le petit Spirou. Ah oui, voilà, oui, mais c'est ça. Ouais. Mais donc, toi, en fait, c'était t'aimais Cédric avec des blagues de cul, en fait. C'est ça. Oui. Oui, voilà. Attendez, en vrai, quelqu'un se souvient des trois premiers tomes de Titeuf ? C'était trop bien. Les premiers ils étaient plus trash. Titeuf, c'était de la BD pour adultes. Mmh. Hein. C'était, ouais, ouais. T'avais de la fellation explicite. Enfin, tu vois, je pense que c'est même pour ça qu'après il a fait Happy Sex et il était genre bon, là je peux plus trop le faire avec Titeuf donc je vais partir sur autre chose. Mais c'est dès qu'il y a eu le dessin animé que ça a été, enfin pas acheté, mais il a eu de l'argent qui est venu d'autre part. En fait, la BD elle a pris un tout autre tournant. Alors que les trois premiers c'est vraiment de la BD pour adultes quoi. Vraiment ado-adulte quoi. Okay. Tu vois, mais Lou, je crois que ça a marqué beaucoup de. Ouais, mais mes sœurs elles ont été. Alors par contre, je connais pas ça, c'est quoi. C'est une bande dessinée. Pré-ado. Ça suit une pré-ado de peut-être jusqu'à l'adolescence, 20 ans. D'accord. Et en fait, le truc cool, c'est qu'il y en avait une par an ou même plus au début. Et elle vieillissait, je crois, non, c'est pas ça ? Si, et elle vieillissait à chaque tome, et du coup, ça accompagnait l'idée de suivre un peu l'âge des lectrices. Ça, c'était vraiment le sale coup de Zep, d'ailleurs, sur un épisode de Titeuf, ou sur la couverture, c'est Titeuf ado. Ah, j'étais là, enfin, ça y est. Mais en fait, il a fait un rêve, et en fait, il s'imagine ado. Avec Nadia. Du coup, en quoi ça évolue mal après ? Enfin, où tu disais. Bah, ça... En gros, il a pris un tournant SF qui était vraiment. Enfin, surprenant dans le mauvais sens. Il y a un problème avec la censure. Non, non, mais en plus, c'est pas forcément de la bonne SF, je trouve. Et. Enfin, sans définir la bonne SF. Bon, enfin, on est pas là pour ça. Exercice. Mais non, mais en gros, 3 ans d'absence et il revient avec un tome qui hyper bizarre. Oui, mais tu sais, des fois t'as ce truc aussi des artistes que je comprends de plus en plus, qui est oui bah c'est voilà, j'ai envie de raconter ça. J'étais un peu contre George Lucas, mais non, je fais bah il fait ce qu'il veut. Non, mais le qu'il a créé, le problème c'est qu'il a fait marche arrière dans le tome d'après. D'accord. Et ça c'est un truc. C'est un frérot d'Adrien, s'il vous plaît. Mais après il a fait un dessin animé et tout. C'est le film aussi est très cool. Le film d'ailleurs, il y a un petit comédien que vous pouvez voir. Je ne sais pas. quelqu'un pose une question. J'imagine que vous allez parler beaucoup d'œuvres qui vous auront marqué positivement. Y a-t-il à l'inverse des œuvres qui vous ont marqué négativement ? Ah oui, bonne question. Moi, c'est Mein Kampf. J'ai tout. Moi, j'ai vraiment aimé. C'est vrai que j'ai pas. Prends par surprise. Polémique, c'est Les Indestructibles 2. Oui. Ah oui, on a discuté de ça. Ouais, t'as dit que t'avais vraiment marqué négativement. Enfin. J'adore le 1, j'adore tous les Pixar, hein, mais et le 2, j'étais vraiment en colère à la fin de la séance. Ouais. Tu sais que moi, je suis plus du tout en colère contre les films. C'est que ça, j'ai plus ce truc. Moi, je suis en colère contre beaucoup de films. C'est depuis, et je pense que ça, si tu fais la frise chronologique de ma vie, c'est à peu près au moment où j'ai recommencé à recevoir des commentaires sur mon travail sur YouTube, où j'ai commencé à faire oh ça y est, faut arrêter de donner son avis. Ouais. C'est vraiment dur en fait. Non mais la colère, je vais pas la chier au réel, tu vois. Je vais pas lui envoyer des lettres. Mais je me dis merde quoi, c'est con. Non, je comprends. Non mais elle est dure cette question parce que des films qu'on a détestés, il y en a plein. Mais c'est ça, que j'essaie de trouver parce que j'ai bon. Mais moi j'ai pas un souvenir d'un truc où ça m'a fait du mal, genre de. Une déception vraiment intense. Pour moi, la dernière, ce serait un des équipes de. Un truc où tu t'es monté une montagne. Ouais. Avec certains Marvel aussi, je pense. Mais quand j'étais plus jeune. Ouais. Genre Iron Man 2. Terrible. Terrible. Pourquoi se monter la hype sur ça ? Je pense que ça m'a fait ça avec le dernier Miyazaki. Ouais. Le vent se lève. Ouais. Il m'a vraiment déçu et j'étais là, tu peux pas nous dire au revoir avec ça, c'est pas possible. Je me suis endormie. Ouais. Alors, dans le style œuvres qui ont marqué ta vie, genre Miyazaki, c'est ce qui a fait mon adolescence, quoi, clairement. Ouais. Comme plein de gens de ma génération. Et le dernier, là, moi, vraiment, je me suis endormie. Je n'en ai Et tu aurais aucun. Dit à la Manon de 16 ans. Très bien. Mais je les ai achetés, faut que je les regarde. C'est un problème. Ouais. Tu aurais dit à la Manon de 16 ans, un jour tu t'endormiras au ciné devant un Miyazaki, elle t'aurait fait pardon, ouais. Ça fait 6 fois que j'avais voir le voyage de Chihiro, ça n'arrivera pas. Ouais. Grosse déception, et surtout parce que j'aime beaucoup le fantastique dans ces films, et que là, il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas de monstre. Il y a une forme de fantastique. Donc. Ouais, ben voilà, une forme. Et moi, je veux du fantastique, ok. Ouais, donc, la scène du séisme que j'ai kiffé et c'est tout. Moi, je sais pas si c'est marqué négativement, mais il y a un film d'horreur qui vraiment m'a fait du mal quand j'étais petit. J'ai vu le film Maniac, je sais pas si vous voyez, vieux film. C'est avec. Non. Pas le remake avec Elijah Wood. L'original, Joe Spinell, je sais pas quoi. Et en fait, je l'ai vu, je pense, un peu jeune. Je l'ai vu à 11 ans, je pense, un truc comme ça. Et c'est un film vraiment bizarre où c'est un mec qui assassine des meufs, leur arrache des trucs et les fout sur des mannequins dans des magasins. Enfin, tu sais, les mannequins de H&M, là. Ouais, bon, okay. Bref. J'ai vu le remake, donc. Et en plus, c'est des années 70, donc en plus, c'est Kraspek, c'est lent, la musique, c'est du gros synthé, machin et tout. Et en fait, c'est ce film où je me suis dit, ah, mais on peut grave mourir. Enfin, j'avais pas peur des films d'horreur, mais là c'était genre, ah oui, c'est vrai qu'en fait un gars fou, il peut venir et t'assassiner et te tirer dessus avec un fusil, en fait. C'est marrant parce que justement j'étais en train de me dire, est-ce que un film peut nous marquer négativement de la même manière que un film, enfin tu vois, genre un film qui te marque positivement, c'est qui te fait prendre conscience que la vie est belle et tout ça. Et du coup je me dis, c'était ça en fait que je cherchais, un film qui te fait prendre conscience que le monde c'est aussi horrible, quoi. Pour toi. En fait c'est positif. Enfin, d'une certaine manière. C'est pas négatif. Ça dépend, en fait. Si tu tellement dépression après, c'est. Oui, genre, Feston, je sais pas si vous l'avez vu. Bien sûr. Feston, pendant une semaine après, j'étais vraiment pas bien. Vraiment pas bien du tout, quoi. Mais bah, ça, c'était le but du film, certainement. C'est le but du film, mais, voilà. Mais à un moment, faut. Je sais pas. Moi, ça y est, moi, ça aussi, ça m'énerve aussi. Là, j'en avais déjà parlé, je vais pas repartir dessus, mais le dernier Lars von Trier. Où j'ai vraiment détesté. Ah oui, et on m'a dit, mais c'est ce qu'il veut. Je fais, bon, nique ta race, vraiment. C'est ce qu'il veut. Et ben, faire foutre. Et ben, bravo, super, t'as ce que tu veux, j'ai détesté. Ça dépend, tu te sentais mal parce que t'as pas aimé ou parce que t'as compris le message et ça t'a juste pas aimé, quoi. Ouais, ça m'a juste. Mais donc, du coup, là, c'est pas du tout agréable. Ouais, mais l'art aussi, c'est. Je peux pas le conseiller aux gens, tu vois. Ah ouais. Consciemment, je peux pas dire, bah, regardez-le parce que vraiment. Non, mais après. Là, c'est pas pareil que Lars von Trier où tu dis t'as détesté le film. Voilà, c'est pas qu'elle a détesté le film, c'est que j'ai vu et j'ai détesté en plus. C'est le même groupe de potes d'ailleurs, les deux réels. Oui, c'est vrai. Mais là, le but de Feston, c'est clairement, je veux dire, il a peut-être pas envie que pendant une semaine on soit pas bien, mais clairement le but c'est que tu sois pas bien, quoi. Oui, bien sûr. Que c'est pas de critique de l'œuvre, en fait, ça que je veux dire. C'est réussi, quoi. Tous ces mecs-là, voilà. Le grave aussi du Cournot, il m'avait. Ah putain, moi ça a été, bizarrement. Ah ouais, moi j'ai vraiment kiffé. Moi, j'ai pas mangé le soir même. Ah ouais, putain, mais c'est fou. Parce que moi, justement, tu sais, il l'avait vendu, genre les gens tombent dans les pommes et tout, donc je pense que j'étais genre, allez, pas jusque-là. Mais c'était la promo. Moi, j'étais genre, vas-y, ramène. Les attentes jouent vachement aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors que moi, quand j'ai découvert Devil's Reject. Là, j'étais vraiment pas bien parce que je me le suis pris comme ça par hasard. Okay, genre, ok, c'est horrible. Ok, super. Et ça m'avait remué. J'en ai vu vraiment aucun de tout ce que vous citez, donc j'ai plein de trucs à découvrir. Et ce qui est drôle aussi, c'est que moi, j'en mate plus du tout des films d'horreur. Pourquoi ? Je sais pas. J'en ai maté tellement, mais j'en ai vraiment. Et là, je trouve qu'il y a des films d'horreur qui sont excellents qui sortent. Comment il s'appelle là, le truc hyper chelou avec les maisons de poupées là. Annabelle. Non. Conjuring. Ça c'était chambé. Avec la meuf qui a une gueule toute bizarre, la petite gamine là. Un truc. Joséphine Ange Gardien. Il y a des plans. Le premier plan du film, c'est un plan d'une maison de poupées. Hérédité. Oui, ça c'était vachement bien. Et il y a Us qui est sorti aussi. J'adore les. Hérédité, Moi dans la salle, c'est vrai que j'étais pas très bien non plus, Hérédité. Hérédité, c'est. Et ça, c'est cool, non? Ouais, c'est super. Il y a rien de pire qu'un film d'horreur qui te fait pas peur. Bien sûr. Mais par exemple, un Hérédité. En fait, il y a plusieurs trucs. C'est que moi, surtout quand j'étais adolescent, je pense que ce que j'aimais, c'était les films d'horreur qui te mettent mal. Et le dernier acte, c'est la personne qu'on a chié est énervée et se venge de tes assaillants. Qui sont mes trucs préférés, moi. C'est vraiment. Voilà. C'est ça. J'ai l'impression qu'il y a un petit. Il y a quelque chose au fond du cœur, là, qui fait du bien. Mais c'est pour ça que j'ai adoré Get Out. J'aime pas les trucs un peu trop dépressifs de. En fait, on meurt tous à la fin. Parce qu'en fait, c'est ça la vie. Je déteste les films d'horreur où tout le monde meurt à la fin. Tu reprends ton destin en main, quoi. Voilà, c'est ça. Et en plus, la personne est vénère. Et tu as même des daubes, genre I spit on your grave, des trucs que j'ai vu comme ça. Mais en fait, à la fin, parce que la personne se sort les doigts, Moi ça je kiffe. Ouais. Mais là j'ai Us, j'attends de ouf. Us à mon avis ça peut être, ça doit être chambé. Il y a aussi Sans un bruit qui est très bien. Ouais, ouais. Peut-être. Sans un bruit. J'ai dit Us l'enfoiré mais. Moi j'ai pas d'œuvre qui m'a marqué négativement. Par contre je me souviens de la période où j'ai commencé à passer du statut de juste de spectateur qui apprécie en fait les choses à l'analyse et qui en fait se rend compte que quand c'est pas bon quoi. Ouais. Surtout que j'étais du genre à regarder les trailers, mais parce que des fois on s'en souvient plus ça. Mais les trailers ils sortaient des fois un an avant le putain de film et t'étais là putain j'en peux plus et tu le regardais en boucle etc. Et il y a une période qui est allée grosso modo. Enfin, je crois que l'une des plus grosses déceptions ça a été 2012. Il y en a eu d'autres avant pendant cette période, notamment Battle for Los Angeles, le film World Invasion. J'ai plus le nom, mais je veux dire Battle for Los Angeles. Battle for Los Angeles, mais c'est pas ça le nom, c'est Battle Los Angeles, je sais pas quoi. Ils avaient fait une campagne virale. Ouais, virale et tout. Et puis putain, ça avait de la gueule. Ouais. Tu dis putain, ça a défoncé. Genre Soldat Ryan dans Los Angeles d'aujourd'hui, mais avec des aliens qui attaquent. Ouais. Putain, c'est génial. Ouais, le film est une merde. Ah, c'est, il est horrible. Mais une merde. Mais je l'ai vu au ciné aussi. Ouais, et j'étais encore dans cette période vraiment consommateur. Je prends, putain, ça explose, c'est cool, c'est sympa. Ouais. Maintenant, t'es woke. Et non, mais, j'étais woke. Mais j'ai regardé le truc, je suis sorti, je me suis dit, on se fout de ma gueule. Ouais. On se fout de ma gueule. Et 2012, c'était pareil. Putain, la bande annonce, elle était cool. Tu disais, putain, ça va être génial. Génial, ça va être... Le premier parce que mine de rien sur l'aspect purement destruction pleasure, tu vois, t'es là putain trop bien, mais le film est tellement mauvais par ailleurs, tu vois, c'est horrible. Il y avait eu aussi le jour où la Terre s'arrêta avec Keanu Reeves, que j'attendais beaucoup, c'est une purge. Et en fait, et Prometheus qui a été pour moi vraiment l'élément fondateur, puisque c'est pas pour rien que le premier épisode de la chaîne c'était là-dessus, même oui, t'as eu besoin d'en parler. Ouais, j'ai besoin d'en parler. En fait, j'ai lancé la chaîne alors que c'était Covenant, 6 ans après. Genre... Covenant, j'y étais allé avec de l'espoir parce que le premier. T'es fou. Non, mais le trailer m'avait dit ok, ouais. Mais non, mais non. Et ça a été horrible. Ouais, il a 80 ans. Moi, je pense, moi, ça y est. Moi, je commence à me dire que tout ce qu'on a, c'est du bonus en fait. Moi, je suis allé voir aussi Convoi Exceptionnel de Blié. Je suis un très grand fan de Blié, c'est vraiment pas très bien. Mais en même temps, il y a une scène cool et d'un gars qui a 80 ans, moi, une scène cool, et là, je suis content. Tu l'apprends. Je paye pas, tu sais, j'ai une carte UGC, je paye plus mes places moi. Donc en fait, une scène cool, tu peux me prendre 1h10 de vie pour les 10 minutes que j'ai kiffé. Bon. Moi, je suis plus énervé contre ça. À 80 ans surtout. Non, mais avec les chefs-d'œuvre que t'as fait. Mais Gladiator 2, faut pas le faire par exemple. Voilà. Non, mais en fait, moi, pour un chef-d'œuvre, t'as le droit à 5 daubes. En fait, t'as raison, mais moi je vais trop loin. C'est-à-dire que je me dis, mais garder cet argent pour des jeunes, pour des gars qui ont. Tu vois, putain, moi bien ça me rend sûr, ouf. Mais bon, après. En fait, c'est tout ça. Mais là où t'as raison, c'est que, effectivement. Moi, je veux plus que Cameron, Scott et Lucas et les autres ils fassent des films parce que je dis, mais. Il n'y a pas besoin, en fait. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Et en fait, mine de rien, quand tu as un certain âge, même si ces gens sont riches ici, mais sont quand même mieux conservés que certainement ce que nous on sera, t'as plus le même vécu, t'as plus la même hargne, t'as que des yes men qui t'entourent parce que t'as plus rien à prouver. T'es souvent un peu aigri, énervé sur des trucs. Ouais. Non, mais même où des fois t'as eu des petits enfants et tu veux plus que ton film il soit trop choquant. Hein. Ah, donc tu prends E.T. et tu remplaces toutes les armes par des putains de talkie-walkie, tu vois. Et ça, c'est des choses. Moi, ça me rend ouf. En l'occurrence, je trouve que ça, pour le coup, c'est l'exemple de Spielberg, je trouve, moi. Et un contre-exemple presque. Ouais. Je trouve son cinéma est d'une jeunesse, moi, que je trouve fascinante. Quoi. Non, mais il est d'une jeunesse. J'ai pas aimé le dernier Ready Player One. Donc, ouais, c'est de la merde. Moi, j'ai adoré ce film. Mais bon, non, mais tu vois, non, mais la jeunesse, pour moi, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de violence, une vraie violence. Oui, oui, bien sûr. Enfin, bien sûr. Bon, c'est un autre débat. Mais écoute, c'est intéressant. Écoutez, les amis, les gens ont vous envoyé des questions un peu plus précises sur vos vies personnelles, sur vos travaux respectifs. Je mesure 1m59. Voilà, parce que je savais qu'ils se demandaient. J'en laisse 5 questions, du coup. C'est les formes 18-25 qui demandent. JB, est-ce qu'on peut savoir, alors, peut-être pas le titre, sur quel genre de film parlera potentiellement la prochaine vidéo? Tu as le droit de dire aux auditeurs de podcast, allez vous faire foutre, vous ne méritez pas. Je suis le pote de Cyprien, après tout. Voilà. Un indice, c'est que j'ai parlé d'un film aujourd'hui qui est effectivement dans le prochain épisode. Oh, c'est Whiplash. Très malin. Pour moi, c'est très malin. Voilà, c'est très très malin. C'est Whiplash ou Babe. Arrête. Il y a bien moyen que ce soit. Non, c'est pas ça. Mais je peux vous dire, par contre, je peux spoiler le sujet de la prochaine parce que je le dis ouvertement. Attends, prochaine du coup. La prochaine. D'accord. Épisode 10, ça sera sur la lumière au cinéma. Ah, trop bien. Et la simulation de la lumière, comment générer une image de synthèse. Donc comment créer un film Pixar. D'accord, ok. Des années 94 aux années 2019. Trop bien. On va comparer les deux Toy Story. Ouais, bof. Pas terrible. Je suis moyen chaud. Pas terrible. Est-ce que t'as lu le livre d'ailleurs que j'ai là, j'ai oublié le titre. Creativity.inc. Non, alors oui, celui-là. Moi, je l'ai super, acheté. Ça fait partie de tous les livres. Bien dans ma bouche, on est déjà neuf. Des nombreux livres que j'ai achetés numériquement et que j'ai jamais lu. Mais je pensais pas à celui-là, je pensais à celui qui s'appelle Mon voyage chez Pixar. C'est le mec qui a bossé de. Il est sorti en France chez Sonatine. Attendez, je vais vous dire exactement le titre. C'est. La machine à rêver, voilà. Ah, la machine à rêver. Et c'est en gros, c'est un gars qui a suivi Steve Jobs en 90 de la Silicon Valley, qui ensuite lui a dit bah tiens, va bosser chez ces gars-là. Il fait ouais, attends mec, j'ai jamais fait d'artistique moi. Il s'appelle Pixar, ils veulent faire un film et tout. Il fait ouais, putain, mais moi j'y connais rien et tout. Et donc en fait, c'est limite le comptable de Pixar, putain, mais du coup, qui va grandir avec eux, les voir émerger et, et les fréquenter dans leur tout petit truc de merde à Los Angeles et les voir faire Toy Story. Et il raconte tous les deals avec Disney, tous les trucs. Et du coup, c'est assez fascinant. C'est jusqu'à la mort de Steve Jobs, donc Steve ça va pas jusqu'au bout. C'est pas sur les dernières années, c'est pas les années où Lasseter devient le patron de tout Disney, puis il dégage parce que c'est un porc et compagnie. Hein. Et non, mais donc voilà, mais c'est, je vous le conseille, c'est Laurence Lévy et c'est sorti en France chez Sonatine, qui est une très bonne maison d'édition de bouquins. Ils ont fait aussi un truc sur Stanley, sur James Cameron. Très bonne maison d'édition. Et donc c'est sorti pas. En français. En français, la machine à rêver. Ouais, en anglais, il y a donc Creativity Inc., qui est écrit par Ed Catmull, qui est aujourd'hui le président de Disney et qui est un informaticien hyper important dans la 3D. Enfin, moi, j'utilise constamment son travail au quotidien. Et qui est brillant et qui raconte aussi les années Pixar et surtout les challenges de Pixar en termes de création, comment former une équipe créative et comment faire que ça marche. Et c'est très très intéressant. Trop bien. Une question pour le capitaine Nexus 6. Quel est ton film préféré qui n'est pas de la SF? Film important pour toi qui n'est pas de la science-fiction. Ok. Est-ce que tu veux que je fasse un petit tour et je te laisse réfléchir un peu? Laisse-moi réfléchir s'il te plaît. Ok. Manon, comment t'es venue l'idée de faire tes chroniques sur ton travail de thèse? Je crois, peut-être j'ai un peu déformé mon souvenir, mais je discutais avec ma directrice de thèse qui savait déjà que je faisais des vidéos YouTube au moment où j'ai commencé la rédaction, parce que les vlogs de thèse ne couvrent que ma rédaction de thèse. Donc ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez découvrir ça. C'est vraiment des vlogs où je racontais pendant un an et demi, j'ai fini en juin dernier, toutes les étapes. Je faisais quoi, un vlog par mois, et je disais cette semaine, ce mois-ci, j'ai fait ça de boulot, etc. Avec mes petits déboires d'étudiante. Bah, il y en a. Bah ouais, quand c'est super intéressant. Mais ça couvre que la rédaction, du coup, pas le travail de recherche avant. Et du coup, il me semble qu'en discutant avec ma directrice de thèse, elle m'a dit un peu un truc comme ça, genre « Oh, mais tu pourrais faire des vidéos pour expliquer qu'est-ce que c'est le travail de doctorant ?» Et je me suis dit « Ah bah oui, très bien, je fais en pleine rédaction de thèse, je vais rajouter un format sur ma chaîne, c'est une bonne idée. » Mais en vrai, j'ai trop de temps. Voilà, j'ai beaucoup trop de temps. Non, en vrai, c'était des formats très light à faire, et du coup... Et oui, puis il y avait aussi un truc de « Bah, comme ça, les gens ils vont comprendre pourquoi je produis pas beaucoup de vidéos, parce que j'écris une thèse et ça consiste en ça. » Voilà, et puis du coup, c'est un format vraiment à part, mais j'étais content qu'il s'arrête avec la thèse. Enfin, il a fait son cycle, quoi, et voilà, ça vient de là. Trop bien. C'est un vrai stress de sortir des vidéos. C'est vrai qu'il y a une vraie pression des gens de sortir plus souvent des vidéos, des trucs. Ça m'a toujours surpris. Plus, personne m'a jamais saoulé avec ça, mais je sais pas. Nous, je me souviens quand je faisais partie encore de Suri 4, on avait cette pression ça, alors qu'en fait, si tu regardes bien, saison 1 de Suri 4, on a fait 6 vidéos. Mmh. On a rien branlé, en fait. Tu vois, et on avait quand même cette pression de souvent faire du contenu. Ça m'a toujours surpris. Adrien Méniel. Oui. Déjà, comment ça va? Ça va pas mal. Plutôt cool. À quand un projet aimerais-tu, parce que à quand, je pense que c'est pas prévu, puisqu'on parle quand même de quelqu'un qui n'est pas très présent en France, aimerais-tu faire un projet avec Thomas Gauthier, vu qu'il s'agit de l'autre monstre du sarcasme de ce monde? Bah ouais, oui. En plus, c'est marrant parce que Thomas Gauthier, c'est un youtubeur québécois. J'adore. J'ai découvert. Moi, j'aimerais dire Thomas Gauthier, appelle-moi s'il te plaît. Oui. On l'aime tous beaucoup. Je le type, figurez-vous. Voilà, je fais de la lèche. Ah ouais. Non, mais c'est bien. C'est bien. T'as bien raison. Il vient en France dans quelques semaines. Ah ouais. Oui. Bah, ouais, qui vient dans un podcast. Et ce salaud, il dit envoyez-moi un MP disant que vous voulez me rencontrer. Je lui ai envoyé un MP. Et il ne m'a pas répondu. En tout cas, si vous êtes fan de podcast et que vous aimez bien Thomas Gauthier, envoyez-lui des tweets pour qu'il vienne dans l'émission. J'en serais ravi. Mais je pense qu'il vient. Il viendra. Bah, avec grand plaisir. Moi, je kifferais. Passe une semaine à Paris. Voilà. C'est quand? Ah mais c'est trop bien. Non mais en plus on arrive du 26 au moi je l'ai découvert assez récemment et il me fait beaucoup rire. Moi c'est Vincent Tirel qui me l'avait fait découvrir il y a très longtemps. Ouais. Il avait fait une critique d'une chanson de Ariana Grande. De Ariana Grande. Elle est folle cette vidéo. Elle est complètement folle. Vraiment bien. Il est drôle, il est vraiment. Donc voilà. Bah écoute, l'invitation est lancée. Est-ce que tu as ton film Non, mais du coup, oui, bien sûr. Enfin, ça serait trop, très drôle. Après, deux personnes, parce qu'il dit deux monstres du sarcasme, deux personnes trop similaires, c'est pas forcément un bon duo. Oh, mais c'est pas le même, tout à fait le même. Non, mais oui. Mais, c'est pour, mais je pense que oui, ça serait drôle. Est-ce que tu as ton film Un floodcast, ouais. Non, là, c'est du paraître. Là, tu te poses. Non, j'ai eu automatiquement 4 films qui sont venus en tête. Vas-y, Les Anges Gardiens. Heat de Michael Mann. Ouais, okay. Ouais. Les Portes du Paradis de Cimino. Bien sûr. J'ai eu Furio. J'ai toujours vu la jaquette, j'ai jamais vu le film. Ouais, ou en anglais c'est Merry Christmas, Mr. Lawrence. Non, mais avec tous les noces, tous les farfouilles, il y avait un DVD c'est de Furio. Avec David Bowie et Ryushi Sakamoto. Et la ligne verte de Terrence Malick. La ligne rouge. Souvent, je fais la petite. Verte, c'est avec Tom Hanks. Mais qui est très cool aussi. Oui, elle est très cool. Avec Tom Hanks qui n'arrive pas à pisser. Oui, voilà. J'adore le résumé comme ça. Très mauvais pisseur dans ce film. Très mauvais pisseur, Tom Hanks. En fait, c'est hyper compliqué. C'est le film où il pisse le plus mal. Après, c'est hyper compliqué parce qu'évidemment, t'as des trucs qui te viennent en tête, genre Pulp Fiction, machin, etc. Mais en fait, t'essayes de trouver un petit truc. Un petit truc en plus, la petite magie. Du coup, j'ai tapé les meilleurs films de l'histoire. Et sur la liste que je vous ai donnée, le premier qui est sorti, c'est Les Portes du Paradis. De Cimino. Et ouais. En fait, c'est vrai que tu l'as pas vu, mais c'est vrai que ça a l'air de bien. Wow. En fait, c'est un film qui a aussi des pièces, des moments musicaux assez incroyables, alors que moi je suis pas du tout comédie musicale, etc. machin. Mais là, il y a des moments musicaux dans ce film qui sont intégrés à l'histoire, hein. C'est pas du tout comédie musicale, c'est genre à un moment il y a un moment de danse avec des musiques traditionnelles de cette époque, 18e siècle, le monde des cowboys, bon, même là si c'est plutôt des immigrants polonais, allemands, etc. Et c'est une scène que je regarde souvent parce qu'elle est magnifique, la musique est magnifique, c'est un film qui est extrêmement touchant. C'est un film du nouvel Hollywood qui met complètement à bas le mythe du Far West, enfin de la construction américaine, etc. C'est un film incroyable qui a coulé, je ne sais plus quel studio, je crois que c'était la MGM ou ouais, y a un truc comme ça. Ouais. Donc en plus il y a une histoire de ouf, c'est un grand film. Et moi, dès qu'il y a la musique, je chiale. Voilà. Et si vous n'avez pas vu Furio, mine de rien, quand même, en fait, vous connaissez certainement la musique aussi qui est signée de Ryushi Sakamoto. Et bah, c'est quoi, je la mettrai à la fin du podcast. Alors, voilà, comme ça, les gens pourront l'écouter. Mais je vous le conseille. Voilà. Voilà. Manon, as-tu un petit mot à dire sur la récupération contemporaine des figures de la mythologie? Genre, oh bah dis donc, c'est un peu toutes mes vidéos. Du coup, un petit mot, c'est chaud. Ouais, bah peut-être on peut les amener là-dessus. Je vous invite à regarder notamment les relooking mythologiques, n'est-ce pas? C'est le principe, c'est que je vous présente une figure issue de la mythologie gréco-romaine, qui s'était dans l'Antiquité, tout ça, on fait un petit point, et ensuite des réappropriations au fil de l'histoire, comme par exemple. Dernièrement, avec ce cher capitaine, nous avons parlé d'Achille. En effet. Voilà. Et avec François Torel. Oui, car nous sommes musclés. Et oui, voilà, Achille, c'est du muscle et de la bromance, donc je les ai invités, ils étaient parfaits. Enfin, tu t'as invité qui? Qui a invité qui? Je vous ai invité dans ma vidéo. Ouais, je vous invite à la télévision. Non, oui, d'accord, on était en vacances ensemble chez toi. Voilà. Ok, mais je vous ai invité dans ma vidéo. Mon cul, ouais. Ok, t'étais content. JB, as-tu vu un vrai changement? Pas autant que d'autres. As-tu vu un vrai changement depuis que Cyprien fait de la promotion sur sa chaîne? Peut-être une petite baisse de l'orthographe dans les commentaires. Oh, allez, je n'ai rien dit. Il n'a aucune envie d'être mainstream. Il rejette tout ça. J'aime. Qui est là grâce à Cyprien? Non, mais depuis que Cyprien a partagé la vidéo, je n'ai pas sorti de vidéo. Donc, ça sera à la prochaine. Ouais, non, tu vois, le fil de désabonnement. Mais t'as eu des petits abonnements quand même, j'imagine. Oui, j'ai eu 90 000 abonnés. Ah oui, quand même. Pas dégueulasse. C'est vraiment énorme. En une semaine. T'en avais combien avant? J'en avais 28 000. Ah oui, donc c'est un but. Ouais, c'est okay. Un beau score. Ouais, c'est pas mal. Merci Cyprien. En vrai, tu le connais? Je l'avais rencontré au Frames Festival. Tu peux le meilleur festival de France. Quoi? Non, mais je. Non, mais s'il te plaît, on a besoin. S'il vous plaît. Est-ce que. Ça va, hein, Kiss Kiss Bang Bang. Non, c'est pas parce qu'on a un super ratio que ça n'a rien à voir. Un peu une question pour tout le monde. Est-ce que vous avez déjà eu des retours, malgré votre récente carrière, de jeunes ou de moins jeunes sur vos créations sur Internet? Bah, moins jeunes, c'est moins intéressant, mais en tout cas de jeunes sur vos créations sur Internet, vous expliquant que vos vidéos les ont marquées et potentiellement influencées? Peut-être un peu tôt. Peut-être un peu tôt, moi, je pense. Alors, moi, j'ai des gens qui me disent je suis allé en histoire, je suis allé faire des études d'histoire parce que tu m'as donné envie. Oh, super. Ce qui est quand même très flatteur. Mmh. Ça me fait très plaisir. Ah ouais. Moi, j'ai des gens qui m'envoient des scénarios et ils me disent ça nous a inspiré. Donc, ça me fait trop plaisir aussi. Top. Ouais. Bah, moi, c'est. Alors, c'est. Je voulais pas le dire tout à l'heure parce que ça faisait un peu prétentieux, mais c'est quand j'ai envoyé un. Chabat a dit j'aime quand ça commence pareil avec toi. Non, mais quand j'ai découvert Thomas Gauthier, je lui ai dit ah, c'est trop bien ce que tu fais. Et il m'avait dit ah, ça me fait plaisir parce que t'étais un peu une source d'inspiration dans le jeu, etc. Joli. Donc, c'était. Voilà. Joli. D'ailleurs, je suis désolé, je suis passé un peu vite tout à l'heure, mais quelqu'un disait un truc super intéressant aussi sur quand. Je reviens sur le thème. Quelqu'un qui disait que lui, il avait regardé j'ai oublié le nom. Des tutos. Ce livre très connu que toi tu dois connaître, la loi de la robotique. Asimov. Et qui du coup, il travaillait maintenant dans l'intelligence artificielle. Oh. Donc, tu vois, cette espèce de truc vraiment comme dans les films de, je lis des romans de SF et au final, je bosse dans les. Bah surtout sur l'IA. Bah c'est ça. Donc ça l'a vraiment marqué dans son truc professionnel. C'est un sujet en ce moment. Pas du tout. C'est ce qui me permet de faire moi-même de passer à la caisse tout seul quand même. Donc c'est quand même c'est fou l'IA. Mais c'est vrai qu'il y aura ça. Hein, j'en discutais un peu avec Antoine Daniel qui disait en fait, quoi, ça fait, je sais plus, 6-7 ans sa chaîne. What the Cut, ça a 7 ans, je crois. Un truc comme ça. Il a fait un live où c'était les 7 ans. Ah ouais. Et du coup, il me racontait que quand il croise des gens qui ont la vingtaine et qui ont maté depuis qu'ils sont ados, enfin quand ils étaient ados et tout leur lycée par exemple. Bah, il disait c'est ouf, alors qu'Antoine il est quand même très jeune. Ouais. Il disait c'est ouf parce que. Enfin, il disait ça très modestement, hein, attention, parce que dit comme ça peut faire prétentieux aussi. Mais c'est ouf du coup d'avoir accompagné des gens dans leur jeunesse qui sont proches de lui en âge relativement quand même, parce que enfin, je ne donnerai pas son âge, mais il est très jeune. Et, 16 ans. Quoi. Il a 16 ans, voilà. Ouais. Mind blow. Il a la progéria. Et bref, et du coup, il y aura un truc comme ça, vraiment, parce que de plus en plus, les gens regardent YouTube et que YouTube est moins la télé, en tout cas. Donc, un jour, des gens d'Internet seront, je ne vais pas dire on, mais on seront des gens qui ont fait grandir. Vu qu'Internet, en plus, c'est des années chiens, tu vois, tout va beaucoup plus vite. Ouais, en plus, on va sûrement travailler avec eux. Enfin, moi, je sais que je travaille avec le fait d'avoir travaillé avec François Descraques, Poulpe et Simon Astier. C'est des gens qui m'ont aussi forgé. Donc, c'est trop bizarre d'apprendre mon métier avec des gens qui, à la base, ont un peu forgé ma culture de trucs. C'est assez rigolo. Moi, pas plus tard que ce soir, en fait, avant de venir, j'ai bu. Avec Chronique Fiction. Alors, en fait, ça me permet de parler d'eux aussi parce que je vous conseille Chronique Fiction, qui est dont Cyril. Ça sera ta reco de tout à l'heure. Cyril a parlé de ça, a parlé de récemment, et aussi La Séance de Marty, qui sont deux chaînes YouTube qui parlent de cinéma et tout. Et j'étais avec eux, et les deux m'ont dit qu'en fait, ils se sont lancés aussi parce que ils avaient, entre autres, François Torel, et dont nous. Et mine de rien, moi, c'est vrai que pareil, je suis un peu étonné parce que ça fait que 4 ans, etc. Mais oui, c'est vraiment des âges de chien, comme tu dis. Ouais, c'est ça. J'étais, putain, mec, j'ai l'impression que c'était hier que je t'ai forgé dans ta manière de faire YouTube. Dit moi-même être ici, par exemple. Mais oui, mais c'est ça. C'est un peu pareil. Adrien Méniel et moi, on s'est retrouvés l'un à côté de l'autre dans un avion. Je me suis retenu de trop lui en dire. J'adore, tu sais, quand tu fais le karaté, là, tu dis relève-toi. C'est ma scène préférée. Et puis, en fait, c'est un truc que j'ai dit à François, aux deux François, pour le coup, des cracks et Terrel, je leur dis, les gars, si vous n'avez pas fait. Et même, je pense à des trucs plus anciens, les gars qui faisaient Damned. Ouais, bien sûr, des trucs comme ça. Alors bon, nous. Oui, non, moins ton tonnerre. Le Whoop génération, là. Ouais. J'ai dit le Whoop Gang. Noob, c'est venu. C'est ça. Quoique, Noob, il faisait déjà la Fungisoft à l'époque, etc. Ouais. J'avais regardé, etc. Mais ouais, Damned et tout, c'était des refs et tout. Et quand je les ai rencontrés, j'étais là, les gars, sans vous. On n'en serait pas là, tu vois. Et je pense aussi. Et d'ailleurs, je reste sur toi. Oui. Quelqu'un qui disait qu'il avait adoré ton association avec Dirty Biology pour parler de la surpopulation. Oui. Le combo science-fiction théoscientifique était quand même hyper intéressant et complètement à propos. Aurais-tu d'autres projets du genre en préparation? Oui. On a. Sans trop en dire peut-être. Non, non. Oui. maintenant, je sais pas si ce sera pour cette année, parce que comme on a eu, en l'occurrence, le financement participatif et qu'on doit sortir 3 gros épisodes de malades dans l'année et tout, ça va être compliqué. Mais l'objectif, c'est toujours, nous, les collabs, faut pas qu'elles soient gratuites. Comment ça, pas de collaboration? Non, oui, non, mais ce sera pas cette année. Avec des nazis. Bon, enfin bref, pas cette année. Okay. Non, ça va être compliqué. Ou après octobre 2019. Oui, parce que dans votre chaîne, il y a un peu de FX quand même. Oui, il y a toujours un petit peu de post-production, quand même, on peut le dire. Voilà. Non, en fait, non, c'est la réalité. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, du coup, j'ai encore du temps pour lire les 400 pages qui me restent. Oui. On passe à la dernière partie de l'émission. Ça fait déjà 2 heures qu'on part, vous vous rendez compte. J'ai le cul en nage, je peux pas vous dire mieux. C'est dégueulasse. C'est la qualité des invités, j'en ai dit, c'est normal. Oui, c'est l'émotion. Est-ce qu'il y a une œuvre récemment, quelque chose culturellement que vous avez vu qui vous a plu et que vous voulez partager avec les invités? On l'a fait un peu tout le long, hein, pour être tout à fait honnête, mais bon, on le fait toujours un peu à la fin de l'émission. JB, moi, c'est un film, c'est un thriller où j'ai pris une baffe monumentale. C'est The Clove Hitch Killer. D'accord, t'as inventé pour moi, mais en fait. C'est Cloverfield. Ouais, c'est ça, alors, c'est le cinquième projet Cloverfield. Et il s'est pris vraiment une baffe, en fait, c'est comme le truc de, voilà, de Manon, en fait. C'est des gens qui viennent, bah, et qui giflent. La, en fait, la jaquette m'est tombée dessus. Et j'ai, enfin, si vous voulez un peu des références, j'ai pensé à Zodiac ou Prisoners. D'accord, ok. C'est un ah, des trucs bien, où on se marre la gueule, quoi. Oh putain, là, ouais. Donc, c'est un premier film. C'est qu'avec des acteurs qu'on connaît pas trop, mais qui sont okay, tous excellents. Moi, tu me l'as vendu, moi, déjà. Après, Adrien est cinéphile, hein, donc voilà, il les connaît sûrement. Et, non, bah, mais il y a un mec, oui, qui joue dans American Horror Story. D'accord. Okay, Lady Gaga. J'en ai vu. Et donc, le pitch, c'est on suit un lycéen qui pense que son père est un tueur en série. Ok, oh, trop bien. Et le film est vraiment excellent, et je vous conseille vraiment à tous de le voir. VOD ? Enfin, DVD, VOD, ouais, ouais. VOD, parce qu'il n'a pas eu de sortie salle. D'accord. Et donc, direct. Mais oh, télécharge. Légalement, évidemment. Légalement, bien sûr. Légalement, bien sûr. Et c'est des mecs qui, à la base, faisaient. Il y avait une chaîne YouTube de comédie où ils avaient des petits sketchs. Ils ont fait. C'est smosh, en fait. C'est très bizarre. Ils ont fait un bout du morceau de. Ils ont fait un morceau de The Robocop Remake. Ah, bien sûr. Oh, voilà, putain, bien sûr. Attends, le truc où ils shootent la bite. Non, non, non, c'est pas ça. Non, ah, ils ont ah, fait. Ah, oui, oui. Alors, c'est le film. Non, ça fait partie de ça. Ça, oui, fait d'accord, partie de ça. Okay. Donc, le morceau qui est où ils shootent des bites, c'est Fatal Farm. Oui, il faut que tu vois. Oui, oui. C'est Fatal Farm. Ouais, voilà. Et en fait, eux, ils ont fait le morceau juste après. Donc, passer après ça, c'est impossible. Ouais. Et ils ont fait un truc un peu plus absurde, mais d'ailleurs, je rebondis, le remake, enfin le Robocop remake, ouais, là, parmi les gens qui ont travaillé dessus, il y a tous ceux qui ont bossé sur je crois que c'est Spider-Man, Spider-Verse, Homecoming. Bah, en je fait, crois que c'est ça. Homecoming, le scénariste, c'est le scénariste de The Clove Hitch Killer. Ah, d'accord, ok, bon, bah voilà, on y revient. C'est la boucle, bah, voilà, bouclée. Exactement, bien joué. C'est, je sais plus comment il s'appelle, bref. Parce qu'on parle tout le temps des réals de Marvel, mais moi, pour m'intéresser aux scénaristes, ils prennent toujours des tueurs à gages, ouais, de scénarios, ouais, aussi, malgré ce que les gens peuvent parfois en dire. Mais en tout cas, pour repimper les persos et repimper les vannes et les trucs comme ça, bah là, souvent ils prennent des tueurs. J'ai trouvé le scénar excellent. Je l'ai donc vraiment à voir. Quand vous disiez Robocop Remake, vous parlez de celui de José Padilla. Le... Pas du tout. Vous parlez de toi, en fait, il y a eu un projet sur. Bah, tu vas le dire d'ailleurs, je te laisse le dire. Un projet sur Internet. En fait, t'as plusieurs projets. Tu connais Star Wars Uncut? Bof. Non, si, oui, oui. Si, bah, en gros, ils ont fait la même chose avec Robocop. Donc, en gros, c'est la communauté Internet qui découpe le film en plein de petites séquences. Ouais. Et ensuite chacun l'a fait et ils assemblent. D'accord. Pour faire et donc ils ont fait ça, donc il y a Star Wars, il y a Star Wars 4 et 5 qui ont été faits comme d'accord, ça, qui s'appelle Star Wars Uncut. Il y a Robocop Remake qui s'appelle Our Robocop, je crois. Our Robocop Project. Et il y a récemment Shrek. Il y a récemment Shrek. Il y a Shrek qui a été fait, qui s'appelle Shrek Untold et qui est très très très drôle. Ah putain, okay, trop bien. Donc vraiment, je vous conseille. C'est tout est sur YouTube gratuitement. Okay. Et très rapidement, il y a aussi des potes du Frames Festival qui ont lancé un Ulule, c'est les Maze Brothers. Ah oui, oui, oui. Qui ont lancé un Ulule pour financer leur prochain court-métrage qui est une sorte de Terminator 2, ouais, de spoof de Terminator 2. Et donc, allez voir ça, ils sont vraiment très, très, très, très forts. Et allez voir leur chaîne, ouais. Et allez voir leur chaîne. M-A-S-E. C'est des gros tueurs. Ouais, et ouais, donc, allez financer ça, c'est très, très bien. Mais c'est des vrais gros tueurs, ils assassinent des gens. Donc, financez-les, ouais, mais tranquille quand même. Tranquillement. Manon ? Alors, j'ai une reco un peu particulière. Allez, oui, prononce-le. Je viens de Toulouse. Prononce-le. Donc, alors, il y a une petite histoire derrière, mais en gros, c'est une chaîne YouTube chinoise, n'est-ce pas ? Non. Et oui, bah, si, mais si, mais si. Comment ? Mais si, en vrai, j'ai tout voilà, binge-watché. Non, non, non, mais c'est bien. En vrai, c'est bien. En vrai, les gens salivent actuellement, je vais vous le dire. Alors, donc. Je vous le prononce. En fait, c'est vraiment écrit tout en chinois, donc j'ai copié-collé dans Google Trad pour donc, voir qu'est-ce que ça oralise. C'est un pardon nom s'il y a des voilà, chinois qui nous écoutent. Et d'ailleurs, déjà pardon pour la blague très raciste qu'a fait JB. Ah non. Et il avait trouvé la bonne réponse. Oui, mais non, absolument pas. Sachez-le, je suis très raciste. je l'assume. Ouais, tant que c'est assumé, ça va. On voilà, scout, hein. J'adore Michel Leb. Et donc, alors, si on veut l'écrire pour le trouver sur YouTube, il faut taper Li plus loin Zikai, Z-I-K-A-I. D'accord. Voilà, je le prononce absolument pas. C'est Lichikai, mais c'est pas grave. Alors, Google Trad faisait Litsuchi, un truc comme ça, mais bref, je vais, c'est encore pire. Encore plus raciste de oui. dire ça que la blague de JB tout Michel à l'heure. Même, voilà. C'est vous dire à quel point ça l'est. Voilà. Et bref, alors du coup, je suis tombée sur ça. Je raconte après comment, parce que c'est quand même assez rigolo. Mais bref, c'est... Comment décrire une chaîne déjà de 3 millions d'abonnés, mais je me suis rendu compte que vu le ratio d'habitants en Chine, c'était comme une chaîne de 100-200 000 abonnés chez nous. C'est donc très confidentiel. Voilà. Ouais, et c'est une fille qui vit dans la montagne et qui fait des trucs artisanaux, on dirait un peu des tutos de techniques ancestrales chinoises de plein de trucs. Genre, elle fabrique ses vêtements, elle fait de la cuisine, elle fabrique son four. Elle se tape un escort. Oui. Non. Bref. Et non, mais c'est hyper. Et c'est magnifique. Genre, les images sont trop belles. C'est vraiment bien monté. Je pense qu'il y a une grosse vraie prod derrière parce que c'est vraiment beaucoup trop beau et clairement mis en scène. Ouais, avec un 5D, c'est bon. Ouais. En vrai, ouais. Mais c'est très très beau et c'est juste bon, voilà. Alors, c'est muet, donc c'est juste il y a de la. Alors ça flirte avec le kitsch, mais c'est ça que j'aime bien parce qu'il y a toujours une petite musique, un peu tirée des justement des films de Miyazaki ou comme ça avec un max de violon et mais des plans sur la montagne magnifique et tu la vois ramasser ses baies. Ça m'intéresse. Non mais c'est vraiment très beau, un peu zen, mais un tout petit peu kitsch aussi et du coup c'est un peu attachant, tu vois. C'est un peu dans le style de tu sais le mec qui part de rien dans la forêt et qui construit une baraque. Oui. Il y a un peu de ça. Non, parce qu'il y a une tension sexuelle qui est réelle. Non, alors ça c'est juste parce que tu l'as trouvé mignonne. Non, mais bon, s'il y a une personne, il y a pas de tension sexuelle, c'est juste toi qui te branle comme sur tes. Et donc oui, alors le truc rigolo c'est que c'est entièrement chinois, donc il y a des titres qui je suppose donnent le nom du tuto qu'elle va faire, genre comment cuisiner un machin, mais comme tu comprends pas du tout. Moi j'ai le plaisir de découvrir qu'est-ce qu'elle va faire. J'essaie de comprendre qu'est-ce qu'elle va faire, tu vois. Et du coup, la première vidéo que j'ai vue, elle écrase des baies et tout. Je me dis, ah, elle va cuisiner. Et en fait, non, c'était pour teindre son tissu et fabriquer. Non. Enfin bon, bref. Oui, t'as un petit jeu contre toi-même en fait. Ouais, ça. et alors, comment je suis tombée sur ça? Donc, c'est là où en effet, c'est un peu drôle. C'est parce que t'as fait une petite ref à ça tout à l'heure. Il y a pas très longtemps, je suis allée googler Manon Bril 18-25. Pourquoi? C'est très drôle et c'est aussi grâce à JB que j'ai fait ça parce que la dernière vidéo. Mauvaise idée, hein. De manière générale. Oui et non, oui, oui. En fait, j'ai fait ça parce que dans la dernière vidéo que j'ai sortie, qui est un dessin animé avec ma pote Limlu qui fait les animations que je salue et qui fait un super taf, on a fait un épisode sur la drogue des nazis. Et à la fin, on dit si vous avez envie que ça devienne une vraie série, abonnez-vous et lâchez-nous des coms super cool et tout. Moi, je disais ça dans la voix off. Et Limlu, qui l'a illustré, a mis des petites animations de pouces et tout. Et un commentaire où il y a marqué nique-toi en majuscule et, pour faire une blague parce que j'étais en train de dire lâcher des commentaires sympas. Et en fait, j'ai totalement oublié ça après des heures de montage et tout. Et évidemment, comme il y avait marqué ça dans l'image, il y a plein de gens qui ont mis nique-toi en majuscule dans les commentaires. Mais c'est, elle a écrit avec des points d'exclamation et des 1 mélangés, enfin bref. Ouais. Et du coup, j'ai eu plein de fois dans mes spams, nique-toi écrit exactement pareil avec ses points d'exclamation et ses 1, vraiment tout pareil. Je me prends un raid. Je me suis dit, est-ce que c'est un raid et c'est chelou. Et j'avais juste pour totalement... des raisons évidentes que tu es une femme sur YouTube. C'est ça. Ça peut arriver. Et surtout, le fait que ça soit écrit exactement tout le temps pareil, je me suis dit, il y a quelqu'un qui a lancé un truc et j'avais juste totalement oublié la vanne de ma propre vidéo, tu vois. Voilà. Et bref, et du coup, j'ai tapé donc Manon Bril 1825 et je suis tombée sur quelques articles sympathiques. Parce que donc il y en a, bon voilà. Et notamment, il y avait un article où il y avait mon nom qui sortait, mais de quelle youtubeuse avez-vous envie de niquer ? Bien sûr. Et là, j'avoue que plaisir morbide, je me suis perdue, enfin curiosité morbide plutôt que plaisir, je me suis perdue à regarder les liens qui étaient suggérés. Je suis tombée sur cette chaîne chinoise. Ah, c'est comme ça que t'as découvert. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire peut-être merci ? Merci beaucoup. Merci à Usine de Foutre 13. Qui a posté le lien. Issou, comme vous dites, c'est le vrai pseudo du gars. C'est un vrai pseudo, je n'invente rien. C'est donc JB qui m'a fait remarquer parce que je lui ai dit oh mec, je crois que j'ai un raid. Et il m'a dit bon, là, comme ça, ils pourront faire un autre article pour se foutre de ma gueule en disant que je suis débile. Mais bref, c'est JB qui m'a dit mais meuf, c'est la blague à la fin de ta vidéo. J'ai fait ah, mais c'est vrai. bref, et du coup, j'aime bien parce que l'histoire, c'est comment en oubliant la vanne de ma propre vidéo, je me suis retrouvée abonnée à une chaîne chinoise. Ouais. Et voilà. En passant par je crois que je me suis fait harceler. Ouais. qui est assez rigolo. Oui, mais... Bon, mais enfin, ça peut durer trop longtemps. Mais le chemin voilà. est sympa. Le comme quoi, sympa. L'hypersexualisation des femmes, ça vous rend quand même bien service. Ça vous amène à dormir, c'est vrai ou pas? Ça nous rend un peu parano pour rien, tu vois. Et, et on du adore coup, Koé. C'est pas du tout. Désolé capitaine, non, mais... cette chaîne n'est pas du tout sexuelle. Non, et si tu dis il y a une tension sexuelle, tu vas pas mieux que le 18-25. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. En plus, j'ai peut-être utilisé un mot un peu fort, c'est vrai, mais par contre, il y a une forme de sensualité. Bah, t'as envie de la canne, t'as le droit de la trouver sexuelle. Ça, tu peux pas renier. C'est y a une sensualité. Mais... Non, c'est, mais pas, c'est de la niaiserie. Ouais, c'est de la niaiserie, c'est moi de je suis la d'accord. Non, mais il y a un peu. Alors, moi, je suis excité par un tas de choses. Il y a un public, exactement. Mais c'est pas forcément une volonté de sa part, c'est ça que je veux dire. Je redis le nom pour ceux qui veulent aller voir. L-I-L-I, plus loin, Z-I-K-A-I, Zikai. Ça va sortir en chinois, mais franchement, c'est fascinant. Et bah, parfait. Et mettez nique-toi dans les. Voilà. À la peau. Et vous n'êtes pas obligé de vous branler comme le capitaine. Non, mais j'ai vu ça qu'une fois, j'étais à côté de Manon ce matin. Bon, non. T'étais en train de te branler ce matin. Non. Adrien. Alors moi je suis un peu comme je t'ai dit pris au dépourvu. Là on enchaîne un petit peu parce que l'émission de la semaine dernière on l'a enregistrée en fait il y a deux jours hein, très clairement. Donc moi j'ai fait genre mais depuis le temps j'en ai deux des recos et en fait j'aurais dû économiser mais je retombe sur mes pattes. Il y a un podcast que j'aime beaucoup et dont j'ai jamais parlé je crois qui s'appelle Invisibilia. Alors c'est en anglais malheureusement et si vous bilingue, connaissez un podcast qui s'appelle Radiolab qui est vraiment trop bien qui parle un peu de science, mais de façon... c'est un peu de la vulgarisation, mais c'est surtout... ça parle de science, mais c'est surtout du storytelling, et du coup, ça t'apprend des trucs, etc. Là, clairement, c'est un peu la même chose, parce que c'est une meuf qui bossait pour Radiolab, qui a fait son propre podcast. Et en gros, ça s'appelle Invisibilia, parce que ça, le thème, c'est on parle des forces invisibles qui manipulent les gens. Alors, pas de façon... Ouais, des chamans. Voilà, pas ça du tout, mais justement, plutôt les trucs psychologiques ou tout ce genre de trucs. Très stylé. Et la nouvelle saison vient de commencer, donc ça, c'est trop bien. Et un autre podcast qui s'appelle Hackable, point d'interrogation. Et en fait c'est le principe c'est chaque épisode en fait ils prennent une scène de film où il y a un hacker, enfin il y a un truc qui se fait hacker et après ils testent pour voir si c'est vraiment faisable dans la vraie vie. Ah, génial. Par exemple il y a un épisode où ils prennent la scène de Fast and Furious où ils hackent 120 voitures hein. Oui dans le dernier voilà avec ouais, son ordi et conduit des voitures etc. Ouais. Et ils disent toi, est-ce que c'est possible dans la vraie vie. Et, c'est là où c'est fou, c'est très, très possible. Et c'est là. Je veux pas spoiler, mais c'est pas possible, évidemment, au point de truc. Mais. Tu peux clairement pas juste te connecter à une voiture comme ça, bam. Ouais. Mais si tu. En fait, le truc. Hacker. Parce qu'ils disent, c'est que. non, mais ils disent moi que. Moi, j'en connais. Les voitures qui sont vachement. Il y a beaucoup de composants électroniques, etc. Il y a des prises USB dessus, sur lesquelles les gens se branchent. Ils branchent leur ordi pour faire des diagnostics rapides, etc. Ouais. Et en gros, si jamais. Tu branches un récepteur Wi-Fi, etc. sur la prise USB. Après, tu peux te connecter à distance et faire des trucs. Mais pas tu forcément. Peux juste allumer la radio. Non, mais selon les modèles, tu peux faire des trucs plus ou moins badants. D'accord. Quand même pour le propriétaire de la voiture. Est-ce que pour toi, c'est Black Mirror? C'est totalement Black Mirror à mes yeux. Mais j'avais un prof de hacking. Qui, un prof de hacking oui, parce que c'était le gros de Jurassic Park. C'était à Poudlard 2.0. Il était d'ailleurs hyperspace, mais il se vantait beaucoup d'une histoire où dans son hôtel il avait joué à Pong avec les ascenseurs. Ah la vache. Ah ouais. Ok. Et qu'il avait tué trois personnes. Il avait tué ça. Il est décapité, ouais. Et du coup j'en profite parce que Hackable c'est sponsorisé, enfin c'est produit par McAfee, le bien sûr. Qui ah ouais. fait des antivirus. Il y a un documentaire sur Netflix, je crois, qui sûr. S'appelle Gringo. Le hamac. Sans en dire plus. Voilà, qui raconte la vie de John McAfee, le fondateur de McAfee. Et c'est très dur de le raconter, mais en fait, faut voir ce truc. En fait, il est fou, en fait. Ouais. John McAfee, il est vraiment devenu fou. Il a déménagé sur une île, à Belize, je crois, un truc comme ça, ouais. dans un petit village. Et en fait, il était millionnaire. Il a clairement créé une milice. Enfin, c'est un fou. Il est malade. John McAfee est fou au plus haut degré. Il a fait des trucs de malade. Et il y a un documentaire, parce qu'en plus le mec, comme beaucoup ouais. de fous, en parle assez librement. Ouais. En fait, le documentaire commence, c'est les images des flics, là, les caméras qui sont sur le tableau de bord. Mmh. Et il se fait arrêter, c'est John McAfee, et les mecs ils disent si j'ouvre le coffre, je vais trouver des trucs bizarres. Il fait ouais, il y a un fusil à pompe et tout. Enfin, il dit un truc vraiment hyper badant et il dit voilà. Et ça commence comme ça et après ça montre comment il en est arrivé là en fait. Okay. C'est vraiment fou. C'est encore une reco, voilà. Sur Netflix, t'as dit c'est Gringo. The Story of John McAfee. Si vous voulez plus de fou parce qu'ils sont devenus très riches et ils ont plus de sens de réalité, je vous conseille le livre High Concept qui parle de Don Simpson qui était le producteur avec Jerry Bruckheimer de Top Gun, Flic de Beverly Hills, Rock et compagnie. Il y a une vidéo sur internet d'un collectif, enfin un collectif ou d'un gars je sais pas qui s'appelle Monsieur Bobine qui parle un peu des productions et donc qui reprend ce que dit le bouquin. Le bouquin est fou et donc le c'est bouquin. Le bouquin. Pardon, c'est une depuis le début, on fait un premier look sur un sketch. Si vous l'avez chez vous, n'hésitez pas à nous le dire. Il y a Dieudonné dedans, donc on peut pas trop en parler. Mais voilà. Non, mais voilà, High Concept, je vous le conseille. Très bon bouquin sur un gars qui. En fait, Jerry Bruckheimer était le plus sain du duo. Voilà, je peux pas vous le vendre. Je peux pas mieux vous le vendre. Et que lui, vraiment, c'est eux qui ont produit Flashdance aussi. Et qu'en fait, toutes les obsessions de gros beaufs de ce gars-là ont fait les plus gros succès du cinéma des années 80. C'est assez intéressant. Les Américains. Les hamburgers. Alors les connaît ça boit du coca ou on préfère le bon vin vous êtes Michel Sardou c'est moi le Connemara pour le coup je te rappelle que sans les ricains on serait tous en Germanie donc ils les aiment plutôt bien vous seriez hein, parce que Sardou ne s'inclut pas dedans. C'est ça que j'aime beaucoup dans cette chanson. Capitaine. Ah ouais, pour être pas du tout original. Pas du porno, hein, c'est possible. Non, quoique, il y a du pénis en frontal souvent, c'est Love, Death and Rebirth. Oui. Et moi, pour moi, c'est un marqueur comme quand on t'a laissé une certaine liberté artistique, c'est que quand tu as du pénis frontal au repos, c'est qu'on t'a laissé tranquille sur ce que tu voulais faire. Voilà. Et donc, c'est positif. Non, c'est très bien. Pour moi, ça va du. Moyen à très bon, ce qui est franchement bien parce que souvent sur ce genre d'anthologie c'est plutôt du mauvais à bon. Là on est vraiment quand même sur du bien. Moi celui que j'ai pas aimé c'est La Meuf dans l'espace, ça m'a saoulé. Disons que c'est moyen. Pas le pire, je trouve. C'est moyen, c'est basique. Voilà. Et même Dracula, je l'ai trouvé bof. Moi, tu vois, c'est très court les épisodes. Et vraiment, des fois, tu regardes le truc, tu fais ah, c'est ça la fin, d'accord. Okay. Ah bah, moi, le yaourt, c'était ça. Hein. Moi, le yaourt, j'ai bien aimé. Trop brutal. Moi, j'ai trouvé ça bien, mais je fais bon, 4 minutes, c'est court quand même pour un épisode. Non, mais je dirais que, en fait, tu trouves même dans ceux qui sont moyens, tu trouves toujours un petit truc où tu dis là, il y a quand même. Le yaourt, moi, je le trouve rigolo. L'animation, c'est ça, tu trouves toujours quand même un truc. Il n'y a jamais tout à jeter, quoi. Il y a vraiment toujours des Le Dracula, pour le coup, il y a un peu d'humour qui marche bien, et tu t'y attends pas, alors qu'il y a de l'ultra-violence par ailleurs. Dracula fait par un studio parisien, La Cachette. Ah, bah, qu'est-ce qu'il y a là, t'as départ dans le. Non, non, et un autre, Beyond the Aquila Rift, qui a été fait par Unit Image, qui est aussi à Paris. C'est lequel, celui-là? Celui avec le Matrix. Le mec qui fait un voyage interstellaire, il se réveille et c'est la merde, il sait pas où il est. Il se réveille dans la cryogénie, il est dans une station. Il retrouve son ex. Oui, voilà, il est horrible celui-là. Il est horrible. J'ai détesté. C'était super, mais j'étais pas bien. Un truc qui t'a marqué négativement. Ouais, c'est ça. Visuellement, je pense que c'est le meilleur de tous. Alors moi, j'aime beaucoup la meuf là qui voit un meurtre. C'est un meurtre. Le témoin. Alors ouais. Et ça, c'est fait par celui qui a conçu l'univers de Spider-Verse. Ça se fait. C'est Albert Miel. On dirait presque qu'ils font de la rotoscopie un petit peu. Mais c'est que de l'animation à la main. Il n'y a aucune motion capture. Il n'y a aucune motion capture. Ouais. Ils n'ont même pas filmé. Parce que quand on enlève sa cape, là, c'est assez impressionnant. C'est tout. Il y a zéro motion capture dedans. Zéro. Les nichons, ils sont bien faits quand même. C'est Pikmin TV. On en parlera après parce que moi, celui-là, j'aime l'idée, mais j'aime pas quand. Ouais, c'est un peu. Il y en a beaucoup où tu dis ah, c'est dommage, c'est très beau, mais le scénario. Ouais, alors que là, le scénario, c'est un scénario de cours et il est nickel. Mais c'est pour ça que moi j'aime beaucoup celui où c'est des agriculteurs, il y a des aliens qui attaquent parce qu'il est pas très original. Je crois que c'est. Mais je l'ai trouvé super cool, je trouve les personnages rigolo. Pareil. Moi j'aime un peu plus dommage sur le visuel. Mais en fait, quand ça a commencé, j'ai fait oh. Et après, je me suis fait prendre dans le. En fait, t'as vachement envie qu'il y ait des longs métrages souvent. Tu dis bonne idée, allez-y, faites-moi un long métrage. Complètement. Ça, bon, je pense que beaucoup l'auront vu, mais si vous l'avez pas vu, allez-y. Puis ça se met vite, c'est super cool. C'est trop bien. Il va y avoir une anthologie de cours sur Alien. Qui a été annoncée. En animation, c'est la mode. En live. Non, mais alors, moi, attends. Moi, c'est une mode dont je. Non, mais moi, dont je rêve. J'adore. Parce que moi, je me souviens quand ils avaient annoncé, genre, oui, il va y avoir Star Wars, on va faire des épisodes avec Phil Lord et machin. Moi, c'était mon rêve, c'est de dire trop bien. Star Wars, ça va pas devenir l'univers d'un seul mec, mais de 14, enfin à chaque fois un réal différent, ouais. Et ça va être réinventé. Bon, au final, ça a pas du tout été ça. Voilà. Mais s'ils peuvent faire des anthologies avec des films, mais moi-même Die Hard, faut faire tu ça, fais un Die Hard avec Eddie Murphy, je suis d'accord, tu vois. Enfin, non, mais vraiment, en court métrage, je trouve ça trop bien de développer des univers. Les Tortues Ninja, putain. Ah ouais, putain. Et c'est ce qu'avait fait aussi Neil Blomkamp. Avec son propre studio où il faisait pareil. Ouais, il recommence un peu là, mais j'ai l'impression que c'est un peu mort. Bah, non, mais effectivement, une sorte d'animatrix sur tous les films du monde, moi je suis méga fan. Ouais, bah c'est exactement ça. En fait, depuis Animatrix, on n'avait pas eu une anthologie aussi quali en SF. Ouais. Et sinon, livre, un petit livre hein, quand même. L'Assium, de. J'ai plus le nom. Lacazo, je crois. Lacazo. Français. Banjo Lacazo, oui. il est enseignant à Sciences Po, je sais plus, il est narc, enfin la totale, machin. Agrégé de philosophie, le mec, c'est une tête. Alors, je pitch un peu. C'est dans un lointain futur non déterminé dans lequel l'humanité a complètement disparu. Donc, c'est du post-apo. Mais nous ont survécu les robots et les IA qu'on avait créés. D'accord ? Les caisses de Carrefour Market. Voilà, en grosso modo. Et du coup, ils répondent aux lois de la robotique d'Asimov. Donc, ils n'ont pas le droit de tuer d'êtres vivants. Mais il n'y en a plus, déjà. Non, mais il n'y a plus d'humanité, mais il y a des êtres vivants. Et c'est là la question, justement. C'est qu'en fait, donc ils vivent dans le souvenir de leurs maîtres humains qui ont disparu. Donc, en plus, il y a toute une recherche sur la folie dont sont atteints ces robots parce qu'en fait ils n'ont plus aucun but. Ouais, ils essayent de sauvegarder l'impérium humain qui avait commencé à s'étendre dans la galaxie quand même, etc. Sauf que y a des aliens qui débarquent et qui eux se disent c'est juste des robots vestiges d'une ancienne civilisation, et ils disent on peut prendre quoi, tu vois. Et eux ils essayent de défendre l'impérium humain sans pouvoir buter les aliens, donc ils sont dans la merde, etc. Mais c'est hyper bien écrit, c'est top, c'est un bon pitch, on peut le dire. Mais alors il y a ça, mais en fait c'est une uchronie aussi. Parce que c'est le futur d'un monde dans lequel l'Empire romain n'a jamais périclité. D'accord. Donc en fait, c'est-à-dire que l'Empire romain a continué à s'étendre et en fait, t'as même j'y crois plus. Au fur et à mesure de l'histoire, tu découvres quels ont été du coup les changements historiques, etc. Mais t'en dis trop. En fait, aucune influence. C'est vraiment le truc de base. Il y a le truc de départ. Elles sont toutes coulissantes. En fait, je sais plus quel barbare avait. Je sais plus quel barbare avait brûlé Rome, mais en gros là ça s'est pas passé et du coup Rome a continué à Néron, bien sûr. Tout le monde s'appelle Adolphe parce que c'est toujours la mode. C'est mieux. C'est plus horrible de le porter. En fait les IA, les robots, ils ont des noms romains. L'organisation est basée sur l'ancien empire romain. Il y a toute une réflexion là-dessus. Il y a SPQR sur les vaisseaux. Enfin, c'est de l'uchronie post-apo. C'est complètement fou. C'est super bien écrit. Ça se regarde un petit peu le nombril. Je rappelle que le mec est agrégé de philo, etc. Disons que c'est le beau verbe. Mais c'est super bien. Ça a l'air de faire 1200 pages. Alors il y a deux bouquins d'environ 500, pas plus. Ça voilà. Ça va. J'ai dit 1200, c'est vraiment juste 200 de moins. Oui, mais c'est deux bouquins. J'ai lu ça dans ma vie, moi. C'est top. Ce qui fait à peu près. Mais faut être habitué. 700 Playboy. Quoi. Est-ce qu'il y a des livres audio? Je ne sais pas. Non, mais faut être habitué à Endymion, à du Dan Simon, etc. Non, mais voilà, tu me fais lire des livres de 800 pages. Ouais, c'est bon, j'ai juste. Mais parce que c'est la première fois depuis longtemps que je lis un bouquin français où je me dis, là, il y a une vraie démarche comme chez des auteurs anglo-saxons, par exemple, donc je pense à Dan Simmons, je sais pas si vous connaissez Hyperion, Endymion, etc. La Horde. Oui, mais oui, mais tu as raison. Mais là, on est dans une où Dan Simmons, il s'inspirait beaucoup du théâtre classique, aussi de poètes comme Keats, etc. Des choses il comme ça. Mergo. Et là, il y a en fait cette même démarche où là, il y a une vraie inspiration du théâtre de Racine et du théâtre antique romain, etc. Britannicus. Donc, ouais, exactement. Et c'est. C'est toi le prof de philo là. Voilà, Latium, L-A-T-I-U-M. Très bien. Écoutez, Adrien va le lire pour la semaine prochaine. Tu vas nous le lire et dans le petit critique. Je vais conseiller un bouquin aussi que j'avais pas prévu de conseiller ce truc-là. Mais en même temps, on fait des podcasts tous les 3 jours en ce moment. Ouais. Et tu en as parlé de ce groupe de gens, donc je voulais en parler. Il y a un livre qui s'appelle Tropique du Splendide, qui est sorti en France. C'est un livre qui a été écrit par Warren Lambert. qui dit on dirait un faux nom, mais c'est vraiment lui qui l'a écrit. C'est le fils de Christophe Lambert. Bien sûr, et de Warren Beatty. Tropique du Splendid, essai sur la France des bronzés. Donc en fait, c'est un mec qui. Et en fait, non, mais la France des bronzés, donc la France, hein, clairement, ouais. qui analyse en fait l'évolution de la troupe du Splendid avec l'évolution de la France. Jusqu'au donc, bronzé 3 ou. Exact, non, mais oui, ah ouais, et jusqu'à. Ah en fait, il, par exemple, il dit qu'est-ce qui s'est passé entre le clavier des Baba Cool et le clavier de qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé entre Thierry Lhermitte joue dans les bronzés et Thierry Lhermitte joue dans une pub du Club Med où là-bas il fait oh, ça me dit quelque chose ici. Voilà. C'est fait sans complaisance, hein. C'est pas juste des trucs genre, oh, regardez, ils sont tous de droite maintenant. Mais, pas Balasco, pas Michel Blanc, je pense non plus. En tout cas, il y a des. Ils étudient vraiment en plus, non seulement les films du Splendid, donc le bronzé, bronzé fond du ski, papy fait de la résistance, Père Noël est une ordure, tout ça. Aussi les films de chacun un peu de leur côté. Donc il y a les films de Michel Blanc que je vous conseille, qui sont des très bons films. Viens chez moi, j'habite chez une copine, Marche à l'ombre, les films de clavier, donc les Baba Cool, tout ça. Parce qu'en fait. Je vous trouve très beau, c'est Michel Blanc. Alors il joue dedans, mais il l'a pas écrit. C'est Isabelle Mergault pour le coup, que j'ai cité plutôt dans l'émission. Non, mais même il a fait des films plus badants, genre Monsieur Ir et tout, c'était de lui ou c'était juste avec lui? Je sais plus, mais même des Embrasser qui vous voudrez, c'est pas des films très rigolos. Et Grosse Fatigue, c'était de lui? Oui, avec Blié. C'était déjà un peu plus. Ah, c'était déprimant, Grosse Fatigue. Dans Grosse Fatigue, c'est son. Oui, je connais c'est... des films. Voilà. Non, mais c'est un film. Grosse Fatigue, c'est un film extraordinaire. En fait, l'idée est géniale. C'est, on dirait un concept ricain. C'est Michel Blanc, en fait, il a un sosie qui se fait passer pour lui et qui est une ordure. Et du coup, tout le monde pense que c'est Michel Blanc qui fait des merdes. Ah, genre, génial. Il va directement s'incruster chez Jeanne Balasco et l'agresse. Oui. Et du coup, tous ses potes le détestent. Il fait, mais putain, t'as agressé Balasco et tout. Et il fait, mais non. Et du coup, on lui vole sa vie, en fait. Okay. Ouais. Et du coup, évidemment, le sosie dit, bah non, je suis le vrai. Enfin voilà. Donc en fait, c'est vraiment ce truc que t'as vu dans tous les épisodes des Simpsons de je ne suis pas le méchant clone, c'est moi. Sauf que là, c'est dans une vraie histoire. Et l'idée vient de Bertrand Blier. Et c'est Blanc qui a écrit le film. Il y a Carole Bouquet qui est dedans, qui est génial. Je vous conseille ce film au passage. Et donc, oui, cet essai Tropique du Splendid, voilà, est super intéressant à ce niveau-là. C'est pas un livre d'anecdotes. Hein, c'est vraiment un essai, un gars qui a un avis sur la question et qui le développe. Mais c'est déjà très rare d'avoir des livres sur. Sur les bronzés, et puis il a bossé. Il y a vraiment des extraits d'interviews, et voilà, ça, tu vois, les claviers quand il est parti à Londres, parce que le changement de sa filmographie avec Sarkozy président, enfin, tous ces trucs-là, et c'est extrêmement intéressant. Et à vue de nez, il fait beaucoup moins de pages que le livre d'avant, donc oui, c'est il est assez plus court. Comme, il fait 120 pages, et puis c'est un livre très fin. voilà, quelqu'un d'extrêmement. Enfin, voilà, un bouquin très intéressant que je vous. Conseil et je rejoins le capitaine sur Love, Death and Robots. Ah, c'est très cool. Voilà, c'est très cool. Bon, merci les amis. Deux heures suite d'émission. Allez, on fait un dernier petit tour. Donc JB, bientôt une vidéo. Ouais. T'as... non, mais je galère en ce moment, mais oui, j'ai d'autres trucs à côté. Voilà. Ouais. Et puis non, je vais bien plus remplir le site, mon site web aussi, The Shape of Movies. Donc là, il y a 113 films, il va y en avoir 150. C'est marrant, j'étais en train de penser juste quand et, tu en parlais. Il va y avoir le mode quiz aussi qui va arriver. Ah. Et des posters. Oh, bah trop bien. Voilà. Super. Manon ? Alors, plein de vidéos, ça c'est très cool. Et notamment, donc, ce format des dessins animés qu'on fait avec Limu maintenant. Qui était super d'ailleurs, bravo. Hein. Bah, on est super contents. Enfin, moi je suis trop contente du taf qu'elle a fait. Et on va essayer de trouver des financements pour que je puisse la payer pour de vrai et faire une série plus... Au moins une saison pérenne, je vais voir du côté du CNC si on arrive à avoir un truc. Mais je lui ai dit que quoi qu'il arrive, on trouverait une solution parce que j'ai envie de continuer. Et un live demain, mais qui du coup... Quand et dans le passé, mais tu vas le diffuser sur la chaîne. Il sera à revoir pour j'espère fêter. J'espère que j'ai gagné. Et j'espère que t'as gagné, c'est vrai qu'on savait pas encore. Non, c'est pas. Et eux-mêmes, en fait, tout le monde a invité sauf... Oui, il n'y a pas de problème. Il y a mon frère, donc la famille est représentée. Du coup, j'ai invité mon minial préféré. Donc. Voilà, non, mais il n'y a pas de problème. De toute façon, moi, si tout se passe bien, je me serais fait opérer des dents sagesse dans l'après-midi. Donc, je ne serais pas venu de toute façon. En convalescence, par contre, tu pourras peut-être rigoler en regardant le tèche et apprendre des mais vu que je ne suis pas invité, tu peux crever. Voilà, très bien. Tu pourras le dire en commentaire, nique-toi avec des points d'exclamation. Issou. Capitaine du Nexus 6, où ça en est Nexus 6 On est en pré-prod des gros épisodes 7-8. Vous avez 9. Eu votre financement, j'ai vu. Ouais. Voilà, donc ça c'est cool. Ça c'est cool, super. Voilà. Mais du coup, un peu de pression, évidemment. Oui, bah forcément, toujours. Voilà. Bah, un peu plus là, même, un petit peu. Donc on est en pré-prod, j'écris aussi. Et puis là, bientôt un épisode sur Space 2063, qui est une série de SF que tout le monde a oublié. Donc je suis content d'en parler. Voilà, il y aura encore quelques épisodes d'ici là, mais cet été on est 2 mois en tournage, je pense, sur les gros D'accord. épisodes. Ouais. Donc on sortira peut-être des formats plus courts à ce moment-là, justement, pour voilà. Parce pour, que c'est quoi les puis peut-être des trucs un peu plus critiques vidéo. Il y a des films de SF qui sortent là cette année un peu. Alors sur les review break, là, on vient de faire un Alita sur Alita, ouais. Mais du coup là, on a décidé que avant Star Wars 9, je pense pas qu'on en ferait d'autres. Ah oui, d'accord, ok. Ah, ouais. Vous vous concentrez sur. Okay. Bah ouais, il faut qu'on les sorte. Non mais normal, ouais, voilà. Sûr. Mais par contre, voilà, là je travaille sur un format un petit peu plus court, justement pour sortir des choses sympa quand on sera en tournage et qu'en fait on pourra pas donc d'accord ouais. Donc voilà, bon bah super, voilà. Et Adrien bah moi depuis la dernière fois ouais, voilà. Ouais, ouais. Non mais en fait la dernière fois j'avais même pas dit que j'avais le sketch Zombie sur ses pieds qui est sorti sur sûr. YouTube ah. Je... mais on en avait parlé quand même un très peu bon parce qu'il y avait très une bon question sketch, ouais, très bon sketch. Merci beaucoup donc voilà il est sorti, il est sur la chaîne de Studio Bagel et une petite modif parce que j'ai parlé de Cannes série où je vais avec Jérôme Niel et en fait donc j'avais dit que ce serait une rétrospective des trucs de Jérôme et tout et en fait ça a un peu changé a priori sous l'impulsion de Jérôme qui est un ange tombé du ciel et en fait du coup ça va être plus une projo un peu des trucs qu'on a fait tous les deux quoi. Donc il y aura oh. un épisode des tutos voilà Jérôme mais il y aura le premier épisode de Groom qui va être diffusé, il y aura Phantom Force et il y aura Zombie Susceptible aussi oh. voilà ben. On va diffuser là-bas donc c'est trop cool que Phantom c'est Force c'est en mai c'est ça ouais en mai là en mai. Ouais, okay. Ouais, ça arrive. Bon, je suis remplacé par Jérôme, super, agréable à entendre. Et oui, et puis moi pareil, j'avais dit la semaine dernière que tu ne veux pas travailler avec moi en même temps, alors il faut bien que... Non mais c'est vrai, la semaine dernière j'ai dit que je faisais rien parce que j'étais en train d'écrire, ce qui est toujours vrai, j'écris beaucoup. Mais en fait si, moi j'ai écrit sur un programme court qui passe sur Canal+, bien en sûr. Ce moment, qui s'appelle Pitch de Baptiste Le Caplin. Et on a fait 20 épisodes qui vont sortir un peu voilà, le player de Canal, vous pouvez vous en passer. Ça va sortir sur sa chaîne YouTube, là petit à petit, toutes les semaines il y a un épisode. Cool. Et... techniquement, on nous en a recommandé, donc voilà, on va en faire d'autres. C'est sans prétention, c'est vraiment des blagues bien débiles sur le cinéma. Et donc, on continue ce truc-là avec Baptiste et son énergie que vous avez entendu qui déborde de partout. J'ai deux autres trucs. Je suis passé dans le podcast sur l'écriture qui s'appelle Il n'y a plus de papier, évidemment. Avec notamment Cyprien. Voilà. Et le podcast dont j'avais fait. Qui est pour moi ton père maintenant, hein, je voilà. Oui, dire. Oui, ouais. À mon avis, dans ton cœur, il est first. Si tu veux le mettre en comparaison avec un autre gars, en tout cas, il serait first. Et non, il y a un autre podcast dont j'avais parlé ici qui s'appelle Request in Peace sur les Zik. Ouais voilà ouais. Qui sont des battles de playlists machin etc. Donc j'y suis, j'ai fait l'épisode, il est diffusé et tout, donc je vous invite à l'écouter, on avait bien ri. Champ Max. Voilà, Champ Max. Bon bah merci beaucoup. Notamment je pitch un film un moment parce qu'à un moment une des épreuves était d'inventer un film et ensuite d'en trouver la musique. Oh. Donc ça c'était vraiment cool de faire ça quoi. Bah, allez piquer l'idée, nickel. Bon merci à tous en tout cas. Merci à toi. Bisous, bisous, merci. Ciao. Merci. Bye.